Bienvenue, esti de marde. Vous avez reconnu l'accent? C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand vague et j'ai glissé sous le vent. Et oui, aujourd'hui, l'émission va aller sur le Québec pour le grand malheur de vos oreilles. Et pour continuer sur la lancée, pour le grand malheur de vos yeux, l'émission d'aujourd'hui est basée sur l'inimitable Xavier Dolan. Allez, je vous laisse le générique. Ouais, t'es bien, C'est impossible, mais c'était trop bien. Je vous ai compris. Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Bien que ça, c'est illégal ce que je fais. C'est illégal, oui. C'est illégal. Je vais le faire ici, mon fantôme. Vous êtes une pute. Qu'est-ce que c'est? Eh, mais c'est les minables! Je l'ai attrapé, j'ai mis deux baffes dans la gueule, il l'a pété! Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez une crise urticaire? La question est la suivante, comment vous portez-vous? Laissez les commentaires! Hein, bande de salopes! Vous êtes dégueulasse! Bonjour et bienvenue à tous dans l'entrée des artistes. Si vous nous quittez pour la première fois, c'est que vous avez eu la malchance de rater le pilote, sinon c'est que vous avez eu la malchance de ne pas le rater. Ici, Kylian, éternel perdant, qui se retrouve à vous expliquer le concept. Toujours suivi de mes fidèles acolytes, Julien, ici présent. Bonjour. Ah, je t'ai coupé. Bonjour. Ryan, notre ingé son carte blanche, est dans l'émission. Et Lucas, que je déteste particulièrement pour cette émission, et dans la vie de tous les jours. J'ai pas eu le temps de dire salut. Vous l'avez pas coupé, vous. Bah non, mais je sais pas s'il fallait couper vu que t'as fait. Vous voulez que je recommence? Non, mais vu que t'étais sur une lancée, j'ai pas osé couper. Monsieur, moi j'ai osé. Ok, c'est parfait. Mais du coup, l'entrée des artistes, le concept, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement trois cons réunis, rarement chez eux et tout le temps chez les autres, afin de s'amuser, de rigoler, dans des situations et des vannes rocambolesques dignes d'un film de Jim Carrey. Clin d'œil, clin d'œil. Sinon, le principe est simple, un thème est choisi, un acteur, un réalisateur, à mon grand malheur, un genre, un type de film, ou un n'importe quoi qui nous servira d'excuse pour vous parler d'un truc qu'on apprécie par-dessus tout, le cinéma. Nous avons choisi un film chacun, et toujours dans l'optique de surprendre et de s'en sortir sans devoir faire l'intro du prochain podcast, on en discute et à la fin on détermine qui c'est le meilleur. Le perdant devra, ce coup-ci, choisir pour lui, la prochaine fois, le pire film selon son jugement arbitraire du thème choisi. Et surtout, nous expliquer pourquoi il le est. Mais là où le suspense sera insoutenable, c'est que celui qui choisit le meilleur film ne sera d'autre que l'invité inconnu qui n'est autre que... Suspense... Antoine. Et salut. Quelle surprise, un invité inconnu déjà connu. Ah. Antoine, un mot à dire pour vous présenter? Antoine, un mot à dire pour vous présenter? Ma présentation était parfaite, j'ai rien à dire. Très bien. Alors du coup, on va laisser Antoine lire une page d'un livre pour absolument aucune raison. Ah mais attends, on va passer... Est-ce qu'on passerait pas en mode Ardisson? Pourquoi est-ce que vous devriez pas vous aussi vous serrer la ceinture? D'abord parce que je suis Thierry Ardisson. Ça veut dire que quand je vais chez Hermès acheter un porte-carte, je le paye 300 euros alors qu'en fait il y a pour 40 euros de veau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on paye la marque, on paye le savoir-faire, on paye l'image. Alors Antoine, alors vous êtes ici depuis quand déjà? Ça fait déjà deux fois qu'on vous voit, mais on vous voit partout en fait, vous êtes sur tous les médias, non? Bah c'est avant tout grâce à mon énorme fanbase, je peux me déplacer de partout. Ouais, je comprends, mais vous êtes un peu le Eminem français, non? Vous répondez pas, Laurent Baffi, une réaction? Femme pute. Yes. C'était l'intro. Oh, tu veux pas refaire? Non, c'était parfait. Okay, ouais, c'est franchement parfait. Du coup, Antoine. Oui. T'es prêt? Oui. C'est quelle heure il est là? Il est 23h à peu près. Non. Il est 22h. C'est avant tout l'heure de Voyage au bout de la nuit. On y va et en fait, quand la lecture est terminée, on se sent forcément un petit peu plus profond, plus intelligent et on dort mieux. Donc c'est pour ça qu'on continue la lecture ce soir dans Voyage au bout de la nuit. Alors nous allons à la page 293 pour nos lecteurs du magnifique livre Meilleure vente en 2012 de 50 nuances degrés. Premier guillemet. J'aimerais que tu restes et tant que tu te... sers de ça. Oh là là. Alors, je fais un AVC. J'aimerais que tu restes et que tu te serves de ça, dis-je en brandissant le deuxième préservatif. Il sourit, le pétillon de malice. Anastasia, il faut vraiment que je m'en aille. On se voit dimanche. Le contrat révisé sera prêt et on pourra réellement commencer à jouer. Jouer? Nom de Dieu, mon cœur bondit. On voit aller voir si elle est là. J'aimerais jouer une scène avec toi, mais pas avant que tu aies signé le contrat. Ah, dis donc, je ne signerai pas. Je pourrais faire durer indéfiniment ce qui se passe en ce moment entre nous. Il me regarde d'un air calculateur, sans pouvoir s'empêcher de sourire. C'est possible, mais je... Ta gueule. C'est possible, mais je risque de craquer. Craquer ? Comment ? Ma déesse intérieure qui s'est réveillée est toute ouïe. Il hoche lentement la tête en souriant d'un air taquin. Ça pourrait se gâter méchamment. Son sourire est contagieux. Se gâter comment ? Explosion, poursuite automobile, enlèvement, incarcération. Tu me kidnapperais ? Oh oui, sourit-il. Et tu me retiendrais contre mon gré ? Bon sang, qu'est-ce que c'est érotique ? Oh oui, répète-t-il en hochant la tête. Et là, ça vire au TPE 24/7. En première. Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Il parle sérieusement ? Total Power Exchange. Il y a un truc au milieu de notre... en anglais, on comprend rien. Mais t'as juste bavé. Là, on va parler. Total Power Exchange. Relation maître-esclave 24/24. Ses yeux brillent et son excitation est palpable. Même à distance. Bordel de merde. Voilà. C'était la page 296 de 50 nuances degrés. Eh bien écoutez, merci beaucoup, hein, c'était émouvant, on appréciait la lecture. J'ai un peu juté, mais moi ça m'a moustillé, j'ai envie de dire. N'hésitez pas de filer mon nom au plus grand metteur en scène, je commence ma carrière de quotidien, de comédien, pas de quotidien. Ouais. Allez, quotidien. Ouais. On en reparle plus tard. Allez. Alors du coup, donc la première rubrique, enfin le premier truc, c'est qui c'est qui commence. Et on va commencer avec la roue magique pour définir qui va commencer. Allez, c'est la roue magique. Et c'est Lucas. Au meilleur des moments. Tu vas croire que c'est triché. Ah bah tourne là, c'est triché. Ouais, tourne très peu cette roue. Ça fait du bruit, c'est tout ce que je voulais. Donc là, je vais vous le faire deviner mon film. Et avant de vous le dire... Bah non, je l'ai fait deviner, non. J'aimerais demander à Ryan s'il aime bien Pegasus et Marie. Bah, j'ai trouvé génial. Yes, merci. Clin d'œil, clin d'œil. Titi, un revolver sur la tempe. J'ai adoré, je l'ai vu. Vas-y, dis-moi un acteur qui a dans Pegasus et Marie. Je crois qu'à un moment, je suis pas sûr, mais je pense qu'à un moment il y a Jim Carrey. Il fait le gros lourd. Je l'ai perçu. Il fait le gros lourd. Donc il vient de me niquer une vanne. Allez. Donc je vais vous faire deviner mon film. Allez, c'est parti. Là, alors c'est un peu spécial. Puisque Dolan réalise et joue dans son film. Ok. Pendant les trois quarts de ses films. Ouais, déjà, et donc, attention, là aussi un peu spécial, il y a Anne Dorval qui joue aussi. Ok. Ah, ouais. Attends, comme ça, tous ces films. Ça arrive jamais, je sais pas qui c'est. Si, si, non, mais je vais regarder parce que ça me dit un truc. Ouais, forcément. Du coup, t'as dit si, mais. Et après, ça part en rébus. Puisque le charade. En charade. Rébus, c'est le premier mot de ce film est ce qu'on boit le matin au petit déjeuner, soit avant. Le lait. La bière. Soit, ouais. Le matin au petit déjeuner. C'est bon, vraiment, c'est le second. De l'eau de vie. Et ce qui se passe quand deux personnes. Du gasoil. Pratiquent un acte sexuel dans le même lit. Le sexe. Non, disons que c'est plus poétique. L'amour. Les grosses baises ou quoi. Ouais. Non, Kylian là. L'amour. Les amours, ouais. Oh putain. Ah, vous avez pris le même. C'est quoi ? C'est les amours imaginaires. Les amours imaginaires. Allez, vas-y, fais le curry de balle. Ah, vous avez le même ? C'est trop bien. C'est ça l'enculé. Il est trop en le même film. Non, mais après ah, moi j'ai détesté. Hein, je sais pas, moi j'ai détesté. C'est quoi cool, le vrai de la vie ? Parce qu'il y a un énorme succès de Dolan et un autre qui est pas. Mais du coup, qui va gagner ? Ah, c'est vrai. Là, c'est un peu baisé. Donc, je commence à résumer ma version du film. Du coup, ouais, vas-y, tu commences à le descendre. Ok. Ça va pas être compliqué. Donc, du coup, les amours imaginaires, ça commence par une sorte de documentaire avec des gens qui sont pas du tout des acteurs. Donc en facecam, qui témoignent en gros de leurs expériences amoureuses. Et puis le film commence 10 minutes plus tard. Et en fait, en gros, c'est une intrigue à trois, où il y a en gros Xavier Dolan, Monia Chokri, qui sont amis, et Nils Schneider, qui est en gros... Le trouble fête. Oh, Ouais, qui est le trouble fait. Non, en gros, dans ce triangle amoureux, c'est lui un peu l'intrigue, en gros. Et donc, ils commencent à prendre des cafés tous les trois, mais on voit que ça commence un peu à être la concurrence. Et donc, ils fument, ils restent ensemble, ils regardent la télé ensemble, ils font des trucs un peu... Ils dorment ensemble, ils jouent à cache-cache ensemble. Mm. Et ils commencent à dormir ensemble, ils vont en vacances ensemble. Et j'ai noté, ils se font sucer des marshmallows ensemble. Et ça devient malsain, mais je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que ça devient malsain. Sans que tu t'en rendes vraiment compte. Ouais, je suis d'accord. Non, mais vraiment, je suis d'accord, cool. Parce qu'il y a... Et donc là, à un certain moment, quand ils partent en vacances, Monia Chokri, elle ressent grave le malaise. Et donc, elle se barre de cette maison de vacances, donc dans un lac, en gros. Et puis, on voit qu'ils essaient globalement de retrouver ce mec, Nils Nader, pour qu'ils soient amoureux. Et en gros, Dolan avoue ses sentiments. Avoue ses sentiments. Dylan Twing, avoue ses sentiments. Il faut que Disney, d'un coup. Dylan McPowell, bah ok. Non. Dolan avoue ses sentiments à Nils Nader. En même temps, Monia Chokri aussi, ils se prennent des gros vents. Et donc, du coup, là, il y a grave des moments de solitude, de grosse dépression. Et puis, on voit que les deux amis se retrouvent et c'est plus la même affaire, finalement. Et on les retrouve, en fait, finalement, ces trois personnages un an après, à une sorte de même soirée, où tout le monde danse comme tous les plans de Dolan, finalement. Et on voit. Sur la bouche ou pas, un peu ou pas. Comment ? Il y a des plans, un gros plan sur des bouches ou pas ? Oui. Ouais. Étonnant. Et donc on les retrouve un an plus tard, tous les trois, et finalement c'est les amis qui vont bâcher Nils Schneider. Mais on voit au dernier plan Garel. Louis Garel, genre en gros, qui va jouer. Gargamel, Gargamel, qui va prendre la place de Nils Schneider, et en gros on voit que ça recommence parce que. Les deux amis se regardent et disent ah putain ok ça recommence on est encore tombé amoureux tu vois et donc en gros rebelote pourquoi t'as haï ça je crois que c'était le chiffre de la vie pourquoi t'as haï ça bah je sais pas on en parle maintenant là ouais non il peut développer dans sa partie vu qu'il va faire ouais voilà moi je vais franchement je vais pas faire que chier parce qu'il y a plein de choses que j'ai mais je veux pas en fait il y a du bon et il y a du le Derrick de Paz c'est la meilleure partie pour moi mais non mais sérieusement il y a vraiment enfin j'ai beaucoup apprécié le certaines parties mais après le film dans l'ensemble que t'as pas apprécié vas-y dis maintenant crève l'abcès mais non je dirais dans la partie parce que sinon ça me gâche un truc de mon partie. Moi je trouve ça cool, c'est au niveau des couleurs, de la réal, des dialogues. Les couleurs, et ouais, les acteurs s'en foutent. Ouais, t'aimes bien. Les acteurs s'en foutent. Non, mais c'est l'un de mes meilleurs films qui est bien dans le film. Cinéma. Parce que vraiment tout ce qu'il y a dans le film. Quoi. Non, et puis la musique. La musique est folle. La bande originale, elle est excellente. J'ai noté, ça va au gros rap, je crois que c'était House of Pain. Attends, j'en ai Dalida, Sting, Indochine. Ouais. Bon, Indochine, bon, d'accord. Ouais, c'est une playlist de mariage, quoi, en fait. Là, quoi. Non, mais vraiment, je trouve ça génial. Je trouve que c'est une petite pépite du cinéma. Voilà. Toujours. Ce que je l'ai déjà dit. Allez leur dire de Sylvain Narigue aussi. Non, mais tu trouves pas ça original qu'ils soient entrecoupés avec des phases de documentaire, genre. Je garde mon avis pour plus tard parce que vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Il a détesté. Il a détesté, d'accord. J'ai beaucoup de choses à dire, vas-y. Donc, tu veux qu'on continue de parler du film? Bah, éventuellement que tu dises ton avis Bah vas-y c'est bon tu sais quoi je dis mon avis moi j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit bien sûr on va en parler deux fois hein. Oui non voilà mais justement moi je donne mon avis sur le sien il donnera son avis sur le mien tu vois genre par rapport à ce que j'ai dit en gros moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est les phases entrecoupées où vraiment genre t'as le monde du côté de Francis donc Xavier Dolan ouais. Et le monde du côté de Marie joué par je sais pas qui Monia Chokri voilà t'as vraiment ces deux mondes qui sont bien séparés au début c'est bien rassemblé puis ensuite c'est bien séparé les scènes des couleurs ouais quand ils sont dans le lit là avec le jeune pour justement français, je trouve ça grave poétique ah non mais ça je trouve ils se voient plus ils se voient que par rapport à je te dis que les bons trucs là hein. Je te dis que les bons trucs hein. Oui, bon, là, je trouve ça génial je suis complètement après les moments documentaires moi sur le début, enfin, jusqu'à ce que tu le dises, j'avais pas vraiment compris le principe. J'ai pas. Mais pourtant, on les voit, genre vraiment, ils sont face cam. On les voit, non, mais ça oui, j'ai vu les moments documentaires. Première fois, c'est passé comme ça. J'ai vu les moments documentaires, mais je me demandais ce que ça avait enfin, si c'était intégré dans l'intrigue du film ou si c'était vraiment des moments où ça nous coupe le film pour nous rajouter ça. Et j'ai trouvé que ça m'a coupé l'intrigue plusieurs fois. Mais non, vraiment, parce qu'il y a les mêmes thématiques, genre. Oui, la thématique y est, mais après, ça coupe le film parce qu'on a une intrigue, on a un truc à suivre, mais le. Mais vraiment, le principe même du film, moi, quand je regarde un film, c'est peut-être quoi à dire, c'est mon avis personnel, mais quand je regarde un film, je veux que ça soit du début à la fin mon film et pas qu'il y ait des coupures de. Okay. Avec des... Ça peut arriver que ce soit bien des coupures documentaires, je dis pas. Mais là, ça a apporté quasiment rien à l'histoire. Ils auraient fait un documentaire vers la fin ou juste sur le début. Je l'écoute, moi. Non, mais voilà, ils auraient fait cette phase documentaire que sur le début ou que sur la fin. Comme dans... Ça m'aurait pas dérangé. Le dernier film de Gaspard Noé. Climax. Ouais. T'as tout un documentaire sur le début. Et après, il laisse juste les acteurs faire ce qu'ils veulent, tu vois. Ça développe tout. Et voulais pas qu'on laisse la partie où tu vas parler des trucs que t'aimes vraiment pas. Partie. Et d'accord. Toi aussi les trucs que t'as pas trop aimé. Bon toi rien visiblement mais... Non mais là il fait les trucs tu vois bien. Donc là je trouve que ça va voilà, bien. Mais bah t'es que du bon pour ton truc et que du mauvais pour ton truc. Il y a du bon espoir là. C'est pas du bon ça, bah, donc là que du bon ouais la bande originale et tout. Que du bon le cochon. J'ai bien aimé le fichier torrent. Ouais, c'est cool. J'avais pas téléchargé en torrent. Énorme dédicace à GreggG Torrent. Et ouais. Ça va, pas problème, ça va. Ouais, ça sera coupé au montage. À deux pieds au cul. Hein. Surtout tous les trucs de stream et tout qui vont dire on sert plus à rien quoi, à cause des YG. Voilà. Ouais, parce qu'on a tellement de poids que Netflix ça va faire faillite dans quelques instants. Déjà, on a Naughty America, c'est déjà cool. Voilà. Et c'est leur bien. Et donc, bah vas-y, on t'écoute. Ouais, pour les trucs bien. Qu'est-ce que t'as. Enfin, ouais, toi t'as aimé tout. Ah mais je l'ai trouvé génial. Mais toi aussi dis ce que t'aimes bien. Les moments de silence c'était fou. C'est fini lui. Non mais je trouvais ça vraiment fou parce que c'est humble dans sa réalisation et dans le fait de dire je filme ce qui se passe, je filme une intrigue simple et je filme vraiment un truc qui se passe quoi, tu vois, je trouve ça vraiment cool. Je suis d'accord. Oui, après, je peux comprendre le fait que tu sois fait chier parce que t'attends un autre truc d'un film, tu vois. Après le film en lui-même il est bien structuré. Vraiment ça j'ai trouvé que c'était cool parce que c'était vraiment bien structuré, vraiment les. Ça veut dire vraiment le masque et la plume, vas-y, ouais. Non, pardon, personne. Déjà, le masque et la plume, c'est quoi? Bah, c'est l'émission de cinéma, oui, c'est français. Ouais, c'est vraiment un truc de beau, oui. Construction. Ah, ouais, c'est insupportable. Ouais. Mais par contre, là. Non, je vais pas dire les côtés que j'aime pas, c'est bon. Vas-y. Si, bah si. Non, les côtés que j'aime pas, c'est sans problème à partir. Là, ça devient intéressant parce que dès le début, t'as ça. On en parlait l'autre jour avec Julien. Ça fait que tout ce que t'as dit, là, tous les éléments que t'aimes bien dans les films de Xavier Dolan. Eh ben c'est ce qu'il remet dans tous ses films, à part dans le dernier. Bien sûr. Mais du coup c'est ce qu'il remet dans tous ses films, mais du coup ça fait que Xavier Dolan il peut pas faire, il peut pas faire un film qui contente genre tout le monde ou alors qui te met entre deux en fait. C'est soit t'aimes bien son film, voilà, c'est soit t'aimes bien son film, soit t'aimes pas et ce sera pareil pour tous. Ouais c'est ça, c'est que toi tu vas regarder Les Amours Imaginaires ou pas. Oui il est vachement bien je trouve, mais moi j'adorais. Moi je l'ai pas vu. Ouais non mais tu vois c'est ce qu'il dit, c'est soit tu vas en aimer un et tu vas tous les aimer parce que c'est pareil entre guillemets, soit t'en aimes pas un et t'aimeras jamais. Mais le truc c'est que quand t'aimes pas. Je suis pas sûr. Ouais mais le truc c'est quand t'aimes pas 5-10 films du même réalisateur, ou d'un moment quand tu regardes à nouveau, t'as même pas envie de les regarder parce que tu sais que tu vas pas aimer et pourtant ça peut être différent, mais comme c'est Dolan qui l'a fait et que t'aimes pas Dolan, tu vas arriver devant le film et tu vas dire franchement tu peux pas être impartial. Tu pourras jamais être impartial. Non mais t'auras pas un avis indifférent, mais tu peux aimer ou détester. Oui. Et je pense que là, si tu regardes juste la fin du monde, tu peux aimer par contre. Voilà. Ouais, mais sur les deux avant-derniers films, avec. Bah, il est vachement différent. Hein, voilà, il y a que sur John F. Donovan et. Et donc, il y a les mêmes thèmes encore. Juste la fin du monde. Bah, l'acceptation, il y a tout. Hein, c'est des autres méthodes de production, c'est pour ça. John F. Donovan, j'ai pas vu, mais. Alors j'en parlerai de John F. Donovan. Pour juste dire un truc. Genre, ça change quoi. Et pour revenir à juste la fin du monde, moi je trouve que tu pourrais aimer parce que vraiment l'histoire est forte. C'est le dernier à ça. Non, c'est le troisième en partant de la fin. Ok, ouais. Ça va. C'est vraiment l'histoire est forte. Juste la fin du monde, John F. Donovan et Mathias et Maxime. Ah oui, mais il est pas sorti. C'est aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui nous écoute. Non, vraiment, l'histoire est forte et c'est pas une intrigue simple comme ça. Donc vraiment, je pense que sur ce film, tu peux pas te faire chier. Ok. Lucas, est-ce que les phases de silence dont tu parles, est-ce que c'est un peu pareil comme dans Juste la fin du monde, genre quand il est avec l'homo là? Oui, c'est pareil. C'est vraiment pareil, c'est filmé de dos. C'est pareil, tu vois, silence comme ça, c'est montage, long. Mais quand il est avec la pédale, là, on coupe... L'homo, c'est complètement gay-friendly, non? J'ai pas dit la pédale. J'ai dit l'homo, ça va. Oui, l'homo. L'homo non, mais ça va, parce qu'il y en a sur Twitter qui se font bâcher, hein. Voilà. Ah, il a dit le pédé. Ah bah, par exemple, celui qui a dit la pédale, ouais. C'est Romeo Elvis, voilà. Mais qui se font lâcher sur Twitter, notamment nous. Du coup, tu continues? Vas-y, t'as dit tout ce que t'aimais? Non, moi je trouve qu'il est génial, donc j'ai vraiment rien à rajouter, vraiment. Ouais, le film est bien. Mais du coup, sinon, Dolan, tu le trouves comment? Bah, je pense que c'est le meilleur. Ça peut être le meilleur réalisateur de sa génération. Il est encore jeune. Non, mais physiquement, physiquement, tu le trouves comment? C'est vraiment le commentaire bateau du monde. Je voulais la sortir, je voulais absolument la sortir, c'était mon rêve. Jingle. C'est mon rêve. Mon droit d'y croire. Non, mais c'est il surfe une nouvelle vibe de réalisateur. En vrai, c'est intéressant. En vrai, c'est intéressant. Parce que, genre, ça, je te coupe pas du tout là, ça va? Non, t'as, mais t'as genre, en gros, tu dis que ça peut être le meilleur réalisateur de sa génération. Je sais pas si t'as déjà regardé des films de Jean-Luc Godard. Toi, Godard, mais ouais, mais toi, Godard, non, c'est comme Dolan pour Lucas. Hein. Godard, tu le suces. Hein. Non, non, mais c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, ça rapport. Voilà, c'est ça. C'est ok, pardon. À des époques décalées, c'est à peu près les mêmes en fait. Genre, ils inventent, ils ont des nouvelles méthodes de réalisation, ils essaient de casser les codes. Il y en a qui est pas de droite, non. Non, mais je veux dire, par rapport à leur temps. Genre, t'en as un qui veut aller à l'encontre, il veut aller à contre-courant du cinéma de sa génération, et il est en mode, ouais, moi, les vieux films ou les classiques français, je m'en bats les couilles, moi, je vais regarder Avengers. Enfin, tu vois, il dit ça, Dolan, il dit, mon cinéma, c'est pas la nouvelle vague, c'est Avengers, tu vois. Ouais. Il s'en fout. Et c'est comme ça que pour lui, quoi. Lui, Godard, il disait, ouais, mon cinéma, c'est Hitchcock, c'est pas du tout les films de Murnau, ce genre de choses. Enfin, même s'il les aime bien, tu vois. Lui, il voulait juste casser les codes. C'est la même chose. Et ce qui est marrant, c'est que lors d'un festival de Cannes, genre pour Mommy, je crois que c'était Mommy, ouais. Bah, Mommy, c'est un des plus. Quasiment les plus connus de Dolan, non? Eh ben, la même année, t'avais Godard qui avait déraillé avec. Ouais, le livre d'images. Non, c'était encore avant. C'était. C'est le foutage de gueule. Putain, j'ai oublié. L'affiche, c'est genre un bord de plage ou un truc. C'est un chien, genre c'est filmé en 3D, c'est de la merde du gars. Ah non, c'est pas ça du tout, non, je sais pas. C'est. Julien, vas-y. Je l'ai pas, moi. Tu l'as pas? Je vais chercher. C'est Adieu Langage, je l'ai même pas vu, c'est Adieu Langage. Tout va bien? Ouais, donc voilà, c'est Adieu Langage, il avait complètement déraillé en mode, tu sais, c'était le film que tout le monde disait c'est de la merde. Genre vraiment pour Godard. Et genre pour Dolan, c'était Mommy, tu vois, vraiment la consécration. Et ils ont obtenu le même prix. Parce que t'en as un, c'est le taulier, et l'autre, c'est le jeune. Et les deux voulaient pas aller voir leur film. Tu vois, c'était vraiment le croisement en mode. Deux gros cons. Je suis d'accord, mais. Ouais, mais c'est vraiment. Et c'était ils réagissaient vraiment pareil. Mais qui pourrait, au même âge, avoir la même influence que Dolan? Non, mais c'est pas pareil. Après. Non, mais le gap avec la nouvelle vague, c'est clairement différent que ce que fait Dolan là. C'est pas comparable. Non, mais c'est pas du tout la même génération. La génération. Enfin, genre, on cite plus Godard maintenant. Bah si quand même. Bah oui, films, oui, mais forcément parce que t'étudies le cinéma. Dans la tête, c'est un gros con. Vraiment, j'ai une référence, je sais pas Godard, vraiment. C'est sûr qu'aujourd'hui, il est pas aussi reconnu parce qu'il il y a de nouveaux trucs et puis c'est plus ce qu'on regarde, mais c'est ça que n'importe qui commence à s'intéresser au. Non, mais moi je parle pour le truc mainstream. Godard à l'époque où ça sortait, tout le monde allait le voir et parce que c'était énorme. Pourquoi? Non. Non, vraiment pas. Bah quand même, gros, c'est le mal aimé à bout de souffle, ça. Ouais, mais c'est grâce à la gueule, c'est grâce à la belle gueule de Bebel, c'est. Oui, voilà. Godard, hein. Mais après, bah quand il a commencé, il s'est fait chier dessus toute sa vie. Hein. Pierrot le Fou, le ouais, voilà, tout c'est, ça, c'est ça a des succès. Après, il a commencé à chuter. Des succès underground. Et il s'est fait chier dessus. Mais voilà, il s'est fait chier dessus encore plus. Mais Godard, pour le voir comme un visionnaire, c'est pas parti comme ça d'un coup. Hein. Ça a été exporté et tout. Tu vois, c'est pas en France que ça a marché. Non, mais tu vois ce que je veux dire, ça a été exporté. C'est après, à partir de la chinoise, que ça coulait. Mais je veux dire, faire la même chose aujourd'hui, c'est plus simple. Genre Dolan, il a commencé à 20 ans, 19 ans, c'est ça? 19 ans, il a fait son premier film. Cette info est invérifiable, je ne sais pas du tout, je t'ai dit oui. Non, mais tu... En tant que réalisateur ou en tant qu'acteur? En tant que réalisateur, il a fait 19 ans, mais avant, tu vois, il était déjà dans le milieu du cinéma. Il a commencé par la réal? Il a pas du tout... Non, il a fait du doublage. Ah oui, doublage, oui, je sais. Il fait doublage et... Il fait un grand truc de doublage. Le premier festival de Cannes, c'est 20 ans. Oui, mais il a chanté à 19 ans son premier film. Ouais, du coup, Et voilà, non, mais alors que Jean-Luc Godard, en fait, le gars, il était juste journaliste à la base, et après, il a fait. Mais forcément, parce que c'est parti de là, c'est les cahiers du cinéma. Et surtout genre... qu'à l'époque, tu pouvais pas faire de film, je pense, aussi tôt. Je pense que c'était pas possible. Genre, acheter une caméra, ça coûte une blinde. Enfin, même réalisation en 19 ans, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais de toute façon, après, la révolution, enfin, ce qu'apporte Dolan au cinéma, c'est complètement comparable à ce qu'avait apporté Godard. Je suis d'accord, il est encore jeune. Non, mais je suis d'accord, mais jeune, à 30 ans. Est-ce que maintenant tu peux citer un autre réal aussi fort? 30 ans. Là il faut que vous répondez. Vous mais réal fort. Ah, ça vous Romain Gavras. Je sais pas si ça dit Gavras. Gavras. Romain Gavras. Moi je pense pas. Hein. Pas encore. Il pas a fait encore, quoi attendez parce que moi personnellement je connais pas et je pense pas que. Il a fait le monde est à toi. Qui était bien. Et il a fait aussi ce film incroyable avec Vincent Cassel sur les roues qui partent en Irlande. Donc j'ai plus le nom, mais son premier film, c'est un film que personne voulait financer parce que tout le monde disait c'est de la grosse merde alors que le film est génial et le seul mec qui a bien voulu, c'était Vincent Cassel le financer, du coup il l'a financé, c'est sur des roues qui se cassent en Irlande parce qu'ils en ont marre des trous. D'accord, ok. Et le film est incroyable. Et du coup après il a été un peu connu grâce à ça et après il a fait Le Monde de Tatoua justement, avec des vrais financements. Du coup ça a bien roulé pour lui. Non non, personne. Bon, du coup, t'as terminé ou... Bah du coup, j'ai terminé. Hein. Ça, c'est la bonne réplique. Aussi, donc, oui, c'est... Ouais, mais en... ouais, mais en soi, ce qui fait, c'est pas... Tant mais les deux, c'est pas tant de la merde que ça. Enfin, notre, genre... notre jour viendra. Voilà. Les deux sont dépistonnés, de toute façon. Oui, bon. Après, voilà. Sinon, bah, ouais, mais oui, ils sont venus comme ça, mais ils sont, ouais, ils sont justifiés, ils sont justifiés. Enfin, ça va, c'est pas de... C'est pas comme on gère. T'es Tarantino avec les films d'action aussi, sinon, quand tu as commencé, il était jeune. Tarantino, ouais, il a commencé tout seul, ouais. Mais il était pas. Ouais, mais maintenant, maintenant c'est bon, maintenant c'est fait. Non, il avait la trentaine quand il a commencé Tarantino, je crois. Il a fait plein de taf. Ah ouais, il avait 31 ans. C'est vrai ? C'est totalement vérifiable. Je pense qu'il avait la trentaine. Je sais pas ce que tu me dis. La femme de Tarantino est morte l'année dernière. Non, c'est marié le M. Ah, genre. Ok, j'ai une réplique. Allez, on j'ai une réplique. Ça lui fera plaisir. Hein. On le laisse, hein. Pire accent canadien. Bon, réplique. Vas-y. Oh là là. Allez, okay. Donc là, il attaque le qui c'est la bonne réplique. T'es hétéro, t'es homo. Voyons donc, mange la marde. Non mais là, c'est les tuches. C'est ouais, ça. C'est les tuches. Pas trop de turbulence sur le vol paradis Montréal. Il y a plus d'accent, là. Acting skill. Ouais. Bah, tu joues mieux que Nolan, non? Retire ton doigt du pétou que je gasse, ta barbe. Ça va me faire plaisir, c'est entonnant, ça. T'es un enculé. Les travailles de joke, Ryan. Ah mais il y en a deux, bah je pense qu'il y en a deux vraies et une fausse, ouais. Oui. Oui. Il y en a une fausse. Ah, oui. Merde. Tu peux juste la refaire s'il te plaît. Okay. Tu peux refaire la dernière s'il te plaît, ouais. Ouais, pas ouais bien sûr. Entendu. Retire ton doigt du pétou que je gaze, tabernacle. Oh, quel enfer. Quel enfer. Parce que vous savez pas, c'est que sur toute la route, il m'a fait l'accent québécois. Hein. J'ai envie de me tirer une balle dans la bonne salle. C'était marde. Le mec complètement. Est-ce qu'au moins un autour de la table a l'accent québécois potable, genre. Regarde, tabernacle. Non mais attends. Ah c'était une marde. Oh c'est une marde. Voilà, on a quelque chose. On a l'accent. C'est l'Indien. Mais après quand il chante, ça s'entend pas. Donc moi je peux chanter. Hein. Ouais. C'est comme si j'avais pris non, la mer. Ta gueule. Ok. Donc, du coup, c'est retire ton doigt dans le pétou que je gasse. Je sais pas, j'ai une inspiration. Non, retire ton doigt du pétou que je gasse, tabernacle. Retire ton doigt du pétou que je gasse, tabernacle. Bon. Putain, mais c'est celle-là. C'est transformé en audition là. C'est bien là. Elle vient d'où? C'est bien la fausse. Bah, c'est rapport à la première émission, retire ton doigt que je pète. Ah, d'accord, ok. T'avais pas compris? Ah non, moi j'avais pas compris. Moi j'étais. Pour de vrai? Je crois que c'était un truc tiré d'un porno ou un truc du genre. Hein. Ah, mais oui, bah, parce ah, d'accord, que retire ton doigt que je pète, c'est aussi le nom d'un film porno. Tu vois que je vais péter. Hein, c'est... Ah oui, pardon. Excuse-moi. C'est pas retire ton doigt que je pète? Je suis un puriste. Naughty America. C'est vrai, pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Du coup, après le qui c'est la bonne réplique, on a une chronique de. La chronique. Oh, les petites fiches. Ouais. Ah, j'ai ressorti les petites fiches. Bah, alors, je voyais que t'avais ton téléphone, attendez. C'était pas bien. Puis, ah, il a quand même les fiches. Mais du coup, c'est oui. Quoi le nom de ta chronique? C'est le deviner la suite. Donc ma chronique, c'est le deviner la suite, ce qui est un mix de jeux dont la règle commence par deviner. J'ai rien compris. Bah, je vais dire la règle des jeux qui commence par deviner, Et l'ensemble de ma chronique commence par deviner la suite, puisque c'est un mix de petits jeux. Ok. D'accord. Premier petit jeu, deviner les années c'est de ces films. C'est des jeux, c'est des écoute, jeux. Écoute, écoute, les couilles. Deviner les années de ces films, qui sont forcément en rapport avec Xavier Dolan. Mm-hmm. Ok. Donc, Twilight, chapitre 1. 2008. Ouais, 2009, je pense. Putain, j'aurais dit 2008, ouais. 2008, 2008 2009. Bah, je vais suivre le temps, je vais dire 2008. 2009. Ouais, c'était 2008 parce que Xavier Dolan joue, enfin, fait la voix de Taylor Jacob. Jacob, ouais. Jacob Taylor Lautner, c'est lui qui joue. Excuse-moi, excuse-moi. Je suis un touriste. Toi, t'as ouais. travaillé. Ouais, ouais, ouais, il a appris à pas fait couper le pack. American Nightmare 1. 2011. Tu peux refaire l'accent, tu sais. American Nightmare 1. 2011, je pense. Cauchemar américain, oui. Non. Vas-y, Antoine. Non, 2011, c'est pas assez. 2011, les attentats. Tu dis 2011 quoi oh là là. 2011, tu dis non, non, je dis pas 2011. Bah, 2011. Ok, 2011. Bah, 2011, vas-y. 2012. C'est 2013. Ah, et ouais. Dolan fait la voix du leader poli. C'est crédité. Leader poli. Ouais, bah, c'est normal. Ok. Mad Max. Fury Road, lequel? Mais bon, du coup, le premier. Les années mais Mad ça, Max, Mad Max, enfin, c'est Nicolas. Dolan fait, enfin, fait la voix dans le dernier, dans le dernier Mad Max. Mais là, ce qui est marrant, c'est le premier Mad Max. Non, mais pas Fury Road. Bah si, le dernier. Fury Road, non, le premier. Là, on cherche le premier. Ah, le Mad Max. Ok, ok. Putain, mais c'est pas les années 70. Bah non, tour de table, vas-y, Dolan. Mais oh, t'es. Mad Max 73. Il a doublé Mad Max Fury Road. Non, mais on fait, on décide de viser. Ah, Mad Max, bah je crois que c'est 78, non? Moi, 78. 76. 69. J'ai oublié de faire des gars. C'est Antoine qui est plus près, c'est le 79. Ah, ouais. Année qu'Alien. Oui. Merci. Moi je vais faire comme ça. Parler, il a aussi fait la voix du Godzilla de 2014, mais quelle année. Attends, le... Godzilla. La voix de Godzilla. Il a fait la voix de Godzilla. Non, le premier Godzilla qui est sorti. 80 tout pile. Non, c'est pas trop. Non, non, ouais. C'est plus beaucoup trop toi. Ah, c'est 40, c'est le premier américain et 88. C'est 40, 50, 55. Ouais, je dirais 55. C'est vers les années 40, c'est genre 42. Ouais, ouais. C'est 54. 54. Ouais, j'ai dit 55. Bravo. Il a doublé aussi La planète des singes. Il a fait le singe. Lequel il y en a vraiment deux. Non, là, il a fait celui de 2017. Je crois que c'est le dernier. Ah, ok, ouais. Et mais le premier. Le premier La planète des singes de la série, sorti quand? Oh, oula, ça date de Burton. C'est 70 aussi. C'est avant celui de Burton. Vous oui, dites 65. Julien, 65. 65. Burton, c'est quoi, c'est 2000. 72, Julien. 75. 80. 68. Putain, ah ouais, c'est joué. Bon, il a doublé encore, aussi. Il a doublé Ron Weasley. Ouais, mais ça, ouais. La date de Harry Potter et la coupe de feu. C'était pas chaud pour doubler Ron Weasley quand il avait 11 ans, genre. Mais il avait 11 ans. Bah, il a 11 ans aussi. Putain, il a quel âge? Je sais pas, il a 30 ans. Il a 30 ans. Ouais. Bah alors, bah, pareil que les acteurs. Ça, sans déconner déjà. Bah ouais, voilà, c'est ouf. Hein. Le temps file vite. Hein. Ça filoche, hein. 2015. Non, pas de la coupe de feu. La coupe de feu 2010. Quoi? Ah oui, 2005, ouais, c'est il en sortait un par année. Non, mais non, l'ordre du Phénix, c'est après. Trop, ou alors, c'est le premier Harry Potter, c'est 2001. C'est l'ordre du Phénix, c'est pas 99. C'est 2000. En 2004, c'est le bouquin. 2004, tu m'as dit la coupe de feu, ça? Ouais. 2004. En fait, 2005, c'est simple, Antoine, ça a commencé en 2000, Harry Potter. 2001. Ouais, putain. Donc j'en sais rien. Peut-être okay. 2005, allez, 2005. Ouais, 2005. Ou 2000, ouais, 2005. C'est 2005. C'est ça. Vous gagnez tous. Bon, ça fuit. Moi, j'ai dit 2004. Deuxième mini-jeu, devinez si le film existe ou non. Oui. Et j'appelle ça perso le film, le jeu Peggy Sue. Puisque je vais raconter le pire synopsis. Okay. Et vous allez devoir deviner si le film existe ou non. Bah, c'est mon jeu préféré celui-là. Donc deuxième mini-jeu, c'est le devinez si le film existe ou non. Donc je vais raconter le pire synopsis. Et en gros, je l'appelle le jeu Peggy Sue, puisque les synopsis sont un peu rocambolesques. De dire. Ouais. Premier synopsis, une jeune femme disparaît alors qu'elle se baigne au bord d'un lac dans lequel des soldats nazis furent jetés au cours de la Seconde Guerre mondiale par des communistes. Des années après, des basketteuses meurent et le lac est hanté par des nazis. Bah, bien sûr que ça existe. J'espère que ça existe. Ah ouais, je te jure, je préfère. C'est un film de c'est sorti en 1980, ça s'appelle Le Lac des Morts Vivants et c'est vraiment génial. C'est même scénario de merde que, comme genre dans Zombieverse par exemple. Genre le lac. Non, Zombieverse. Si, on l'avait regardé ensemble, ou avec toi, je sais plus. Ah, Zombieverse, hein. Oui. Ah, oui. Bah, j'ai mis ça à la fin, ça a été pas reconnu, quoi. Mais j'ai compris Zombieverse comme un univers. Ah, non, non. Zombieverse. Incroyable, Zombieverse. Ce truc avec Alan Tudyk là. C'est avec l'un. Je sais plus qui c'est, mais il y a un vieux castor dégueulasse. C'est des marionnettes de castor qui attaquent les gens, ça. Ouais. Des chiens malades intoxiquent une ville avec leurs excréments. Pendant cette invasion, une famille va trouver la solution pour s'en sortir. Tuer la grand-mère. Bah bien sûr que non. Non, tu l'as inventé ça. Ouais, je te dis. Le tuer la grand-mère était de trop. Mais dès qu'il était. J'ai dit, c'est peut-être plus c'est gros, plus ça passe. Ouais, mais dès qu'il était moins. Enfin, c'était l'autre, celui d'avant, il était encore plus fou que celui-là. Ouais, justement, ouais, c'est pour ça que ça existe. C'est nazi, c'est forcément été produit quoi. Il y a nazi, communiste, basketteuse. Ouais, donc ça, c'est forcément un film de merde de Léo, non? Un homme se réveille le jour d'Halloween, ses parents sont assassinés. Avec ses amis, il découvre qu'il est l'auteur de cette vague de meurtres atroces. En effet, sa main droite a des comportements pour le moins étranges et n'obéit plus à son propriétaire. C'est vrai ça. Ouais, c'est vrai. C'est quelque chose. Mais... C'est vrai, c'est même avec Jessica Alba, ce qui n'est pas gage de qualité ouais, du tout. Pas, c'est bon. Mais ça s'appelle La main qui tue et c'est sorti en 99. Ouais, c'est bizarre le nom. Le nom dit rien quoi, vraiment. La main qui tue, ils sont pas. Et là, c'est vraiment le plus court synopsis du monde. Que t'as inventé. C'est vraiment l'option. L'option plus. Le bonus plus. Celui qui la découvre a gagné. Ok. Pas du tout. Quand ça, c'est pas le but. Ouais. Une fille commence à être une chaudière avec un poisson. Bah, bien sûr que oui. Ouais, ça s'appelle La forme de l'eau. Quel beauf. Mais j'ai pas vu. En vrai, il est bien ou pas La forme de l'eau? Il est excellent. Ouais. Il est génial. Putain, faut que je le vois. Bah, Oscar du meilleur film. Je vais te lire le synopsis. Vas-y, lis-moi le synopsis. Ah bon. Une fille commence à être une chaudière avec un poisson. Mais en plus, c'est vrai. Ouais, non, mais je sais ça, j'ai vu, c'est sur la bande-annonce quoi. Rajouter qu'elle est muette. Ouais, mais bon, après, faut pas tout dire quand même. Bah, ça rajoute du piment. Troisième mini-jeu, devinez si c'est Nolan ou Dolan. Alors, par contre, pour que ce soit plus difficile, ça peut être des courts-métrages étudiants, des documentaires, enfin n'importe quoi. Oh là là, ouais, l'horreur. Vas-y. Alors, par contre, pour que ce soit encore plus difficile, je raconte juste la première phrase du synopsis de chaque film. Je vais raconter l'histoire avec des petits bonhommes en battant. Premier synopsis. Dans une petite et obscure pièce, un jeune homme essaye désespérément de poursuivre une chose invisible. C'est Nolan, ouais. Ça. Ouais, c'est pas Nolan, genre... quel film, je sais pas. Putain, c'est chaud. Mais ça pourrait... C'est un peu méta, genre c'est pourrait ce Memento, en fait, il se poursuit lui-même. Non, c'est pas... Non, c'est vraiment plus dur que Memento. Mais c'est Nolan. Mais surtout que c'est le frère Nolan qui... Ouais, ce serait plus Nolan, en vrai, c'est plus le truc de Nolan. Nolan. Ouais, Nolan. Ouais, c'est Doodlebug, c'est un court-métrage, et je crois qu'il est même pas réalisateur dedans, c'est sorti en 97. Ok. Un jeune garçon dans un internat subit des humiliations, des violences jusqu'à se faire exécuter par balle. C'est Dolan. Ouais. Ah, je l'ai vu ça. C'est ça. C'est le clip d'Indochine, c'est College Boys sorti en 2013. Et c'est réalisé par Dolan. Il y a un vrai film. Moi j'allais dire que ça va être la vague genre. Il y a un vrai film comme ça où genre il se prépare. C'est la fin de Mommy quoi. Non mais même il y a un vrai film comme ça où genre il se prépare et tu t'y attends pas jusqu'au moment où il rentre avec des fusils dans l'école. Mais genre c'est très ça c'est pas top kicks là. On l'a vu ensemble, c'est l'éléphant. Voilà, ouais voilà. Enfin non, c'est non, pas tous les films. Non, c'est l'éléphant. On a vu à au l'éléphant ciné club. C'est l'éléphant. Non, on a vu l'éléphant, voilà, bah il était pas, il était cool. Il était cool l'éléphant. Comment s'appelle le mec? Mais c'est pour ça que je pensais que c'était ça. Et l'éléphant c'est de David Lynch. Je veux plus dire de nom. Mais gros, t'es parti en Russie. Non, mais c'est un cas connu là. Putain, c'est un énorme pif. Gérard Junio. Non, mais. Gérard Depardieu. Il est parti en Russie. Il a la maladie. Ouais. C'est du gigantisme, c'est pas du. Ouais, mais en anglais, c'est les fantômes. C'était juste un malin, c'est tout. Troisième synopsis. C'est Gérard Junio. Un homme va aux funérailles d'un autre homme du coup, et personne ne connaît son identité. Une rivalité va se construire entre la famille du défunt et l'homme en question. Qui amènera de terribles conséquences. C'est Dolan. Putain, vous êtes fort. C'est lequel ça? C'est ça. J'ai lu le synopsis en plus. Mais ouais, mais c'est Tom à la ferme. Genre, mais en vrai, j'ai essayé de construire le truc de façon différente. Genre, les thrillers un peu bizarres, on sait pas trop ce qui se passe, c'est Nolan. Et puis les trucs, oui, mais là, c'est les affaires de famille et tout machin. Mais là, je me suis dit, on sait pas trop ce qui se passe. Jusqu'à la fin du film, on fait ah bah en fait, ok. Ouais, mais jusqu'à après la fin du film. Là, parce qu'il paraît, il est nul à chier, non? Tom à la ferme. Tom à la ferme, il est trop bien. Il y en a beaucoup, beaucoup qui pas. Tu dis ça parce que tu déteste Dolan. Non, il dit ça parce qu'il a lu la première page de Halo 6. J'ai lu, le synopsis, j'ai fait, ben il y a des critiques négatives. Comment t'as surtout vu ses cheveux décolorés, t'as dit non en fait. J'ai pas vu ça. Ah, d'accord. Quatrième synopsis, ça va être très court aussi. C'est la rivalité de deux hommes suite à l'accident de la femme d'un des deux. Ah bah ça c'est Dolan. Ah bah j'ai raté. Nolan. Ouais, c'est Nolan. Ça s'appelle Le Prestige, c'est... Ouais, c'est pas lui, c'est 2006. Ça t'aurais pu, jamais pu. Mec, c'est le pire synopsis. Ouais, ouais, c'est le pire synopsis du prestige quand même. Mais oui, mais forcément, je suis obligé de tourner un truc. C'est comme Thomas la ferme, c'est pas du tout ça. Genre. Voilà, putain, merde. Putain, j'en avais oublié la partie avec l'accident de voiture. Si faire attention au siège parce que tu sais, ça fait énormément de bruit. C'est pour le. Pardon. Non, mais c'est... Quatrième mini-jeu, c'est le deviner le titre. Mais en fonction du titre québécois, vous devez deviner la version internationale française. Disons que c'est plein de films ou c'est que. C'est que du Dolan. Non, c'est québécois. Tous les films. C'est québécois. Tous les films, ok, vas-y. Les Ferrovipat. C'est Trainspotting. C'est pour ça que je t'ai regardé. C'est Trainspotting, ouais. Putain, je me souviens même que c'est toi qui l'avais dit. Comment connaissions les Ferrovipat. Frisson. Oh putain. Attendez. Frisson. Non, bah, ça te dit quelque chose. Bah, c'est thriller, voilà. Non, traduction littérale, je sais pas. Bah, oui, bah, ça peut être un. Ouais. C'est la peur. Putain, c'est. Pas... Putain, non, mais c'est pas ça. Un mot, un seul mot. Psychose, ouais. Non, un seul mot. Non, c'est pas psycho. Mais c'est Hitchcock. Non. Ça a quelque chose à voir avec le mot frisson dans le titre. Oui. Non, mais c'est pas une traduction. L'effroi. Il y a un truc avec l'effroi ou pas? L'effroyable. Non, mais il a dit un seul mot. Non, c'est un seul mot. Le titre. Normal, c'est américain en français. Bah, c'est américain, mais c'est la version française, le titre est américain aussi. Ouais. Parce que c'est un mot simple du coup. Oula. Ouais. Frisson. Désolé. Hit. Non. Plus merdique que ça. Bah, je sais pas, Scream. Attends, mais vas-y, dis. Ah, sérieux. Ah ouais. Ils ont pas pu aller plus loin. Troisième film. Il l'a bétonné quoi. Non, mais oui, non, ça paraît logique. Sans froid. Vous le connaissez forcément. Cold Blooded. Il y a Ryan Gosling qui joue. Ah, c'est Drive. Bien joué. Oh là là, je suce la bite, mec. Une vie de bestiole. Quoi, une vie de bestiole. Bestiole. C'est pas une bestiole. Pas minuscule, mais un truc comme ça, genre c'est presque. Billy and Pot. Ouais. Lendemain de vieille. Lendemain de veille. Lendemain de veille. The Endover. Bah, comme il se very bad trip. Lendemain de veille. Ouais, lendemain. Je le connaissais. Ça s'appelle le lendemain, simplement. Lendemain de veille. Décadence 5. Ah putain, décadence c'est Slow. Ouais. Putain, t'as raison. Non, mais j'ai écouté l'épisode de. Faites-le le soir, il va sur Wikipédia et regarde tous les noms canadiens. Et Briantine. Là, quoi Briantine. Non. Briantine. C'est transformé en. Mais c'est une expression de merde, c'est ça? Genre, le film, c'est une expression. C'est le nom est en américain ou enfin en anglais ou. Le nom original n'a aucun rapport. Bah, super, merci mec. Briantine. Ça nous dit un truc pour disons que ça parle de ça parle disons que ça parle de danse entre un homme qui apprend à danser C'est Dirty Dancing. Ouais, voilà, je dis non. Ça. La la la. Qui apprend à danser. Non. Il y a un homme qui apprend c'est ouais, l'autre Grease. Putain. Julien. Moi, je vous en donne un, les bagnoles. Bah, Cars. Il est incroyable parce que là, les bagnoles. Ouais. Mais plein, je crois que j'en ai un autre aussi. Matrix rechargée. Bah alors. Matrix Reloaded. Joué. Putain. Je l'ai vu et personne ne l'avait. Hein. C'est vrai. Non, personne ne l'a. J'ai fini avec mes mini-jeux, hein, perso. Ta rubrique est finie. On va passer du coup à. Ah, la roue qui tourne. Qui c'est le second? Allez, c'est la roue magique. La roue, la roue. C'est la roue magique. Bah encore Julien. Ah mais c'est Kylian. Kylian. Ouais mais t'as dit quel truc. On s'en bat les couilles, allez. Tout est truqué hein. Alors du coup bah moi je vais vous faire un qui c'est le meilleur film. Je vais faire deviner mon film. Putain je pense que c'est en vrai. Alors mon premier est un film de Dolan sorti en 2010. Les Amours Imaginaires. Merci. Non attends on laisse deviner un peu. On est pas sûr que c'est celui-là. J'ai rien dit hein. Mon second est un film nominé 10 fois pour des récompenses dont 3 fois au Festival de Cannes et une fois au Attends, laisse-le deviner un peu. Vas-y. Non, vas-y, continue. C'est New Shider. Mon troisième est que Dolan joue le rôle principal où il est homosexuel. Attends. C'est un mot imaginaire. Attends, vas-y, continue. Et mon tu parles d'amour de jeunesse. Ah, Lucas, t'as une propale ? Les amours imaginaires, je crois. C'est un biais, les gars. Donc, moi, je vais vous faire mon résumé qui est au final assez long. Enfin, plus que lui parce que moi j'ai un peu plus détaillé. Ouais, détaille-nous. Vas-y, détaille-nous. Raconte-nous, Kylian. En gros, c'est l'histoire en gros de deux personnes, Francis, qui est joué par Xavier Dolan, et Marie, qui est jouée par... Monia Chokri. Merci. en gros, ils rencontrent à une soirée Nicolas, l'élément perturbateur, le trouble fête. Qui est joué par... Karl Schneider, je sais pas quoi. Schneider, Schneider, ouais. J'avais déjà été piégé sur ça. Ça va, j'avais Schneider quand même. Le mec, il a pensé à un prénom allemand. Karl. Karl... Donc ils rencontrent à une soirée Nicolas dont ils tombent amoureux l'un et l'autre. De là s'ensuit une relation triangulaire dans laquelle Nicolas va jouer et un peu chercher chacun d'entre eux petit à petit, genre quand il mord l'oreille de Francis à une soirée et qu'il embrasse l'autre à l'autre. Ah, c'est pas mal cherché là. Donc voilà, chacun d'entre eux, parce qu'il sait très bien qu'il leur plaît, sauf que ça devient vite de plus en plus dur pour chacun d'entre eux parce que du coup ils tombent de plus en plus amoureux. Et surtout aussi parce que ça reste une relation chaste, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de débordements qui font que du coup ça rend la relation un peu malsaine. Ouais, une relation chaste, hein. C'est quand t'appuies sur un bouton, il y a l'eau. je confonds. Mais voilà, c'est chaste et ça devient malsain. Par exemple, dans la scène, tu vois, où genre Nicolas a dormi avec les trois, ils sont partis. Non, il a dormi qu'avec lui. Il est parti et Dolan se branle sur lui en pensant à Nicolas. Oh, bah bon, pas sur lui, juste avec un sous-vêtement. Non, avec un sous-vêtement, genre. Mais la prescription. Il s'est pas mis au-dessus de lui pendant qu'il dormait. Est-ce que c'est gay, c'est pas gay. Hein. Donc, Bah, c'est pas dans les yeux. Voilà. Donc, justement, ça entretient cette relation un peu malsaine et dure à vivre pour les deux qui en deviennent limite obsédés et c'est là que ça devient malsain. Puis ils commencent à le voir d'abord tous les trois, puis ensuite chacun leur tour dans des situations différentes. Donc, le cinéma, puis le café, je crois. Enfin, je sais plus exactement. Et le truc, c'est que chacun se met à penser qu'il a ses chances avec lui. Moi, j'ai sauté toute la partie documentaire dans le sens où je l'ai pas analysé. Non, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est un minutes du film. Vraiment, j'ai pas aimé, donc. Non, voilà. C'était des bonus. Et donc, au moment, enfin. Ouais, pardon. Alors, bon, voilà, c'est que Nicolas laisse entrevoir. C'est que Nicolas, il laisse entrevoir un peu tout, et du coup, ça, enfin. Alors qu'au final, il n'y a rien de concret, tout ça, c'est plus... Genre, en fait, Nicolas, il fait rien de mal. Mais dans le film, on analyse ça comme... il les cherche, il est... Alors qu'en fait, il leur doit rien. Il est ultra ambigu, quand même. Mais il leur doit rien du tout. Il n'a jamais rien fait de... Bah, cache-cache, mener à ça. Il joue à cache-cache, Neil Schneider arrive sur Xavier Dolan, il reste quand même 10 secondes comme ça, à vraiment 10 cm de sa bouche, il se regarde fermement quand même. Mais il n'a pas embrassé. Moi, je dis, il n'a pas passé le cap pour que ça devienne... Ah bah alors, ça va. Non. Mais non, moi je suis désolé. Non, mais après, je trouve que ça c'est intéressant, c'est la limite du film, tu vois. Tu peux avoir un moment intense avec un homme sans que ce soit gay. Non, mais ça reste chaste, ça reste chaste. Tu me dis ça en regardant fermement quand t'es à poil, en touchant la nuit. C'est ça que tu me dis, non, pas de soucis. Mais avec une meuf, non. Donc ensuite, chacun leur tour dans des situations, justement, chacun se met à penser des choses, qu'il a ses chances, nanana. Tout ça, ça se met à créer, ça mène à créer une discorde entre Marie et Francis. Donc qui passe par plusieurs stades, donc tout d'abord le fait que Marie va parler sur le dos de Francis lors d'un brunch en fait sur la route du lac. Putain, je fais quoi. Mais le parquet, tu fais un avis. Non, par contre, c'est parce que vous parliez, je fais une super blague, c'est tout. Ok, du coup ça crée la discorde, donc voilà, par exemple ce moment où Marie va parler sur le dos de Francis à Nicolas pour essayer de lui faire perdre ses chances, que finalement Nicolas s'en bat les couilles, et le moment avec le moment sur le lac où justement Nicolas et Francis sont sur le lac seuls alors que Marie était encore à la maison. Bref, du coup justement la discorde va aller à un point où quand ils vont aller au lac tous les trois, car Nicolas il a une maison là-bas, en fait Marie elle va voir cette situation où ils sont les deux sur un bateau et elle va partir en étant, enfin elle va les appeler, elle va dire voilà j'ai un truc urgent et elle va se casser. Le truc c'est que Francis va la suivre et là ils vont en venir jusqu'à se battre. Excuse-moi, mais attends, il nous raconte toute l'histoire en fait. Absolument. Non mais je vous explique parce que derrière il y a des scènes qui sont importantes. Quand ça se bat, il y a un mec qui se bat avec une meuf, ouais, il y a des énormes tartes. Quoi? Non, c'est moi qui ai dit, c'est tout. Non, si, en gros, ils se battent un peu. Voilà. Quand Monia Chokri, elle pète un câble, Xavier Dolan, il essaie de la rattraper. Voilà. Monia Chokri lui balance une grosse baffe sa mère. Ouais, et après, il tombe au sol, il attrape. Ouais, voilà. Il lui en met une aussi. Non, juste il la maintient et voilà. Non, il a calmé. En 2018, ça, 2018, non. On met pas ça. Du coup, ensuite, Nicolas, il va petit à petit couper les ponts, en fait, complètement, parce que justement... Parce qu'en gros, il va partir pendant 8 mois en Asie et tout. Et donc, après, ils le rencontrent chacun leur tour avant qu'ils partent en Asie. Et puis, c'est très froid, très distant, très peu intéressant. Et petit à petit, ben, ils vont perdre leurs sentiments respectifs envers Nicolas, dans le sens où ben, il va partir et que du coup, ils vont plus le calculer. Mais là, donc, finalement, Francis et Marie redeviennent amis. Ils re-rencontrent Nicolas, c'est ce que tu as raconté. Ouais, mais après, en soi, tu vois grave les moments de dépression, de solitude. Ah non, non, mais il leur voit plus, il leur voit plus. Oui. Mais il y a pas enfin, que... genre ils sont toujours ils essaient toujours de le recontacter, il y a pas que quand il y a pas que quand il voit plus qu'il y a des moments de dépression, c'est que même quand il voit il y a des moments de dépression. Bah oui, c'est juste que c'est un connard qu'il est inaccessible. Mais c'est un connard, mais il leur doit rien. C'est un pervers narcissique. C'est un connard, il leur doit rien. C'est un connard. Franchement pas, il les a cherchés. Bon, je peux pas vu le film, mais quand tu racontes, il les a cherchés pendant 25 minutes. Après, c'est ça le but du film, c'est quelle est la limite du truc. C'est aussi une thématique du film, c'est quelle est la limite du truc. En vrai, genre, ça dépend de la vision de chacun. Ça dépend de la vision de chacun. Mais quand je te branle tous les soirs, ça va. Franchement, pote. Si jamais t'implantes des sentiments consciemment chez les gens, tu peux pas dire que tu leur dois rien. Genre, sinon, c'est juste toujours bloqué en fait. Je suis d'accord, mais je suis d'accord. Mais là justement c'est la limite parce que c'est la limite parce on peut pas dire que ce soit voulu mais on peut pas dire que ce soit inconscient non plus. Frère, tu le regardes dans, au sol, tu le plaques au sol, tu le regardes 30 secondes dans les yeux, tu peux pas dire que tu non, cherches mais, pas. Attends, non mais attends, je te fais cet effet là mais ça n'a aucun rapport avec le film, arrête. Merde. Non mais il a exagéré de ouf. C'est un connard, c'est tout, c'est un connard. Donc voilà, donc après voilà, bah après à la fin, la fin est totalement. Attends, il y a du vécu. Philippe, c'est... T'as vu ce que t'as fait. T'as vu ce que t'as fait de moi. Reviens. Christine, reviens. Et je t'offrirai ce cabrio. On prend ce premier épisode, je sais pas, tu l'as gardé ou pas mon frère? Au pire, on le recoupera une deuxième fois. Ah non, je crois que. Et donc voilà, mais après voilà, moi c'est ce que j'ai retenu, c'est surtout bah que il a trop son slip, il a trop sous, il est trop cochon, il a beaucoup trop bu. T'en as où ton... Et le truc bah voilà, c'est que moi la fin je la trouve totalement prévisible, dans le sens où c'était sûr et certain que ça allait arriver. Ouais, c'est sûr et certain. Il y a vrai, enfin parce qu'en fait c'est eux-mêmes qui créent cette relation malsaine et pas seulement Nicolas. Donc maintenant, si. Non, mais d'accord. Alors, si tu veux qu'on en discute, si vous voulez qu'on en discute du film, moi je suis ouvert parce que j'ai vu. Moi je trouve la fin marrante et Dolan l'explique. Il dit bon bah voilà, j'ai fait rentrer Louis Garrel parce que Louis Garrel joue juste ce genre de rôle. Joue le mec de trop dans les couples à trois et c'est vrai qu'il a fait 15 films comme ça. Et du coup, Dolan l'explique et il dit bon bah je l'ai fait jouer comme ça parce que c'est un peu drôle. C'est un peu drôle et il dit que son film avait pas pour objectif d'être dramatique de fou. Mais moi, non, je mais il est ça... pas dramatique. Le film est pas dramatique, mais moi ce que je dis c'est que Nicolas il apporte son petit côté malsain, mais le côté malsain c'est Francis et Marie qui le mènent. Ouais, non mais là tu parles de la fin. Malsains. Là tu parles de la fin. De la fin où c'est prévisible. Mais mec, quand t'as affaire à un pervers narcissique comme ça, est-ce que vraiment c'est vraiment les gars qui sont en cause? Genre c'est lui qui a implanté, qui s'est implanté, tu vois. Non, c'est eux qui ont voulu implanter ce truc, c'est eux qui sont allés le voir, c'est eux qui ont créé la relation. C'est eux qui sont venus, c'est eux qui dès le début ont dit voilà, ben lui il est beau tout ça, et qui ont commencé à le voir à trois. C'est eux qui ont commencé cette relation. Nicolas, il avait vraiment dit, il serait rentré chez lui, il y aurait pas eu de film. Ah ouais, bah chiant, ouais. moins de 16 heures. Mais voilà, c'est que t'allais dire quoi? T'allais dire quoi, Julien? Non, mais j'allais dire par rapport au truc que t'as dit de Louis Garrel, que c'est toujours lui l'homme de trône dans les triangles amoureux. Oui. Mais c'est lui justement qui a fait deux films sur les triangles amoureux, Louis Garrel. Bah oui, non, mais c'est pour ça que Dolan l'a pris, genre. Ouf, ouais. C'est pour ça que Dolan l'a pris. Mais non, mais il en a fait après, ça m'intéresse vraiment. Il a joué dans The Dreamers là. Ah oui, mais il a fait. Non, il a surtout fait il a réalisé deux films sur deux triangles amoureux là. Et un qui sort là dans pas longtemps, qui est déjà sorti. Je sais pas du tout. C'est le film avec. C'est sorti, ouais. C'est le film avec. Ouais, et la copine de Timothée Chalamet. C'est ça. Lily Rose Depp. Ouais, elle est plus que ça, je crois. Non, mais la copine. Ouais, c'est la copine de Timothée Chalamet. Vraiment, c'est une actrice, hein, quand même. Pardon. Une vie, hein. Bon, et du coup, si on passe sur les points que j'ai pas aimés, c'est vu que c'était un peu le. Ah, il y a rien, t'as pas beaucoup aimé beaucoup de choses, non? Non, mais après, tu détestes Dolan quand même. Ouais, non, principal défaut, non, c'est un film de Dolan. Je déteste pas Dolan. Tu l'as après, sur la base. Moi, il y a 3-4 trucs que j'ai pas vraiment aimé. Aucun rapport avec son homosexualité, hein, ouais, aucun. Non, aucun, franchement. Qu'est-ce qu'il nous a dit en fait, non, pardon. Mais du coup, donc, moi, j'ai pas aimé la thématique. La thématique, voilà, triangle amoureux. Enfin, je trouve que c'est un peu. pour un film qui est réalisé de cette manière, tout ça, je pense qu'il a fait d'une autre manière, hein, mais jouer juste sur l'amour de jeunesse, les triangles amoureux, je trouve que c'est une thématique faible. C'est une thématique vraiment faible. Mais juste là, c'est pas facile du tout, vraiment. Mais c'est ultra, c'est ultra important, surtout, pour les gens qui regardent le film de Dolan. Mais oui, c'est ultra important, mais c'est un truc vrai. Et c'est pas une intrigue simple filmée de façon... C'est pas un film facile, je trouve. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, hein, parce que vu la discussion qu'on a eue sur qui est vraiment le fautif dans le truc malsain, qu'est-ce qui se passe, enfin, je trouve que justement, ça fait vachement plus réfléchir derrière. C'est pas un film facile. C'est déjà que sur le couple, en fait, genre, c'est plus sur ces relations malsaines-là, tu vois. Et je trouve que c'est pas un film facile dans le sens où le film te dit pas quoi penser. Non, par contre, il te dit. Mais c'est pour ça qu'on a ultra intéressant. C'est pour ça qu'on a des avis différents sur le film. Sur une intrigue facile, sur un truc filmé avec des acteurs à la con. Putain, mais s'il écoute le podcast, il va être content. Ouais. Non, mais. C'était l'invité de la semaine prochaine. Non, mais je trouve qu'il dit pas quoi penser directement. Et je trouve que les limites sont assez floues et je trouve ça intéressant. Mais il dit pas quoi penser, mais je pense que pour aborder tout ce qui est le thème. Allez, admettons la tolérance, l'homosexualité. Il y avait toujours beaucoup de. Quoi ? Ça te plaît pas, toi, hein ? Non, mais moi je trouve que le thème abordé est excellent parce que c'est utile de l'aborder. Mais le thème, c'est pas l'homosexualité. Ouais. Non, c'est la tolérance. Non, mais même au vu de ce qu'on a raconté, pour moi ce serait pas trop ça. En fait, j'ai pas vu le film, donc ça me casse les couilles. Mais au vu de ce que vous racontez, c'est forcément ce qui ressort de ce que vous avez vu en fait. Et finalement, ce que vous transcrivez, c'est plutôt ce jeu entre sur la relation en elle-même, c'est plutôt que le sexe des gens qui l'occupent en fait. Mais dans aucun Dolan, il y a l'orientation sexuelle qui est en thème. Ouais, elle est jamais mise. Mais c'est toujours le concept de l'acceptation de tout. L'acceptation de tout. Et puis même, tu le vois quand Dolan, enfin du coup Francis. Dit à Nicolas, donc Neil Schneider, il dit qu'il ressent des sentiments et Nicolas lui dit ouais mais pourquoi t'as pensé que je t'ai pédé? Oui, c'est vrai, c'est une réplique du film. Ça traite vachement du rejet du truc et tout, franchement, il le dit mal. Ça traite le rejet, mais derrière, moi, c'est plus une thématique du film que l'homosexualité. Pour ce côté-là, le fait, donc le mordiment d'oreille, les trucs comme ça, je trouve là, c'est le côté malsain, il revient sur Nicolas. Ça, je suis d'accord. Mais derrière, moi, je trouve que la thématique abordée, elle est faible. Les amours de jeunesse, tu peux faire des films moins compliqués. Non, mais je trouve que ça s'entend, c'est. Oui, mais pourquoi l'intrigue est facile, mais le film n'est pas facile. Du coup, il serait peut-être moins intéressant si jamais c'était moins compliqué. Peut-être qu'il n'aurait pas eu le César, etc. S'il te plaît, c'est pas compliqué, c'est dans les réactions qui suscitent que c'est compliqué. En gros, c'est ça, c'est dans ce qu'il te laisse penser, comme il te laisse carte blanche sur ça, il te laisse penser ce que tu as envie de penser, c'est pas facile, c'est nous qui nous compliquons la vie, parce que le film en lui-même, mis à part les moments entrecoupés, le film en lui-même il est facile à comprendre, il n'y a pas grand chose. Mais non, mais il y a des milliards de références avec la Madeleine pour Proust et même la partie même là. Non, mais justement il utilise le truc de façon inversée, du coup. Ouais, il dit, et même dans la bibliothèque il fait une citation de Foucault en pleine discussion. Bah déjà quoi. Ça, et de. Dès en début, vrai, genre il n'est pas tourné si facilement que ça. Dès le début, il y a une citation, dès le début du film, la première image c'est une citation aussi. Hein. Ah, souvent. Ça. Ouais, bah ouais, Musset, ouais. Bon, mais Musset, ouais. Que c'est retire ta langue, je vais péter. C'est ton doigt. Retire ton doigt, tu pètes tout que je gasse. Non, voilà. Donc ça, c'est la première partie que j'ai pas aimé, c'est la thématique qui est assez faible. La partie documentaire aussi, t'as pas... La partie documentaire, je l'ai pas beaucoup aimé parce que je trouve que ça va casser le film, mais comme a dit Ryan, s'il avait mis... Donc c'est qui est-ce qui a fait ça, de mettre une partie documentaire avant? C'est Gaspard Noé. Voilà. Gaspard Noé, ça, il a mis en premier le documentaire. Moi, j'aurais trouvé ça intéressant de le dire, mais aussi un petit peu de l'expliciter. Parce que moi, sur le coup, il y a une thématique dans le film. Il y a une phrase qui est lancée, du coup, les acteurs qui sont pas vraiment des acteurs, du coup, ils réagissent sur ça, documentaire. Et tu vois les phrases qui se suivent entre les acteurs, je trouve que c'est vachement bien fait. Mais moi, je trouve que tu connais Dolan. Moi, Dolan, c'est mon premier Dolan. Et je connais pas, je savais pas ce qu'il faisait avant. J'ai vraiment juste choisi, j'ai lu les Sidom Six, j'ai fait qu'est-ce qui m'intéresse le plus. T'as commencé par le plus simple aussi. J'ai choisi celui qui m'a plu le plus. Globalement, moi je trouve que l'entrée dans Dolan c'est pas trop brut. Ah ouais, c'est son premier film, c'est ça? C'est mon premier Dolan. Non, mais c'est son premier film à lui. T'as commencé par Laurence Anyways, qui m'avait bien plu. Ah ouais, mais c'est brut aussi. Ah ouais, mais c'est magnifique. Julien, t'en avais pris un autre quoi. Enfin, mis à part ton film, t'avais commencé par un autre. C'est un peu le pranker, il va prendre un truc. Moi je peux prendre un film réalisé. Non, mais ton premier Dolan. Attends, faut que je regarde, mais je crois que c'est Laurence Anyways, mais peut-être qu'il y en a un autre. Ouais, les scènes de documentaire, pour revenir sur ça, après on reviendra sur le notre sujet. Les scènes documentaires, je les ai trouvées. Je commençais avec J'ai tué ma mère. Ouais, voilà. J'ai tué ma mère. Parce que c'était le premier, C'est pas mal, ça, le J'ai tué ma mère, je crois que le truc c'est vraiment genre. Il s'entend pas bien avec sa mère dès le début, elle le met en pension, un truc comme ça. Il y a une enseignante qui vient à domicile. Il s'embrouille et elle essaie de faire l'intermédiaire entre les deux et de les réconcilier. Voilà, J'ai tué ma mère, Les amours imaginaires, c'est le deuxième en 2010. Ah non, c'est au box office, attends. C'est. Après, il essaie de pas mettre à jeu, Il a réalisé Hello d'Adèle. Ouais. Non, ouais, J'ai tué ma mère en première réalisation et ensuite Les Amours Imaginaires. Oui, il a réalisé Hello et un autre film. Tu vois, cette partie documentaire, elle est bien dans le film que, comme il l'a réalisé en fait, et dans son cinéma à lui. Parce que c'est dispersé sur tout le film. Ah oui, comme si pour maintenir le fait que ce sont pas des. Alors que tu vois, chez Gaspard Noé, c'est juste des danseurs et on sait qu'à aucun moment ils sont acteurs en fait, et c'est juste de l'impro totale. En fait, chez Gaspard Noé, l'impro, enfin le fait que ces personnes soient humaines, cet aspect humain qu'il veut donner à ces personnages, chez Dolan, c'est plus difficile parce qu'il y a un scénario construit comme au cinéma, en fait. Oui, c'est ça. Donc, t'as l'impression que c'est du cinéma, c'est plus compliqué, tu vois. Alors que chez Gaspard Noé, c'est vraiment des danseurs en impro total. Il cherche quand même vachement des gueules parce que dans Climax... Des acteurs comme ça, enfin vraiment. Non, mais il a fait un casting. Le rôle principal, franchement, il est gueule de ouf. Après, mec, il va au feeling, hein, Gaspard Noé, tu sais, pour Love, c'est des meufs qu'il a rencontré en boîte. Hein. Après, quand même, il graille les pieds de ses acteurs devant les caméras, donc. Devant le nouveau Keshish. Pour réagir sur ce qu'a dit Ryan. Pour réagir sur ce qu'a dit Ryan, le fait que, ça amène. Moi, je trouve que ça amène cette structure, le fait que, chaque coupure, il y a eu 3 ou 4 coupures, je crois. Chaque coupure mène à une vision différente, à un point de vue différent à chaque fois. Le truc, c'est que les coupures sont utiles, mais ce que disent les coupures, ça me plaît pas. Ce que disent les coupures, ça me plaît pas parce que c'est vraiment... En fait, ça te sort du film. Moi, je trouve que même si c'est dans la thématique, il n'y a aucun souci là-dessus, ça me sort du film. Parce que tu n'es pas sensible à ce genre de mise en scène. Non, mais après, ça te sort du personnel. Ça te sort du film, mais c'est intelligent dans le sens où ça arrive à un point d'intensité... Après, ça te coupe le truc parce que le point d'intensité était tellement fort après la soirée, après l'autre truc qui se voit, l'autre elle quitte la maison de vacances, hop, tac, point documentaire, limite on fait une autre histoire juste après. Genre, moi je trouve que c'est intelligent, ça coupe pas dans le récit total, ça coupe dans les épisodes où il y a beaucoup d'intensité à la fin, tu mets la période documentaire. Je trouve que c'est bien foutu quand même. Après, point de vue c'est que j'ai. Mal. Ouais, non, Dolan, c'est... pas mal. Non, mais franchement, ton point de vue, je l'accepte parce que dans un sens, je l'ai reconnu aussi. Mais je suis d'accord. Mais après, un point de vue aussi que j'ai aimé, parce qu'il n'y a pas que des choses que j'ai détestées, le jeu de couleurs que tu as dit. Tu sais, il y a eu jaune pour. Quand elle couche avec un autre gars. C'est jaune et vert, et après c'est et rouge pour Dolan. Voilà, c'est ça. Ouais, je trouve ça intelligent. Moi je trouvais ça intéressant dans le sens où ça menait à un vrai jeu de couleurs et un vrai. Ça fait vrai penser à The Néon Démon, genre. C'est un... l'accent. C'est un peu La La Land anticipé. Ouais, il y a une démole. Par rapport aux couleurs et aux personnages et à leurs intentions, ce genre de choses. Parce qu'il y a je trouve qu'il y a une thématique. L'impasse de Palma. Oui, mais déjà. En vrai, Neon Démon, les lumières, c'est surtout. Ah, dans The Neon Demon, c'est. C'est surtout stylistique plutôt que. Le message est coupé au couteau dans The Neon Demon. Hein, Si tu le vois vite. Hein, quand C'est vrai, c'est ultra gros, ça se veut. Ouais. Tu l'as capté ma référence. Mais niveau esthétique, je trouve ça intéressant. Mais enfin, je sais pas s'il y a vraiment une thématique dans Dolan par exemple. Je suis pas sûr de ça. C'est des astuces de réalisation pour mieux faire. C'est un effet de réalisation pour. Non, mais c'est juste une recherche d'un truc, tu vois. Quand il baisse, il y a sombre et lumière. Oui, mais c'est ça, c'est pour faire retenir la scène en question, tu vois. Et après, au niveau des points, Après, moi, ce que j'aime pas tellement, c'est que ça reste long pour ce que c'est. Et il n'y a rien d'imprévisible. Il n'y a jamais de suspense, il n'y a rien d'imprévisible. C'est tout combien de temps, le film? 1h42. Ça va, d'après c'est tout ce que vous racontez là, il se passe plein de trucs en vrai. 1h42. Il se passe plein de trucs, oui, mais il n'y a jamais suspense. Tout est amené, tout est craché dans la bouche. Après, ça te mène à la réflexion, mais tout est donné. Il n'y a jamais un truc imprévisible qui va arriver. Le seul truc un peu imprévisible qui pourrait arriver, c'est la fin où il y a une nouvelle personne et ça recommence. C'est ce truc à peu près imprévisible, mais dès la moitié du film, tu le. Oui, totalement. Non, mais la mélodie, ça c'est anecdotique, c'est vraiment pas le fait pour rire. Mais je suis d'accord, mais ça mène à une réflexion dans le sens où la relation malsaine vient peut-être des deux personnes qui l'ont commencé. Non, mais c'est un peu. Dolan, c'est un peu le nouveau Nietzsche en fait. C'est enfermé dans cette boucle éternelle en fait. C'est ça que vous avez pas compris. Voilà, donc moi je reste sur cet avis que je suis resté sur ma faim avec ce film. J'ai pas détesté. J'ai un peu exagéré. J'ai pas détesté. Mais ça reste un film que, là, si j'ai une soirée, je le regarderai pas. Ah, mais on peut lire un peu un extrait des messages que tu nous as envoyés quand tu mettais le film. Ah, super. J'ai envie de chier. Non, bah déjà si, un peu. Ouais, un petit peu. Mais on peut remettre la musique de Voyage au bout de la nuit. Ok, alors, c'est parti. Si, c'est juste que je regarde mon film et que j'ai envie de me tirer une balle et qu'elle fasse ricocher dans la boîte crânienne de Lucas pour avoir choisi ça. J'adore Dolan. C'est exactement ce que t'as marqué après. J'en ai marre, oui, c'est bien réalisé, je dis pas le contraire, mais honnêtement, j'apprécie pas, c'est une purge. Autre message, je veux mourir. Autre message, je vais t'emporter avec moi. Tu l'as regardé en combien de fois ce film? Ce film, je l'ai regardé en une fois parce que je voulais pas m'infliger ça deux mais fois. Mais si, tu m'as dit que tu pouvais le finir cette semaine. Non, je l'avais fini. Okay. Non, je l'ai fini d'un coup. Non, parce que c'est l'écriture. Ah, tu l'as regardé le 17 juillet. L'écriture du mon synopsis, tout ça, l'écriture du podcast. Après, ça va. Qui m'a pris, qui j'ai séparé sur le temps. Bah, ça va. C'est pas 2000 heures l'Odyssée de l'espace, hein, c'est 1h40. Hein, non, faire un effort, non. 100%, il vient pas la semaine prochaine, Dolan. Hein. Ça, c'est. Ah, c'est niqué, il vient de m'envoyer un message, j'allais vous faire foutre. Et voilà, non mais en discutant. En fait, moi, j'ai changé d'avis dans le sens où en discutant, j'ai trouvé des bons côtés que j'avais remarqué mais qui m'avait ça m'avait tellement fait chier en plus j'avais pas le thème et je devais faire l'intro et je devais tout faire et que ça m'a cassé les couilles et j'ai fait Dolan c'est de la merde, je chie dessus. T'étais pas dans le bon contexte. Non mais même il n'y a pas de contexte pour Dolan. Moi, j'essaie de sauver absolument ce film est génial. Mais sinon voilà, ça je suis mitigé sur ce film. Voilà. Putain, c'est bon. C'est bon. Météo David Delia. Donc du coup là je passe à mes trois répliques. En fait j'ai inventé deux répliques et j'en ai choisi une du film. Je sais pas dire le nom de la chronique avant. C'est la réplique qui sait la bonne réplique. La chronique qui sait la bonne réplique. Il adore. Ben, c'est bon, on a compris. Donc, qui c'est la bonne réplique du coup? Donc, en gros, j'ai choisi une. Donc, comme a fait Lucas, j'ai choisi une réplique, sauf que moi j'ai choisi une réplique qui était vraiment dans le film et deux que j'ai inventées, d'accord? Donc, c'est totalement pas comme Lucas. C'est exactement l'inverse. C'est l'exact inverse. Mais moi, dans le péto que je gaze, tu dis que c'était inventé, c'est ça? Donc, la première. Il y en a combien que t'as inventé? Deux. Deux. La première phrase, c'est. Qui est ce bel âtre particulièrement à l'aise? J'ai essayé un accent, ça n'a pas marché. Est-ce que ensuite, je dois le dire ou pas? La deuxième, c'est dans ce film, on ressent la puissance des... dans ce film, on ressent la puissance des néophytes. Et la troisième, c'est Tabernac, qu'est-ce que ça sent la marde ici? Non, ça c'est dans le film. Ça. Alors la dernière, elle y est pas. Ok. Parce que lui, il a appris les lyriques. Les dialogues. C'est quoi la première? La première c'est qui est ce bel âtre particulièrement à l'aise? Franchement ça pourrait l'être, hein. Genre quand ils se rencontrent au début. Ensuite il y a dans ce film on ressent la puissance des néophytes. Non mais non. Le troisième c'est Tabernac, qu'est-ce que ça sent la marde ici? Moi je dis que non, ça c'est le film ça. Ah, ouais. Tu dis que la dernière? Ouais, ce serait plutôt la première. Première, dernière? Bah la première elle est dans le film. Première? Bah la première, j'ai déjà vu le film, mais la première ils écoutent Maître Gims aussi en même temps. C'est ça. C'est la première, en gros, ils sont dans la cuisine et... Pas du tout, mais c'est faux. Non, pour la cuisine, c'est pas du coup. Ouais, parce que j'ai juste le... ouais, en gros, la première, c'est quand ils sont dans la cuisine, c'est au début, et ouais. Que le gars, il est assis, et voilà. Et juste après, il dit, mets-moi le doigt dans le pétou. Que je gaze. Tabernacle. Oh là là, arrête. Ferme ta gueule. Pas possible. Oh, les attardés. Tu sais qu'on l'aurait laissé faire, il aurait continué. Et bah oui, après il aurait continué. Il aurait fait Gaou. Quel enfer. Et donc du coup, donc maintenant je passe à ma chronique. Ma chronique c'est commentaire Allociné, Sens Critique ou commentaire Pornhub. Donc voilà, donc en gros, c'est j'ai pris un commentaire Pornhub, un commentaire Halluciné ou Sens Critique. Parfois, j'ai amélioré, j'ai modifié certains mots pour que ça semble un peu plus vrai et que ça vous mette un peu plus de bâton dans les roues. Mais dans la logique, ça reste dans le thème. Donc je vais vous dire, je vais commencer. La première, donc, je ne sais pas trop par quoi commencer, tant j'ai aimé ce film, tant il m'a parlé, remué, bouleversé. Et le deuxième, c'était un peu homosexuel, mais ça va si vous portez des chaussettes. Bah, le premier, c'est récit de critique ciné, et le deuxième, non. Mais toi ouais. Donc, premier, Pornhub... Non, c'est le ciné, pardon. Et le deuxième, Pornhub. C'est totalement ça, c'est Sens Critique et Pornhub, mais c'est facile. Ouais, c'est tard, non, mais c'est pareil. Cependant, bon, celle-là elle est facile aussi. Avocat. Cependant, le jeune cinéaste explore justement l'amour nihiliste, l'amour fantasmé, le berceau de nos plus grands amours, trouve leur source dans notre imagination, on fantasme. Bah, j'espère que c'est pas en dope, ça quand même. Hein. Ensuite, le dernier opus ressemble un peu plus à un épisode de Plus belle la vie filmé par Tom Ford. Il ne se passe rien, mais joliment. Oula! Bah, alors c'est le premier, c'est Pornhub en fait. Non, le premier c'est forcément un. Non, moi je dirais l'inverse. Oh non, il a fait. Moi je dirais. T'as fait un micro-mouvement, t'as fait comme ça. Alors le premier c'est Pornhub et le deuxième c'est un récit. Oui, parce que le deuxième, moi je dirais le premier Pornhub, Pornhub et le deuxième Sens Critique ou Halluciné. Parce que 100% ils ont bâché le film. Non, mais l'inverse. Non, mais il ne se passe rien, mais filmé avec Tom Ford, je trouve ça génial pour. Rien que deux choix donc. Ok, non, donc vous avez tous la même vision, premier Pornhub, deuxième Halluciné. Non, ils pensent le contraire, non. Les autres. Bah, moi je pense Pornhub le premier, deuxième Halluciné. Ouais, non, donc moi, comme je ouais, qu'est-ce que j'ai dit ouais, non, peut-être. Julien, il est on est là à l'inverse, ok. Et bah, c'était tous les deux Sens Critique. Mais t'es un connard, voilà. t'as pas dit qu'il y avait le droit. Je fais ce que je veux, c'est ma chronique ou pas. Oh putain. Ouais, c'est vrai, c'est quoi ça. Ouais. J'ai vu que tu l'as fait, toi. Barbant, inintéressant, prétentieux et mal joué. Première phrase. Deuxième phrase, il est chaud. Deuxième phrase, il est chaud, j'aime. Bah alors c'est tous. Ah mais ça c'est aussi, c'est tous les deux. Il est chaud, j'aime. Il est chaud, j'aime. Non mais le deuxième c'est Pornhub, il est chaud, j'aime. Et Pilote c'est Critique Ciné. Ouais, c'est ça. Putain. Mais mec, en fait, soit on fait un truc qu'on peut pas deviner parce qu'on connaît pas les règles, soit un truc trop facile en fait. Un deuxième. 30-48, je veux marier ça. Et le deuxième. 30-48, c'est un timer. C'est un timer. Ok, pardon. 30-48, je veux marier ça. C'est une pointure. Et la deuxième, c'est un énième film de trio amoureux. Bah, on a été le ciné. Ah bah non. Et bah non, justement, on va être ici. Après de nombreuses recherches sur Pornhub, Kylian. Ouais, trio amoureux, c'est pas Frisson. Oui, t'as ça. La traduction est bizarre. Et le dernier, donc, pourquoi la voix de cet acteur sonne comme Jamesky? Je sais pas si vous connaissez. Jamesky, c'est un gars sur Twitch. Jamesky. Et le dernier, enfin, le deuxième truc, toujours un sens aussi aigu de l'image et du dialogue. Bon, alors, celui avec le streamer, bah, c'est simple, c'est des puceaux, les viewers, donc c'est clairement Pornhub. Et l'autre, ça doit être Sens Critique. C'est ça. Je suis Antoine. C'est ça, c'est ça. Voilà, grand bisou au Twitch Game. Grand gagnant, il n'y a pas de grand gagnant, on n'a pas compté les points. Grand bisou à Naughty America. Bah, on a eu tous pareil en fait. Ouais, quasiment. C'est qui gagnait. Voilà, donc après, c'est compliqué aussi. Ils sont tellement précis dans les commentaires de Dolan, c'est ultra chaud. Hein. Ils sont tous en mode, oui, Dolan, artiste du siècle, voilà, comme ce suceur-là. Ah oui, mais ça suce la bite, oui. Voilà, mais tout le temps, et en plus, ils mettent en tout plus, le temps... En plus, tu prends Sens Critique, tu cherches. Hein, tu non, non, j'ai calé aussi, j'ai mélangé tous les commentaires Sens Critique. J'ai mélangé aussi. Dolan. C'est Lucas 80. Non, mais là, c'est Lucas 83. Lucas 90, c'est lui, c'est tous. Ouais. Non, voilà, donc vraiment, c'est que... Kylian du 83, je détestais. Quel réalisateur de merde. Voilà, c'est compliqué parce que vraiment, ils sont tellement précis. Enfin, c'est vraiment une analyse détaillée en fait. Parce que c'est pas un film où t'as j'aime ou putain, je me suis branlé dessus, tu vois, ou des trucs comme ça, tu vois. Putain, tu prends une chaussette. Non, mais par exemple, je sais pas, je dis une connerie, mais par exemple, sur les Avengers, je suis sûr qu'il y a des commentaires de malades, tu vois. Oh, trop frais. Mais faudrait chercher les autres commentaires de Trickster, ce mec l'a dit, ouais, seulement pour le plaisir, tu vois quoi. Ouais, voilà. Toi, tu te souviens du. Seulement pour le vrai plaisir. On a monté l'émission. c'est exactement dire, ce que vous avez dit. Donc voilà, je pense qu'on peut passer du coup à qui c'est le dernier. À la roue magique. La roue magique, c'est parti. C'est la roue magique. Non, c'est moi. Et c'est Julien. Putain. C'est moi. Alors, ouais, je suis bien regardé parce que je sais pas comment faire deviner mon film. Ah, c'est pas grave. Mais on va dire que c'est un film. Déjà, c'est une histoire. Mais au pire, nous fais pas deviner et balance-nous ton. Non, non, je vais vous faire deviner, mais je vais raconter mal le film. Si on connaît pas, ouais, vous connaissez que... tous. Ah. Parce que c'est. Il a doublé. Voilà, c'est un film déjà où Dolan a doublé. Ah, et juste il est doublé. Parce qu'il faut savoir que Dolan a une grande carrière dans le doublage. Vas-y, je joue avec vous. Et qu'il a doublé énormément de films, aussi bons que mauvais, surtout mauvais. Je participe. Ouais. Ouais, attention, Ryan, tu participes au podcast. Je participe enfin. T'as fait pas mal. Allez. Alors, c'est un film sur une histoire d'amour. Mm-hmm. Et d'amour imaginaire. Non. Ta gueule. C'est, en fait, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu une revisite de Roméo et Juliette, un peu. Donc, c'est deux personnes qui viennent d'un milieu différent, mais ils s'aiment quand même. C'est ah, bon, mais putain. Au plus, Juliette. Non, non, c'est la comédie américaine, là. C'est. Non. Putain, c'est pas ça, New York. Non. Vas-y, continue. C'est Twilight. C'est Twilight. Ouais, de quelqu'un peut me retrouver le film, putain. C'est la comédie, genre l'une des comédies musicales les plus connues. Ouais, on en parle. West Side Story. Hein? Exactement, West Side Story, merci. Pas de soucis, j'adore aussi. Je suis là pour ça. Et c'est Twilight, il faut deviner. Putain, c'est énorme. Ah, mais il a fait. Lequel? Tentation. Bah, il arrive au 2. Non, il arrive à 4. Non, il y en a 4. Il y en a 4. Il y en a 5. Et t'as pris lequel? Oh, c'est trop. 1, 2, 3 et le 4, partie 1 et 2. T'as pris lequel? J'ai pris le Kylian, partie 2. J'ai pris le tout dernier. Je les ai tous vus. Bah, putain. Je les ai tous vus. Il est sorti en 2016. Je les ai tous vus. J'en sais rien. C'est une honte. Oui, c'est 2012, j'irais. 2012. Bah, c'est toi qui l'as fait. Bah, non, mais la partie 1 est sortie en 2013. Ils en ont fait 4 en 3 ans. Afrique, non, ils en ont fait 4 en 4 ans. Ils en ont fait 4 en 4 ans, je crois. Hein. Mais c'est oui. 2012, c'est ça. Et en fait, il faut savoir pour la petite histoire, Twilight, j'ai vu que le premier et du coup le dernier. Donc, je vais raconter. C'était pas. Mais en fait, j'ai adoré le 5 et je vais raconter pourquoi. Alors, faut savoir pour. J'adore raconter petite histoire, mais je l'ai maté à 5h du mat aujourd'hui, juste avant le podcast. T'as adoré, c'est-à-dire que vraiment t'as trouvé. Il y a Rami Malek dedans. J'ai trouvé. Juste, t'étais démonté, t'as trouvé des trucs drôles. Et pourquoi le film? Pourquoi ce film? Parce que je me suis dit, j'ai envie de rire. Du coup, je me suis dit, je vais mater un truc. Parce que mater un film de Dolan, j'allais l'encenser pendant 3 heures. Et je me disais que Lucas allait déjà le faire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas changer un peu. Et je me suis dit, Twilight, c'est rigolo si je mate le dernier alors que j'ai vu que le premier. Du coup, je vais rien comprendre. En effet, je peux coquer. C'est pas là où il y a genre le bébé qui naît de façon artificielle. Je vais tout raconter car j'ai le film entier en notes. C'est pas possible. J'ai chaque scène, j'ai détaillé ce qui se passe. De moi très fatigué. À 5h du mat, tu fais ça? Oui. Ça durait jusqu'à 8h, forcément. C'est le début de la journée, quoi. Non, c'est la fin. C'est la fin. C'est pris un petit kawa à 5h et c'est bon. C'est incroyable. Je suis arrivé il y a 19h pour le kebab. C'est ça. C'est pas loin. Je suis réveillé, t'es 16h. C'est une belle journée qui commence. C'est pas possible. Alors, je vais vous lire mes notes, c'est un petit peu une lecture. Hein. Ça, c'est, vous le verrez qu'ici. Hein. C'est, après, je pars à Las Vegas pour faire la lecture de mes notes. Alors, tout d'abord, ça commence par le logo de la boîte de production SND de M6. Oh, donc, déjà, M6 avait du podium dans ce film. Ah oui, je veux savoir aussi. Je veux vous noter le nombre de révélations parce que ce film s'appelle Chapitre 5 c'est Révélations. Et il y a énormément de révélations. Parce que j'ai vu que le premier, forcément. Il a pété son carte. Donc, première révélation, M6 produit le film. Surprise. Alors, ensuite, il y a des montagnes rouges et blanches avec le nom des acteurs. C'est le générique. Voilà. S'il y a des montagnes rouges et blanches, on comprend pas tout. Donc, déjà, j'étais assez circonspect. La musique est stylée. Je sais pas qui est le compositeur, mais il est stylé. Si quelqu'un peut trouver l'information, on va tout faire. On va trouver ça. Compositeur. Ouais, mais non, j'ai pas envie de le faire. Non. Vas-y, continue. Et là, j'ai fait la réflexion. C'est l'air d'être un film Bresson. Parce que je me suis dit, c'est rouge et blanc, c'est le sang, c'est la neige. Bresson. Ah, Bresson. T'es un jeune. Du coup. Bah, je suis un j'adore Fortnite. Je vous les ai déjà dit ou pas? Ça le trouble fait. Et là, au bout de 2 minutes, il commence à avoir de la neige dans le générique. Avec toujours le nom des acteurs. Je fais ah, Bresson, mais froid. Est-ce qu'il va durer 1h40 Non, après j'accélère un peu, mais juste le générique va faire rire. Il a toutes ses réactions. Ah oui, par contre, oui, voilà, j'ai un petit creux. Ah, ouais. C'est pas possible. Il y a d'autres réflexions de ce genre. Et là, je me suis dit, 3 minutes de générique, on commence à se faire chier. Et après, je me suis dit, c'est peut-être la meilleure partie du film, du coup, je vais m'en contenter. Ah. Et la fin du générique. Ah, je comprends le compositeur. C'est Two Steps from Hell de Love and Loss. Non, mais c'est la bande à la merde, ouais. Toutes les musiques. Dans le film, la première, c'est Carter Burwell. The Kingdom Where Nobody Dies. Non mais ça c'est de la musique. Non mais c'est qu'il y a pas de compositeur, oui. Ils sont pris, voilà. Musique, ils ont acheté des droits, ouais, et voilà. Ils veulent faire la ouais, mais parce qu'il y a ouais, bon bref. Donc là fin générique, ça souffle sur les yeux rouges de Kristen Stewart. Ça souffle. Ça s'ouvre. Et là je me dis peut-être que c'est un vampire. Non, je sais pas, c'était une révélation encore une fois. Mais c'est pas dans le 1 qui se fait mordre ou quoi? Non, elle se fait mordre dans le 4ème. Ils font des bisous. Je sais pas, on va avoir des révélations tout au okay, long. Ouais, je connais l'histoire. Elle avait pas fait exprès de la transformer en vampire. Moi j'ai aidé. Elle était en train de lui grailler la chatte et non, c'est quoi la fête? Merci Jean-Marie, les gars. Est-ce que je peux mettre le Jean-Marie Bigard, l'invité de la 3ème semaine? Donc on va. Il est là! Je voulais mettre en fait. Ah, lâcher de salope. Ah, lâcher de salope. Ouais. Oh, ouais, quand même, c'est le gros bon. Bob de la Il a fait des trucs. Mais vas-y, ils vont se poser des questions. Mais surtout que t'as hurlé. Tu sais même pas parler fort, t'as hurlé. Il y a énormément de révélations pour l'instant, on est à une minute du film. Ouais, ça c'est chiant. Et là, je me suis dit peut-être une vampire, mais en tout cas elle a le pouvoir du zoom optique. Donc ça veut dire elle voit tout en zoomé, c'est trop bizarre, c'est nul. Là après il y a Pattinson qui rentre dans le champ, la musique pue la merde. Parce que c'est tout le temps la musique est plutôt la merde. Et là il y a une bague, je me suis dit, révélation numéro 487, ils sont mariés. Ah. Donc apparemment ils sont okay. Mariés. Il y a eu un bis-bis de mariage. Mais là c'est au bout de combien de temps du film? Vraiment pas beaucoup. Ok. C'est 5 minutes. Donc là on sait juste qu'elle est vampire et qu'ils sont mariés. Voilà, c'est rien n'est confirmé, hein. C'est mes okay. Suppositions. Non mais ça okay. Si je peux me permettre, c'est la première partie du film 4. Non. Parce que dans le film il nous résume un petit peu ce qui s'est passé à la première partie. Et ça, elle est transformée en vampire à la fin de la première partie. Mais ok, excuse-toi. On l'a pas mangé. Ouais, mais c'était bien avant, je crois. Je sais pas. En fait, elle s'est mariée avant et lui a fait un gosse. Et pour qu'elle puisse mettre au monde le gosse, il a fait la de connaître tout le monde. Non, c'est pas ça. J'ai une sœur, ok. C'est pas ça, c'est le bébé qui l'a transformé en fait, qui l'a tué, qui l'a transformé. Non, mais c'est pas ça. Non, je te jure qu'elle devait. Non, il y a Pattinson, il lui a bourré la chatte. Du coup, elle était enceinte. Non! Elle était enceinte du coup. Non, mais c'est pas genre pour qu'elle survive à l'accouchement, il fallait qu'il la transforme. Oui, voilà, mais c'est ce que j'allais raconter, tu m'as coupé. On peut me laisser continuer ou on nique Vaudin maintenant ou pas? C'est la première partie. Là, vous faites les révélations à la place de Julien. Il y a énormément de révélations qui suivent. C'est la moitié ce qui est en train de se passer là. Révélation, vas-y, synopsis. Donc là, on apprend que Kristen est un vampire. La révélation, c'est qui Kristen? Kristen Stewart. Elle a les yeux rouges. Okay. Elle avait juste les yeux rouges avant. En vrai, elle ouvre les yeux. Là maintenant, c'est vérifié, c'est un vampire parce qu'elle casse la gueule à Robert Pattinson. Elle lui fout un coup et elle a de la force. Parce okay. Que c'est quand les vampires. Là, j'en ai déduit. Là, j'ai un cerveau assez. J'ai beaucoup de cuit. Et j'ai déduit qu'elle était un vampire. On apprend aussi qu'ils ont un gosse. Encore une révélation. Et là, bam, si tu vois, pète un câble. Et ça part en course de la forêt pour chasser des biches. Et c'est mal fait, et je note, c'est mal fait, genre vraiment, elle a le pouvoir du zoom dégueu, c'est moche, c'est mal fait. Le mec est en train de s'endormir sur son truc. Même pas, j'étais parfaitement réveillé. C'est juste que c'était c'est mal fait, hein. C'est pas beau. C'est en moche, elle a le pouvoir de la 3D, quoi. Elle a aussi le pouvoir de Louis sur biche, parce qu'elle entend que les biches. Et après, elle va commencer à chasser, et là, je me suis fait la réflexion, est-ce que c'est Spider-Man ou Twilight que je suis en train de regarder? Parce que vraiment, c'était que des révélations de pouvoir pendant 5 minutes. Et après, on comprend pas. Après, je marquais putain, c'est mal fait, elle veut bouffer un gars, Pattinson veut pas. Et oui, c'est le code d'honneur des vampires. Ouais, mais Pattinson, il fait pas chaud. Et là, c'est lui qui a un twist. Là, c'est une autre révélation. Parce que je me suis aperçu que ce film, c'était un nanar. Parce que c'est tellement mal fait, il y a rien qui va. Et évidemment, il y a une réplique de Pattinson, je l'ai plus noté, mais elle est ignoble. Et là, je me suis aperçu que c'était un nanar. Parce que c'est vraiment très mal fait et rien ne va. Et je me dis, conclure sur un nanar sur Twilight, c'est incroyable. Et c'est là que j'ai commencé à dire que j'adorais. J'ai niqué ma mère la pute maintenant. C'est vraiment une. C'est non une... mais ta gueule, tu sais ce que j'en pense. C'est une punaise. Donc c'est un nanar. Et là, il y a Xavier Dolan qui rentre. Donc Taylor Jacob. Et c'est un loup. Et là, Kristen Stewart. elle commence à le doser, genre ça stone et tout, ah, t'es un vampire, je suis un loup-garou, t'es un vampire, t'es un loup-garou, tu pues la merde. Tu l'as regardé en version québécoise ou pas? Ouais, du coup. Pourquoi est-ce qu'en fait ils font une version québécoise, genre le VF? Parce qu'il faut bien le distribuer quelque part en fait. Oula, mais faut pas dire ça, parce que s'ils font des titres déjà à part entière... Ouais, est-ce que ça s'appelle Crépuscule du coup? En version canadienne. Bah non, en fait, vu qu'il a un nom français. Twilight, c'est un... Non mais Twilight. Non mais Twilight, c'est une œuvre du coup, il reste... C'est tiré d'un livre, c'est tiré d'un livre. Oui, voilà, oui, mais parce qu'on lui peut-être que le livre aussi s'appelle Crépuscule, frère. Hein. Ouais, bah non. Ouais. Allez. Et là, Jacob lâche, vous êtes fait un pour l'autre, alors que c'est un chien. Ah, vous êtes fait là, le chat. Putain. C'est pas pareil, parce qu'en fait, c'est la canidée. Bah oui, c'est pour ça. Et dit, vous êtes fait là, félin le chat. C'est un loup, comme un chien. Il dit, vous êtes félin. C'est drôle. Mais il a vraiment fait exprès d'appuyer sur félin pour. C'est toi qui a retenu la blague. C'est Julien qui a choisi d'appuyer sur le félin. Attends, c'est Lucas. C'est Julien, 5h du matin. Oui, voilà. Là, je découvre les autres. Je vais Du coup, là, les deux amoureux ils débarquent. Il y a toute la troupe de vampires, je sais pas qui c'est. On apprend que le bébé est un vampire. Encore une autre révélation. Il a des super pouvoirs. Je sais pas pourquoi. Et là, on apprend qu'en deux jours, il a une gueule d'enfant de 2 ans. Il en reviendra plus tard, vous inquiétez pas. Juste, il a une croissance un petit peu anormale. Ok. Et là, c'est commencé à me déranger le film, et je me suis aperçu que vraiment c'était très mal écrit. C'est qu'on juste apprend... là. Ouais, mais déjà, parce que j'avais déjà découvert que c'était un nanar. Ouais. Du coup, ça commence à me plaire, mais là, vraiment, il y a eu un twist. Ok. On apprend que le loup, donc Jacob, il veut baiser le gosse. Quoi? Oh là là. Ah. Mais il a quel âge l'enfant? Il a 2 jours à peu près. Attends, juste. On a mais il paraît vampire. Comme. Parce que non, il a c'est la maturité qui est. Non, mais là, c'est un enfant. On est d'accord que les vampires, ça garde leur âge du moment où ils se sont fait mordre. Donc oui, c'est... mais là, c'est non, mais tu un enfant, t'es niqué en fait. Une théorie beaucoup trop poussée pour Twilight. Non, mais vu que c'est expliqué. Tout va te révéler dans les révélations. Ah, alors on attend. Il est ni vampire ni loup. Non, le bébé est un 100% vampire, hein. c'est un vampire pure souche. Mais quelle est la raison? Mais pour l'instant, c'est ce qu'on croit. Pourquoi c'est un bâtard? Bah oui, c'est humain. Non, mais voilà, pour l'instant, oula, c'est ce qu'on croit. Oula, c'est un vampire, mais non. Oula, c'est un bâtard. C'est moitié humain, moitié vampire. Mais ils ont qu'un de que c'était évident vu que c'était une meuf. On se tait. Tu verras que les méchants sont pas forcément d'accord avec cette théorie. Donc là, le loup veut baiser le gosse, on comprend pas pourquoi. Et Kristen Stewart, elle est pas très d'accord avec cette idée, forcément. Oui. Du coup, il est vraiment amoureux de l'enfant. Et voilà, c'est tout. C'est vraiment, ça s'arrête ici. Oui, là, j'ai noté que c'était le pire doublage de tous les temps parce que vraiment, Jacob, Xavier Dolan ne fait pas le taf à ce niveau-là. C'est vraiment très très mal doublé. Là, Kristen Stewart, elle essaye de tabasser du loup en 3D. C'est vraiment pas très bien fait. Du loup en 3D. Ah, du loup. T'es juste sourd. Et con. Non. Bah, je me suis fier, les potes. Hein. Là, on apprend, énième révélation, que l'enfant. Ah, vous avez deviné le nom de l'enfant. Ouais, celui qui devine. Il gagne vraiment énormément d'argent. Ça, du coup. Patrick. Non, je sais pas. Non, c'est impossible de dire. Non. Ah non, si c'est un nom de merde. Genre Nathanael, un truc comme ça. Jack. Non, c'est pas. Non, c'est un nom de merde. Ouais, Jude. C'est un nom de merde. Robert. C'est... Lune. Non. Oh là Soleil. Là. C'est oh Renesmee. Voilà, ah oui. Ouais, ça me disait quelque chose. Robert, c'est Renesmee, genre. Et là-bas, on part sur. Il y a une scène anniversaire de Kristen. Surprise party. Les vampires, ils payent une casa à Kristen Stewart. Il y a de la musique de merde et les vampires ils baisent. Tous? Genre, non, Edward et Bella. Ah, bon, les autres ils doivent baiser aussi. Hein, mais C'est la fin du film? Non, aucun. Non, c'est juste la scène d'anniversaire de minute du film. Hein, Oui, putain, j'ai pété un plomb. Révélation. Kristen Stewart, en fait, le pouvoir de la 3D, c'est ce que je me suis dit. Elle a le pouvoir de faire que des trucs en 3D. Donc quand elle chasse en 3D, quand elle court en 3D, quand elle baise, il y a de la 3D aussi. Et là? Et là, c'était de la... tout est en 3D. Ah, okay. Non. Il y a de la... Mais quand elle baisse, il y a pas trop bien quand même. C'est genre, c'est d'animation 3D enfin, c'est quoi? Non, mais il y a des effets 3D pas beaux. Ah. En mode. La rue de la club, genre quand il ken, c'est. Non, mais il y a de la lumière nulle en 3D. Enfin, c'est pas beau. Hein. En 3D. Non, mais c'est nul. C'est pas beau, c'est nul. Là, il y a un personnage qui appelle Charlie, je sais pas qui c'est. Il y aura des révélations plus tard. On l'a sauvé sur le relais. Ok. T'as entendu la blague de. Ouais, je ne relève pas, il y en a une raison. Ils font passer Bella pour morte. Je sais pas trop pourquoi. Ah, ok. D'accord. Et du coup, Jacob il est deg. Parce qu'il va pouvoir baiser le bébé s'ils partent tous. Parce qu'ils la font passer pour morte. Des méchants. Là, il y a Jacob qui décide de se foutre à poil devant Charlie. Pour lui montrer que c'est un loup. Mais Charlie il s'en bat un peu les couilles. Genre, il est, comment on reconnaît un loup? Il a une énorme forme. Ah, bah il se transforme vraiment. Et ah, ok, d'accord. Il y a Jacob, il fait ah, je veux transformer. Attends, j'ai une question. Direct. C'est vraiment pour baiser ou c'est il veut juste la protéger, un truc comme ça? Non, mais il veut vraiment se marier avec, genre vraiment. C'est il veut un être c'est un déglingué, genre. Voilà, il veut être en couple avec cet enfant. Il y avait de l'âne, hein, donc. Oh, Émile. La tolérance, l'acceptation, Émile Louis, la culture là. Du viol. Mais pourquoi, non, mais... pourquoi il veut... Tout, tout est expliqué dans la révélation. Parce qu'en fait, il aurait voulu que ce soit son gosse à lui. Non. C'est mieux, c'est moins bien que ça. Du coup, Charlie, il voit Jacob en 3D moche, en loup. Là, on apprend qu'il y a des gens qui s'appellent les Volturans. Je sais toujours pas qui c'est. Ça fait énormément de personnes que... Donc, je sais pas qui c'est. Là, on apprend, là j'apprends que le daron, c'est Charlie. Donc le daron de Béa. Non. Si. Non, c'est je sais pas. Là, les vampires, ils décident de faire un tuto comment être un humain à Béla. Il y a un montage, j'ai cru qu'il allait avoir un montage comme dans Pretty Woman, où ils allaient l'habiller. Attends, c'est les vampires font un tuto comment être vampire plutôt. Bah non, ils font un tuto pour être humain, parce que en fait, Béla, elle vient d'être vampire, tu vois. Et du coup, elle se comporte comme une clodo, c'est ça? Non, non, mais justement, elle est hyper droite, elle respire pas ni rien, elle est dead quoi. Du coup, bah, elle s'en bat les couilles, elle comme reste dans Du coup, ils font. Ouais, voilà, du coup, ils font genre respire un peu et tout, c'est rigolo. Là, il y a des gros daddy issues, parce que le daron il comprend toujours pas que c'est des vampires alors qu'il a vu un loup juste avant. Du coup, il comprend pas qu'il est entouré de vampires alors que les mecs sont tellement blancs. J'ai noté une petite blague, hein. Ils sont tellement blancs qu'ils portent des Stan Smith et ils écoutent du Columbine toute la journée. Du coup, il y a des gros daddy issues. Le daron il apprend qu'il est grand daron finalement. Et là, Kristen Stewart fait ouais, mais de toute façon, moi je suis trop forte en tant que vampire. Et là, il y a une scène. Vous pouvez deviner ce qui va se passer. Une scène de bras de fer sur rocher. Putain, moi j'ai cru qu'ils allaient au bowling. De bah, franchement, ça aurait pu. Putain, mais je comprends. Il y a des bras, il y a un bras de fer sur rocher en 3D. Ouais, sur rocher. Et ça tabasse de la caillasse. En 3D parce que. Il y a toujours de la 3D. Et je te dis, les vampires ont ce pouvoir là, c'est de générer de la 3D dans ce film. Mais qu'est-ce qu'on entend par de la 3D? C'est vraiment des effets dégueulasses. C'est pas beau, genre tout est généré par ordinateur. Dès qu'il y a la moindre scène, c'est la CGI nulle. Et là, j'ai noté bras de fer sur rocher, mais c'est le meilleur film de l'histoire. Parce que oui, c'est incroyable. Mais c'est non, mais c'est, moi j'adore les nanars. Dès que c'est nul à un point incroyable, ça passe ce gap du nanar. Du coup, ça devient incroyable. Et mec, dis-toi qu'il y a des gens qui ne vivent que pour ces films-là. Oui, mais ils le prennent pas et moi j'ai trouvé ça incroyable. Toi, t'as des nanars que tu kiffes, tu m'en as parlé la dernière fois. Bah, moi, The Room, c'est une vraie. Mais parce que c'est un vrai des nanars, je le prends comme des nanars. Oui, bien sûr. Et là, toi, Nat, je l'ai pris. Non, lui, il parle qu'il y a des collégiennes qui sont hyper sérieuses dessus. Ouais, mais là, c'est pas possible. Parce que le film est bon. Bah ouais. Après, du coup, j'ai noté, ça tabasse de la caillasse en 3D, ça prouve que son pouvoir est bien présent. Là, on apprend que les Vultures ont du fric. Voilà, je l'ai noté. Les Vultures, c'est méchant, ça. On sait pas trop. Il y aura des révélations. Là, j'ai noté Renée Spé grandit vite. Elle a déjà 6 ans en 4 jours. Ce qui est vrai. Donc, elle a 4 jours. Elle paraît 6. Vraiment, elle fait un. Elle avait 12 ans, mais elle paraissait 18. Attends, la révélation, non, mais vraiment. C'est que les vampires, ils vieillissent plus vite qu'ils sont jeunes. Non, attendez. Oh, des révélations. N'oublie pas que. Des révélations. Ça n'a aucun sens. Donc, là, il y a petite. Mais déjà, c'est impossible de deviner la suite de ce film à chaque fois. C'est que des surprises et des révélations. Là, il y a une balade en forêt. Il y a une meuf, elle arrive. Elle s'appelle Irina, apparemment. Elle est loin sur un rocher. Elle fait oh là là, qu'est-ce qui se passe? Elle se casse. On comprend pas ce qui se passe du coup. Et j'ai marqué, je sais pas qui c'est, mais elle a pas l'air commode. Et là pendant ce temps-là, Vera Cruz, il y a des méchants vampires. Il y a Irina qui arrive, elle poucave un truc. On sait pas ce qu'est poucave. Ah, t'es un gens. Irina, on oublie rien, on pardonne pas. La chiasse. Du coup, Irina, elle poucave un truc à des méchants vampires qui sont sûrement les Vultures. Antoine, tu peux arriver à te toucher les tétons quand tu me parles? Quoi? Parce que t'es en train de faire. Non, pas du tout. Si. Ouais, t'as vu. Je vais pas balancer. Et là, on revient sur la maison de campagne des vampires gentils. Faut pas oublier que j'ai pas les noms, hein, parce que j'ai pas les refs. Ouais. Je les appelle tous vampires gentils ou vampires méchants. Okay. Il y a le vampire gentil qui a une vision. Les Vultures vont attaquer. Et apparemment, Irina croirait que la gamine, c'est une immortelle. Bon, je sais pas ce que ça veut dire non plus. Hein. Putain, c'est quand on a changé de film, là, c'est Christophe Lambert. Hein. Oh, que non. Et en fait, la énième révélation, j'apprends que les Vultures, ça se dit Vulturi en fait. Oui, l'immortel. Bah, ça se dit Vulturi. Ah, ça se dit Vulturi, mais ça se dit. Enfin, en québécois, c'est Vulture quoi. C'est Vulturi. Du coup, on apprend que les immortels, en fait, c'est des petits gamins. En fait, ils restent gamins, ils sont vampires, mais ils restent enfants. Parce qu'en fait, c'est quand deux vampires, ils font un enfant. T'as pas le droit de vampire, creuse vampire, t'as pas le droit. Et en fait, ça fait un petit enfant vampire. Qui va faire n'importe quoi. Et du coup, on va blesser un immortel. Mais, en l'en, fait, mais l'enfant, c'est quoi? C'est un immortel ou pas? L'enfant de. Il y a des révélations. Mais oui, vu que c'est Irina, ok, pardon. Irina croit que c'est un immortel. En tout cas. Mais justement, il n'y a pas une immortel qui est petite aussi qui est enfant. Je sais pas. L'enfant de. L'enfant, pas de pas film. Okay. L'enfant de Kirsten Stewart. C'est pas une Vulturi, c'est une. On va voir. Ok, pardon. Excuse-moi. Non, mais Vulturi. Car il y a des révélations. Toi, tu te connais trop. Par là, même il y a Jim Carrey qui fait lourd et qui danse en fond. Du coup, là, tout le monde croit que c'est l'immortel. Et en fait, non. Ah. C'est la fin du film. Et alors en fait, non. Le film, c'est fini. Comment est-ce qu'on le sait quand même ? On va le voir. Et il reste combien de minutes, là ? Énormément. Combien de révélations ? Et en fait, là, on apprend que les Volturi, c'est la police des vampires, en fait. Ah. Dès qu'il y a un truc qui se passe mal, ils font « Ah, on intervient !» Et généralement, ils tuent tout le monde et ils se posent pas de questions. C'est comme la vraie police. Oh. C'est la Gestapo. Ben, comme ben, la non, police. Pour moi, c'est comme la vraie police de maintenant. Genre, ah, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Une voilà. Émission politisée. Le podcast qui dénonce. Voilà. Hop là, c'est un gilet jaune, les matraques. Les gazas. Les Noirs en Amérique. Les lacrymos en plein été, voilà. Les Noirs en Amérique. On a compris, il va peut-être une troisième fois. Les Noirs en Amérique. Toi t'aimes pas les noirs, les PD, visiblement. C'était seul de thème aujourd'hui. Hein. Et là il y a un flashback au temps des, du Moyen-Âge. L'esclavage. Il y a décapitation de vampires entre les. In tout brûlage de vampires. Et là je marquais, c'est incroyable. Parce que c'est, vraiment la scène n'a aucun sens. C'était la 3D dégueulasse, non le feu. C'était ignoble. Même le feu est en 3D, donc c'est bien. Ok. Et là du coup tout le monde est en train de dire oh putain les Volturi vont venir nous attaquer, gros quiproquo, on se chie dessus forcément. Mm-hmm. Ils croient que la gamine c'est immortelle. Mm-hmm. Et là Alice et Jasper, je sais pas qui c'est. Et du coup ils sont cassés. C'est des loups-garous je crois. Non, non, c'est des vampires. C'est vampire. Une grosse merde. Non, mais effectivement en loup-garou il y a que Jacob, les autres c'est des potes. Genre on comprend pas. Et c'est Alice dit. Attends qui? Du coup Alice et Jasper, ils ont dit quand ça va neiger. Ça va chier. C'est, ils ont laissé ça comme message. Expressément, hein. C'est comme Game of Thrones. Bah, ouais, Winter is coming. Winter, hein, ouais. C'était ça. Ah, mais oui, je crois que c'est le frère et sœur de, je sais pas. De Jacob. Mmh, non, non, c'est putain, des vampires. C'est des vampires, bordel. Mais pas Jacob alors, de l'autre connard. De, comment Kit Harington. Pattinson. Ah, le mur. Oui. Kit Harington. Pattinson, comment il s'appelle? Bah oui. C'est quoi son vrai prénom? Robert, dans film. Non, dans Robert film. C'est Edouard. Edouard, ah, voilà, je crois que c'est les frères et sœurs de. Edouard Delaney, on s'en fout. Ça n'a aucune importance. Je crois qu'il n'a aucune importance. Non. Et en fait, le film se transforme en film de recrutement d'équipe, comme de Rishi and Even. Trop bien ça. Et ils vont tous le faire, ils vont tous faire le tour du monde pour recruter des vampires pour combattre les Volturi. Mais je crois que c'est mais c'est le meilleur, mais c'est le meilleur film de l'année en fait. Je l'ai vu. De il y a Rami Malek dedans. Oui. Justement, j'allais y venir parce que c'est vraiment incroyable. Je le déteste. Et du coup là, ça va chez les ch'tis des vampires, parce qu'ils sont dans le Nord. T'aimes pas Rami Malek? Bof. T'aimes pas Rami Malek? Oui, c'est vrai. Pas Rami Malek, la vérité. Allez! J'ai fait le juif! Ouais, mais il est pas juif! Non, mais si tu dis rabbi un peu, ça ressemble un peu à rabbin. Toi, t'as plus envie de. Du coup, là, j'ai noté, j'ai toujours pas compris pourquoi on a pas le droit d'avoir de gamin vampire, mais ça me va. Ok. j'ai accepté mon sort. Pas posé plus de questions. Parce qu'en fait, il faut savoir que les ch'timis des vampires, dès qu'ils ont vu la gamine, ils ont fait. Oh là là, c'est grave et tout ce qui s'est passé parce qu'ils croient que c'est immortel. Du coup, ils disent ah putain, c'est la merde. Et là, je me suis fait aussi une réflexion, c'est que je pensais que la gamine aussi est en 3D. Je commençais à psychoter un peu. Parce que vraiment, son visage, je te jure, il était pas mal. Je sais pas, il y avait un truc qui marchait pas avec la lumière. Il et... a fait un rêve en 3D après, le gars. Non, mais tout est en 3D, moi j'en suis donc c'était pas bien. Et là, j'ai développé une théorie. Je me suis dit, genre, c'est impossible qu'il existe des gamins vampires parce que les gars peuvent pas procréer, je pense. Pourquoi? Je me suis fait une théorie. Du coup, je pense que vampire cross vampire, ça existe pas. Et que si ça existe, bah, ça fait une immortelle, tu vois. Du coup, c'est le shaitan. Et après, mais du coup, ils ont fait une strat où ils ont transformé Bella pendant qu'elle était enceinte, là, genre ce que t'as raconté. Ils ont transformé Bella en quoi? Du coup, ils ont transformé Bella en vampire pendant qu'elle accouchait. Ou un truc comme ça, genre. Oui, ouais. Du coup, c'était déjà une vampire. Voilà, du coup, elle était à moitié humaine, moitié vampire, le gamin. C'est compliqué comme scénario. Mais non, parce qu'en fait, quand le rayon se développe, ça n'a rien à voir avec l'accouchement, genre. Bah écoute, tu vas dire ça à l'auteur. Non, c'est parce que, genre, en gros, il a spié son énergie vitale et elle allait mourir. Si elle ouais, mais frère, mais ça va pas changer le génome du bébé, genre. Mais non, c'est rien. Vrai, hein. Et du coup? Et là, il y a une Steamy. C'est bon, elle a le. Bah en fait ils viennent du nord quoi, mais ils disent nos cousins du nord, du coup ça me fait penser à ça. Et du coup il y a une vampire ch'timi, son pouvoir c'est de faire du taser. Ses mains ça devient un taser. Okay. C'est ce que j'ai noté. Okay. Ça me dit un truc. Des vampires qui font du taser, il y a t'as vu le film, tu ne l'as pas. Je pense que ça joue non, avec mais le fait que t'es vu le film. C'est les policiers. Du coup on apprend que la gamine elle est à moitié humaine et à moitié vampire. Du coup ça va, ils sont cool avec ça. sais pas trop pourquoi, mais du coup, c'est pas une immortelle, c'est vérifié. Mm-hmm. En fait, la gamine, elle a le pouvoir de montrer des souvenirs. En fait, du coup, elle montre le souvenir qu'elle est pas, méchante. C'est Dumbledore. Du coup, dès qu'elle va recruter un gars, bah, le gars, il va dire « Ok, je suis dans l'armée ». Du coup, il recrute les ch'timis comme ça. Il recrute les vampires égyptiens avec Rami Malek comme ça. Rami Malek qui a aussi le pouvoir de la 3D. Hein. Oh, j'en ai ras le cul. Hein. Pourquoi il fait l'égyptien? C'est son rôle, franchement, parce que le premier vampire c'était un pharaon dans un lieu musée. Il est égyptien. Ça recrute les vampires d'Amazonie, ça recrute les vampires irlandais, ça recrute les vampires américains aussi. C'est qui paye les billets d'avion? L'ONU. Ouais, mais j'ai pas. Ah, mais ils sont tarpins riches les Cullen, du coup ça passe. Et ils ont un grand réseau aussi. La mafia. Ouais, voilà, c'est plus penser que ça. Et tout le monde kiffe la gamine direct. Et après, qu'est-ce que j'ai noté? Il y a un autre gars qui vient rejoindre l'armée, mais il a pas l'air cool. C'est tout. Mais il faut savoir que lui, il a aucune incidence. Hein. Mais au début, je fais putain, il a l'air méchant et tout. Non. Et là, on apprend qu'il y a une vingtaine de vampires dans la casa. Du coup, je dis putain, ça fait du beau monde quoi. Mais elle est pas faite de papier. Non, rien à voir. Il y a pas de capital aussi. Ils ont tous le pouvoir de la 3D moche. Là, la meuf qui fait du taser, elle recommence. Et là, attention, il y a le meilleur duo de l'histoire. Il y a deux Russes. Il faut que vous deveniez le nom du duo. Ils ont deux prénoms. Vladimir, Igor, Karl. C'est possible que vous deveniez le deuxième prénom. André. Qui est pas du tout russe. Laurent. Igor. Vladimir. Popovich. Stéphane. Stéphane avec un F du coup. Parce qu'en fait, c'est Stéphane. J'en sais rien. Qu'est-ce que je te réponds? Avec un F, je crois qu'il a marqué son prénom sur son front. Vladimir. Non, mais attends, mais du coup. Le duo de Russe. Je vois. Qui sont les ennemis en fait? Les Valkyries sont un peu méchants. T'as vu que moitié le film? T'as vu une partie? T'as vu le milieu toi. Mais attends, non, je suis arrivé, j'ai regardé le film, mais je comprenais rien du tout parce que j'avais pas vu celui d'avant. Bah, c'est ça, c'est à peu près mon ressenti. Et en fait, du coup, j'ai juste vu une guerre. J'ai adoré parce que vraiment rien ne va dans ce film et les répliques sont ignorées. Avec l'elfe. Ah, bah en québécois, tu m'étonnes. Attends, tout va être expliqué. L'elfe, il y a un elfe. En québécois, mais non, mais il me fait penser à un elfe. Non, en français aussi, mais en québécois, je pense que ça doit être horrible. Hein, les doublages, les dialogues. Il faut dire que le comédien de doublage qui ont doublé les Russes là, vraiment, c'était comment il s'appelle, l'imitateur qui fait des trucs hyper racistes là. Michel Leb. C'était vraiment ça quoi. Et du coup, eux les Russes, ils veulent à tout prix tabasser les Volturi. Putain, j'ai failli tout casser. Ça veut juste faire ça en fait. Ouais, bah voilà. Et du coup, que cette histoire, on apprend qu'elle a aussi les pouvoirs. Il y a encore des révélations, il y en a énormément. Elle a le pouvoir du bouclier 3 des moches. Et ça, c'est vraiment incroyable. Comme Captain America. Bah non, parce qu'en fait, toutes les attaques de vampires, elle ressent pas, tu vois. Attends, mais la bouclier, c'est pas un bouclier physique, genre elle porte pas un truc dans la main. Non, mais c'est un bouclier mental, hein, tu vois. Mais c'est en 3D par contre. Attends, genre c'est un espèce de patron, genre ça la protège. Ouais, tu vois, elle a une peau un peu en surveillance, tu vois. Hein. Je sais pas. Ouais. Harry Potter. Ouais, mais pas trop nu, je crois. Et la Christmas time. Donc Jacob, ce gros babos, il lui a donné un gros bracelet en cuir à la gamine. Un instant, j'ai eu peur qu'il lui offre des capotes quand même. Là, il y a la scène cliché, la plus clichée du cinéma. Il y a feu de camp avant la bataille où ça raconte les anciennes batailles. C'est de la grosse merde cette scène. Et au dernier moment, il y a un monologue de 2 minutes des Russes qui raconte n'importe quoi parce que le doublage est tellement mal fait que vraiment juste piche de blé. Après j'allais me battre avec moi quand je voilà. Et on a rien compris. c'est ça. Voilà, j'ai fait le cliché à un moment. Vraiment, c'est ça. Et globalement, ce qu'on en retient, c'est qu'ils aiment pas les Volturi. Voilà. Wow. La battle time. Et en fait, là, on apprend que les Volturi, c'est un petit peu des chiens parce qu'en fait, il y a 20 vampires, des loups. Contre vraiment 100 ou 200 vampires méchants. Ok. C'est un peu des chiens, rien à voir avec les loups-garous. Non, rien à voir. C'est des vampires, quoi. Méchants. Là, dans la tribu des vampires méchants, il y a Irina la grosse pute. Ah. Alors là, on va se retrouver, hein. C'est la grosse Pookie, c'est pas de ma faute. Là, c'est essayer de calmer le jeu direct en disant mais non, la gamine, elle est pas méchante et tout. Là, j'ai noté qu'il y avait une mouche qui me cassait les couilles pendant que j'étais en train de regarder le film. Et du coup, là, il y a la police, donc les méchants, là, ou la Volturi, ils commencent à kiffer la gamine aussi parce qu'ils s'aperçoivent que finalement elle est pas si méchante que ça. Parce que la gamine, elle est venue montrer les souvenirs. Ouais. Et du coup, ils s'aperçoivent qu'en fait, elle est bien humaine cross vampire. Du coup, c'est pas une menace. Donc ça va. Du coup, tout le monde est content techniquement. Sauf, bon déjà que le méchant est en surjeu constant, mais en fait, la Poucave elle est déjà dans la merde, parce qu'en fait, elle a dit des mensonges du coup. Ouais. Du coup il la tue en la décapitant et on fout le feu en 3D, okay. Direct. Sauf qu'on apprend, en 3D toujours. Révélation, on apprend que Irina c'était une chichimi en fait. Bon okay. Ça, en fait normalement tout le monde est censé le savoir, moi je l'ai appris à ce moment là. Du coup les chichimi sont pas contents, ils commencent à se rebeller. Là il y a un petit peu des tensions. Sachant que je comprends pas trop pourquoi, parce que normalement tout le monde est content, tout le monde est gentil. Oh, j'ai la mort. Eh oui, c'est incroyable ce film. Du coup, il y a des tensions, mais je comprends pas pourquoi, parce qu'il y a pas de problème. Du coup, il y a pas de bataille. Mais attention. Oh putain. Enfin, il y a quand même des tensions. Il y a un crossover de bataille. Et là, on apprend, révélation ultime, que les méchants sont racistes contre les humains. Du coup, ils font ah, si la gamine est la moitié humaine, il va peut-être rallier les humains et essayer de tuer les vampires en faisant un truc. Ouais, je vois. Et là, ça chie. Parce que Alice, elle arrive, elle fait « Je vais te montrer l'avenir, grand méchant ». Elle lui montre l'avenir. Grand méchant. Elle dit exactement ça. À peu près. Okay. J'ai plus le nom du grand méchant parce que je l'ai pas noté. Haro, non. C'est putain, c'est ça. Je viens de regarder. T'es un fou. Du coup, elle lui montre l'avenir. Haro, il s'en bat les couilles. Mm-hmm. Et là, Alice fait « Ah non, ça va pas se passer comme ça ». Elle a un kung-fu de vampire. Elle lui fait un coup de pied retour de la gueule. Haro, il s'envole à 35 mètres hors du sol. J'espère que c'est tiré par des cordes. Non, c'était de la 3D. Oh non, jure. Évidemment que c'était de la 3D. Elle était comment cette 3D d'ailleurs? Moche. Okay. Et là, la bataille commence, ça va chier des mules carrées. Là, il y a des vampires qui s'envolent dans tous les sens en 3D moche. Et là, il y a le vampire le plus sympa du film qui est mort, décapité par. C'est pas Edouard, mais c'est un autre vampire, il est sympa, tu vois. Et là, j'ai marqué, pouah, rien ne va, c'est ignoble, bouclier magique. Parce que là, elle utilise le bouclier magique. Là, il y a un deuxième vampire gentil qui vient d'être décapité. Je veux la musique, la chevauchée de Valkyrie. D'accord. Mais... Ouais, mais en fait, il y a le montage. Il y a le deuxième vampire gentil qui est décapité. Putain, c'est génial. Oh merde, Jean Fumé méchant est dead, mais tant mieux. C'est un méchant qui vient de mourir. Il y a un vampire à dread qui est en train de poursuivre Jacob et la gamine parce qu'ils sont en train de se casser. Il y a du kung-fu de vampire. Et là, j'ai noté en majuscule l'eau 3D qui décapite un vampire, c'est génial. Et ensuite, qui se fait dénuquer dans la foulée, bordel, meilleure œuvre bas vampire à dread qui se fait décapiter par Jacob en cours des barres. Dénuquer ? Attends. Et c'est la fin ça ? Non, moi je préfère dénuquer. Il pose le micro comme ça. Il y a un mec. Ah, et c'est... Il a enlevé la nuque. Non, mais vraiment, il dénuque un loup en 3D. Comment on fait pour dénuquer ? Bah, il lui prend la nuque, il plaque. Et t'entends une plaque. Et il craque la nuque. Ouais, voilà. C'est pas une décapitation. Ils se font pas décapiter les loups en suivant. C'est le vampire. Pétasse n'est pas bon. Dans tous les cas, c'est 3D. Okay. Et là, il y a Rabbi Black, il commence à voir flou, il casse le sol. Parce que ça se passe sur un truc en léger, je sais pas quoi. Ouais. Du coup, il y a plein de gens qui meurent. Il y a plein de gens qui meurent. Il y a un cri de Willem au milieu. Il y a un loup qui se sacrifie pour sauver une vampire gentille. Il y a Edouard qui a failli mourir, mais finalement, il décapite un méchant. Et c'est trop stylé. Là, il y a Kung Fu Matrix Vampire d'Alice. Parce qu'elle est vraiment trop forte. Il y a une des plus grandes méchantes qui se fait bouffer la gueule en 3D. Il y a du taser into arrachage de la mâchoire d'un méchant. Là, il y a les Russes qui tuent un gars en 3D, mais c'est tellement mal fait qu'on comprend pas comment ils tuent. Genre, ils arrivent comme un tag team et le gars meurt, on comprend pas comment. Ouais. Il y a le gros méchant parce qu'il y a tout son mari qui est en train de se faire casser le cul, du coup, il arrive. Et là, il y a un tag team comme au catch de Bella et d'Edouard contre le grand méchant. Là, j'en étais 3D moche. Là, il y a du Kung Fu tag team de Bella et Edouard. Là, il tue le grand méchant parce qu'ils font une combinaison incroyable. Et il est directement brûlé vif et la révélation ultime. Là, c'est la plus grande révélation. La révélation. Donc le film n'a pas menti finalement. Attends, pour vous, qu'est-ce que serait le plus grand plot twist de tous les temps? Et le plus nul, genre. Ah, mais qui me tombe sur la gueule. Non, le plus cliché, le truc le plus cliché du cinéma d'un plot twist. C'est que en fait tout le monde était gentil, c'est pas pour la même cause. J'ai raison. Non, sans déconner, t'as dit quoi? C'était un rêve. Depuis le début, c'était un rêve. Non. C'était un rêve. Non. Révélation. C'est un révélation. Non, mais ta mère. Parce qu'en fait, je me rappelais pas. Hein. Sans déconner. En fait, toute cette scène de bataille épique en 3D moche, c'était l'avenir que Alice lui montrait au grand méchant juste avant qu'elle fasse un coup de pied. Et du coup, le grand méchant a dit, oh ben je vais pas faire le méchant. Exactement. Il fait, je suis un peu dans la sauce parce que je vais un peu mourir. Du coup, il est en sueur parce qu'il a pas trop envie de die en effet. Du coup, ils font juste, ouais, bon, si vous nous promettez que la gamine elle va pas chez les humains, bah ça va. Du coup, tout le monde est content. Du coup, les méchants se cassent, tout le monde est content, tout le monde est gentil. Il y a de la musique de merde. Là, il y a Jacob qui bave encore sur la gamine, tu peux arrêter de bouger, tu fais du bruit. Je me gratte le dos. Du coup, Jacob il commence à baver sur la gamine parce qu'il se dit, dans 7 ans, c'est réglé, je peux la baiser. Putain, j'en peux plus. Là, on croit que c'est la fin du film, mais finalement, il y a des bisous dans la campagne. Et là, il y a un AMV de leur histoire d'amour. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un AMV. Oui, c'est les trucs des gros weebs. Ah oui. Qui font des montages avec une musique de merde. En gros, t'as du Evanescence en fond et t'as un montage. Et là, il y a ça dans le film. Il y a 3 minutes de ça. Moi, je comprends parce que j'ai pas lu, j'ai pas des rêves, du coup. Du coup, c'est confirmé qu'ils sont mariés et qu'ils ont eu des enfants, tout ça. Ah. Ça fait encore plus de rêves. Rebisous, ils disent qu'ils s'aiment pour l'éternité et c'est la fin. Oh, c'était fini. C'est la fin. Attends, sur une échelle, Happy Birthday, Eternal Sunshine, ton expérience. C'est pareil, faut le noter sur une échelle de nanar. Bah là, non, il faut le mettre en dessous d'Happy Birthday. Hein. Oui, c'est nanar. Non, mais je pense qu'il va après. Ton expérience. J'adorais, moi. Mais venez après, vraiment, dès la 10ème minute, j'ai compris que ce film était un nanar et il a pris une autre dimension. De Zombieverse à The Room. Un bon set. Que vraiment il y a des scènes de bataille en 3D. Ah bon, c'est sur combien? Bah c'est sur 10. 0 aussi. De 7 à 8. Okay. De 7 à 8, moi, vous êtes un con. Ah bon, t'as quand même soulevé un excellent débat parce que tu dis elle a 7 ans, mais du coup elle apparaît adulte. Ouais. Ça c'est un peu comme les weeb, ils font ouais, en fait on voit c'est une vampire qu'elle a 2000 ans, mais en vrai elle a 7 ans, elle est dans un dessin. C'est un peu pédophile. Ouais, mais là on va pas se faire des avis, mais les gros weeb comme ça, ils s'achètent des peluches, c'est des gros pédos. Ouais, c'est un peu des. Allez, la première communauté au pensée, les pédés et les weeb. Oh là, c'est que toi ça. T'es pas. Mais toi depuis le début tu les enchaînes, mec, arrête. Non, mais. Le montage, déjà du montage. Non, t'es leur teneur. Alors, la salle et petits algériens que tu brûles depuis une semaine. Quoi? C'est possible. La salle et petits algériens que tu brûles depuis une semaine. Depuis une semaine devant chez toi. Retrouvez-le au 124 avenue de la Plaisance. Quand ils ont gagné la CAF, il est sorti avec son Tomahawk. Il faut s'adresser à un pote. Ah ouais? Du coup, ce film est incroyable. J'ai pas envie de voir les autres forcément. Si je dis, est-ce que ça va être moins bien? Parce que le 1, je me rappelle, il était insipide à crever. T'as genre, c'est juste un film de. Là, t'as peur d'être déçu quand même. Ben là c'est incroyable, j'ai trouvé, enfin vraiment il y a des scènes de bataille en 3D quoi, putain c'est incroyable, c'est et de la le merde, scénario c'est de la merde. Mais justement c'est ça la 3D, la 3D comment cette 3D, ouais, mais c'était pas les nanars, tu peux pas, tu comment pas, cette 3D c'est pas les nanars, mais juste ça, ça pue quoi, enfin, mais justement non mais il y a des trucs qui puent mais t'as de la tendresse genre ah non mais là non, je sais pas, donne nous quelque chose au moins, Zombieverse il y avait des seins quoi, mais non mais là il y a de la belle en 3D, dans tous les bons nanars il y a des seins, mais oui là c'est pas, il y a des scènes qui montent là dedans. Mais oui, mais je sais pas, genre The Room, il y a des répliques, mais l'acteur il est au ciel. Mais là c'est pareil, mais là c'est de la merde. Là c'est lunaire là, genre ce qui se passe, c'est bah, mec, t'as bien vu, ça va être incroyable. Ok, ça va. Bon. Genre, je vais jeter toutes tes affaires là. Je crois qu'il y a lui. C'est des loups-garous, la lune. Ah ouais. Les licorne-robes, tout ça, bref. Mais je sais pas, moi j'ai entendu Cyril. Non, mais ce film a une dimension d'un arbre. Quelqu'un l'a vu ici, Twilight, l'enfer là. Ouais, l'enfer. Bah, c'était révélation. Alors moi je suis désolé, mais je trouvais que c'était moins d'enfer que de le regarder que le résumé que tu nous as fait. Ah, tu l'as vu. Et pourtant, c'est le déroulé du film. J'avoue que là j'en ai bien vu. J'espère qu'ils m'ont rigolé parce que. Antoine, tu l'as vu ou pas? C'est l'enfer. Non, non. Toi, j'imagine. Non, moi j'ai vu le 1. J'ai des circonstances bizarres. Genre en fait, tu l'as vu toi. J'étais au bled, j'ai pas vu le 5. En gros, j'étais au bled et il y avait une chaîne. Personne m'écoute. C'est parce qu'il y a ma soeur qui m'avait inventé. En gros, j'étais au bled, je me faisais chier comme un rat mort. Et il y avait une chaîne qui passait des films à longueur de journée, mais genre entrecoupée de plein de pubs. Et c'était la version québécoise. Si j'avais pas les sous, genre voilà. Et du coup, en fait, genre il passait plein de films. Il y avait comment il s'appelle, Taken et tout ça. Et juste après Taken, ils allaient passer Twilight. Et du coup, j'avais jamais vu les premiers. Et je me suis dit, mais c'est bon, je vais le regarder et tout. Et en effet, c'était bien de la merde. Genre, déjà que je me faisais chier, tu sais, en crever, je me suis encore plus fait chier. Ah, t'as bien fait, t'as bien fait. Putain, je te jure. Moi, je trouve qu'il y a une dimension. Il y a un truc qui vient du génial, quoi. Mec, mais c'est parce que t'étais pété à ça. Ouais, non, j'aurais. Moi, j'adore les nanas pour le coup, et genre, vraiment, j'arrive à rêver. Non, en vrai, honnêtement, la façon qu'il a raconté, je peux. En vrai, j'y jetterai un œil. Hein. Mais c'est trop sérieux pour un nanar. Mais non, justement, mec. Non, les répliques dans celui-là. Non, mais parce que non, mais c'est la version canadienne. Mais rien que le rêve. Rien que le rêve. Rien que l'histoire du rêve. Ah, mais ouais. Rien que l'histoire du rêve, ça marche de ouf. J'ai hurlé de rire, vraiment. Quand il y a un gros flashback, c'est un rêve, j'ai fait oh les enculés. Est-ce qu'il a une page d'Underland? Quoi? Est-ce qu'il a une page d'Underland? Je pense. Ah, ouais, je pense. Mais parce qu'en fait, toi, t'as la rêve du 1. Qui est un film qui se prend ultra au sérieux et qui pue la merde, et genre c'est juste ça, ouais, il reste. C'est un film, quoi. Mais là, vraiment, tu te dis putain, c'est pas possible qu'il conclue une saga de fou sur ça. Parce qu'après, il y a la circonstance de t'as pas vu les autres, tu vois. Mais j'en ai rien à foutre des autres en même temps. Bah, mais il y a une évolution, il y a une évolution qui mène à ça, tu vois. Même si c'est débilement possible. Peut-être qu'il y a des trucs qui sortaient du chapeau, mais que en fait, en vrai, si tu lis le film, voilà, tu regardes Harry Potter la dernière partie tout seul. Non, parce que j'ai dit les trucs où ça, où vraiment j'ai pas compris. Parce qu'en fait, les seuls trucs que je comprends pas, c'est les persos, comment ils s'appellent. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aucune relation entre les personnages, genre juste. Si, il y en a de ouf, des premiers. Non, mais là, dans ce film, vraiment, ça revient pas, quoi. Parce qu'elles sont déjà expliquées. Mais du coup, elles sont installées, et du coup, toi, ça fait t'es flippant, toi. Non, on en discute, mais c'est juste c'est. Non, mais Twilight, ça pue la merde, mais celui-là, je le trouve vraiment. Il a préféré Twilight 5 aux amours imaginaires. Révélation partie 2 a bien une page Lennard. Ouais, c'est normal, il est. Infâme. Rien ou pas. Infâme. Mais après, si t'aimes pas les nanars, oui, tu vas faire, oui, c'est de la grosse merde, point et au revoir. Mais il y a un truc où un nanar, tu peux reprendre du plaisir à le voir, mais en standalone, tu vois. Ouais, tu peux ramasser. Par contre, Toilette 1, jamais je me le remate, quoi. Non, trop sérieux. Mais là, tu sens vraiment, je sais pas, il y a un truc où ils se sont dit, putain, on sort pas les couilles. Ouais, c'est le dernier, allez, on y va. Et en plus, j'ai lu. Mais c'est vraiment le défendre. J'essaie de défendre ce que j'ai aimé, du coup. En plus, ce que j'ai lu là sur internet par rapport aux anecdotes. C'est qu'ils ont tourné partie 1 et partie 2 en même temps. Ah, et du coup, le réalisateur, il dit non, vous comprenez pas que Kristen Stewart, c'est une vraie actrice parce qu'elle a su jouer la vampire et l'humaine dans des scènes qui avaient rien à voir et tout. Elle a fait vraiment une grande performance, quoi. En fait, moi, non, elle joue pas bien. En fait, à un moment, elle est calme et dans l'autre, elle fait gros, je vais en colère. Même pas. Parce qu'en fait, elle est énervée les 10 premières minutes du film. Après, ils font hey, calme-toi et calme. Parce que, mec, en fait, elle a su trop bien jouer les yeux rouges. Oui, voilà, elle a su mettre des lentilles à la perfection. Et du coup, ils ont fait waouh, ça, c'est vraiment une actrice. Elle s'était pas fait en 3D, ses yeux? Non, c'est des lentilles et ça se voit. Et la VO de Dolan, alors? Enfin, la voix, le doublage de Dolan. Il parle pas beaucoup, en plus. Juste à moi. Parce qu'il a un accent de merde. C'est québécois. C'est vrai qu'il est pas très présent de ce que tu nous as raconté. Bah si, il est Jacob. Non, mais en fait il parle plus beaucoup, il est juste à côté de la gamine tout le film. Genre c'est très bizarre. C'est flippant de ouf. Mais vraiment, la gamine, elle a une tête de 2 ans, mais ils disent qu'elle a 2 jours, tu vois. Putain, mais c'est vraiment des whims en fait, ils essaient de justifier. Mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Elle a 2000 ans. En plus, moi au début, quand ils ont dit ça, je dois. Ah non, les enculés, ils ont pu caster qu'un enfant de 2 ans et du coup ils l'ont justifié au scénario, mais non, finalement ça va plus loin que ça. Et en fait, vraiment il fait, non, je suis amoureux de l'enfant et tout, enfin je devais être à côté du gamin, je l'ai imprégné, je sais pas quoi. Oula, c'est bizarre. Ça, parce qu'il voulait se faire Bella et comme c'est sorti d'elle, il est en mode. Mais non, justement, en fait, parce qu'apparemment dans la partie 1, à la fin, Jacob et Bella ils sont en bisbis, tu vois, genre ils commencent à se kiffer. Parce qu'en fait, Jacob il était déjà en kiff sur le bébé qui était dans le ventre de Bella. Oh la tête, ma mère, c'est un déglingué lui. Lui, c'est un vrai ouf. Hein. Lui, c'est un vrai malade. Et en plus, il se fout à poil devant le père de Bella. Ouais, donc, je peux dire, c'est un vrai malade. Hein, et il fait voilà ce que je peux offrir à votre fille. Ouais, voilà, c'est un vrai fou. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose. Tu peux, genre, l'enfant, il grandit de façon bizarre et tout. En fait, c'est pas expliqué. C'est juste un Brésilien qui a dit ça m'est arrivé pareil. Oui, voilà. C'est pas expliqué. En plus, il dit ça m'est arrivé pareil et j'ai pas eu de problème. Mais et ça se trouve, la gamine elle va péter un câble. Personne se pose la question. Bah, si, ils la prennent pour un immortel, du coup, ils flippent, mais c'est tout. Mais les immortels ils grandissent pas comme ça. Après, c'est pas des immortels. Les immortels ils restent enfants, du coup. Mais bah, c'est pour ça que le grand méchant il s'aperçoit que c'est cool en fait. Ah, on en a marre. Ah, bah là. Meilleure saga de l'univers. Meilleure conclusion à Insider, je pense. C'est un des anneaux, pas ouf, parce que quand même la partie. Ah ouais, limite, j'ai envie de marquer la partie 1, parce que vu que c'était tourné en même temps, ça veut dire que c'est un peu la même ambiance. Probablement, ouais. Que ce soit un peu n'importe quoi aussi. Du coup, t'as vu que la partie 2. J'ai vu Toilette 1 et Toilette 5, du coup. En vrai, pour une émission, ce serait trop bien que quelqu'un prépare les films indiens qui durent 6 heures sur Netflix. Non, non, ouais, il y en a un. Non, non, 4 heures, c'est la merde. Ils l'ont pas découpé, quoi. 4 heures. Zéro montage, ils avaient pas l'argent pour. Non, mais c'est fou, t'en fais 2 dans ce cas-là. 4 heures. Bon, c'est 5h30. Dolan, en fait. Ouais, mais je crois que c'est 5h30. Je sais qu'il y en avait, c'était 4h. Et c'était une suite en plus. C'était qui cette Larousse, cette chaîne? Jessica Chastain, un truc. Ouais, ah oui, Jessica Chastain, j'aime bien. Parce que les Indiens, ils ont pas besoin. Mais Dolan, il est obligé de couper une actrice. Les Indiens servaient presque à rien au film aussi, ouais. Et donc du coup maintenant, enfin le film, je pense pas qu'on ait tous des questions, t'as très bien détaillé le truc. C'est de la merde. Trop détaillé c'est même. Génial. Mais du coup est-ce que il faut le voir, tes répliques, t'as fait le jeu des répliques ou pas par contre? Bien sûr, j'ai fait les répliques. Là les répliques en avis, t'en as. Super gentil. Si Alors, le jeu de réplique. Je vous ai fait deux répliques qu'il y a dans la saga Twilight et une réplique que j'ai inventée moi. Ok. Alors ça commence par Bella, écoute-moi, regarde-moi. Mais si j'en ai plus depuis bien longtemps, en l'espace de ces quelques jours, tu as réussi à faire battre mon cœur. Ensuite nous avons tu es comme une drogue pour moi, c'est comme si tu étais ma propre marque d'héroïne. Ok. Et enfin, j'ai commencé à te haïr au moment où tu m'as obligé à te désirer. Et y en a la deux. Troisième, je pense qu'elle est. Voilà, deuxième, je pense. Il y a deux de la saga Twilight et une bon, bah c'est la première et la dernière. Moi je pense que la deuxième est fausse, ouais. J'ai l'impression non, que non. Mais la première est beaucoup trop longue pour que tu te fasses chier. Ah bah la première, la première est inventée, les ouais, deux autres. Écrites. Les deux suivantes mais sont dans le film. Pour toi, ouais. Tu dis pas c'est une marque d'héroïne, enfin je sais pas. Genre, si, justement, je pense que si. La dernière, c'est quoi? La dernière, je vous la relis. T'es comme une drogue pour moi, je sais pas quoi. J'ai commencé à toyer au moment où tu m'as obligé à te désirer. Ah, ça c'est sûr, c'est dans le film. Ouais. Oui, c'est dans le film. Et la première aussi, c'est la première est inventée. La première est inventée. Moi je dis que c'est la première qui est inventée. La deuxième. La première. Première. Non, moi deuxième. Allez, Antoine aussi, je crois. Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? T'es la deuxième ou pas? La deuxième, tu veux dire qu'elle est fausse? C'est la deuxième. Ouais, la deuxième est fausse. Bah c'est la première que j'ai inventée. Putain. Ça se voyait, tu l'avais écrite. C'est magnifique. Franchement, ouais, écrit une partie de ça que j'en ai plus depuis longtemps. Mais par contre, le contexte de l'héroïne, c'est arrivé quand? Je sais pas, c'est dans le 1. Ah, t'as pas pris dans. J'ai dit la saga parce que. Oui, pas de soucis, d'accord. Alors, je passe à la. Non, mais c'est pas fini, j'ai encore un truc de réplique. Ah, bah bien sûr. Il y en a deux du film. Et une d'un truc de cul. Ok. À ton tour de ne pas me briser. J'ai écouté mon cœur, résultat, j'ai mal aux fesses et à l'âme. Et enfin, il est du genre à aller au fond des choses. Non, la dernière. La troisième. Non, non. Non, la deuxième. La troisième, j'ai mal aux fesses. Non, moi je dis que la première inventée. La première, c'est quoi? La deuxième, c'est du cul, c'est tout. Il y en a deux qui sont dans le film. Ouais, mais la première, c'est quoi? Et une qui n'est pas dans le truc. La première, c'est quoi? La première, c'est à ton tour de ne pas me briser. Non, mais ça c'est un film. La première vient du site de cul. La première vient du site de cul, moi je dis. La dernière. Non, c'est la deuxième. La deuxième. J'ai voulu t'écouter, résultat, j'ai mal aux fesses, qu'est-ce que tu essaies de la chercher? La deuxième, vas-y. Bah, je sais pas, parce que je sais qu'il est joueur. Ouais, il est joueur. Non, mais en vrai, ça peut être une réplique à la con, vas-y, tu dis quoi? La première, elle est d'un film de cul. La deuxième, elle est de Twilight. Et la troisième aussi. Parce qu'il y en a deux de Twilight. C'est ça. Moi je dis la troisième. La première vient d'un film de cul et toi tu dis quoi? La troisième. La okay. Première c'est celle où tu m'as démonté les fesses. Là. Ouais, c'est le film de cul. Moi je dirais la troisième. Et la celle qui vient de. C'est quand nuance de gré. C'est j'ai écouté mon cœur, résultat j'ai mal aux fesses et à la. Ah putain. Et bien sûr. Mais mal aux fesses, qu'est-ce que tu fais? Mais mec, on sait jamais. Franchement, j'ai gagné, voilà quoi. Parce que c'est pour des enfants. Les versions qui est ma on sait pas. Les mêmes collégiennes qui vont voir Twilight, elles vont voir 50 nuances de gris aujourd'hui. Non, mais faut arrêter. Oui, bah voilà, parce que les enfants, ils ont grandi, ils ont dit ça avant. Faut arrêter. Non, mais arrête, Julien adore. J'ai mal aux fesses, qu'est-ce que tu fais? Moi, quand j'ai vu, j'ai mal aux fesses, c'est à l'âme, je fais. Bah, parfait. Ça aurait pu. Bon, on peut pas me briser, ça me fait rire. Est-ce qu'on passe à ta chronique maintenant? Ah, c'est la chronique, c'est le jeu des anecdotes. Pas comme les maladies. Putain, l'antidote. Maladie chronique. Ah ok. Bah, t'as même pas compris toi. Donc, l'anecdote, antidote, j'ai fait, c'est un jeu de mots de merde et non. Bon bah c'est quand vous voulez hein. On se partit pour les anecdotes. C'est parti. Allez, générique. Écoute celle-là. Tu savais que Miley Cyrus, elle avait assuré son utérus pour 200 000 $? Pfff. Ça va être encore sur Twitter, sur tes comptes le saviez-vous à la con là. T'es fou, c'est trop bien les comptes le saviez-vous. On apprend plein de trucs, regarde par exemple, tu savais qu'on pense à une banane environ 6 fois par heure? Alors, c'est un jeu un peu, vous avez deviné que Xavier Dolan. Alors je vous explique, je vais vous citer des anecdotes autour d'un gars qui s'appelle Xavier, et en fait le nom de famille Dolan, ça sera un jeu de mots. Vas-y. C'est très clair. Vous avez pas un bruit ici? Bah, ça sera un jeu de mots. Je vais décrire une anecdote sur un Xavier. Et en fait, ça sera un jeu de mots sur le nom d'Olan. Ok, d'accord. Donc, je vous en fais un simple. Dans sa jeunesse, Xavier est parti à la place de son père combattre les Huns avec un dragon et un cricket. Ah, bah, c'est dans Mulan. Parce que donc c'est qui? Xavier Mulan. C'est Xavier Mulan. D'accord. Ok. Ok, putain. C'est une anecdote sur Xavier Mulan. D'accord, ok, okay, super. Super. Les gens. Voilà. C'est pour ça que ça comprend. Et là, c'est drôle. Attends, mais c'est pas une anecdote sur Xavier Mulan, il est pas là. Bah, si. Un gars qui s'appelle Xavier Mulan, il est parti combattre dans sa chaîne. C'est vrai. À la place de son père, ouais. T'en abrutis, en fait. C'est un jeu de mots, c'est juste qu'il y a du coup. Je vais raconter une anecdote sur un Xavier. Mais oui, mais justement, mais oui, je donne un petit peu de grain d'ailleurs, au jeu. Est-ce que Xavier Bolan travaille dans le cinéma? Alors, ne faites pas de jeu de mots. Parce que c'est pas le sien. Il travaille chez Veolia, j'ai regardé sur Facebook. Après, Jim Rohn n'était pas acteur. Ouais, voilà. Alors, vas-y, je vous en fais un. Alors, Xavier, pour son stage de 3ème, il est devenu barbare, cherchant à venger la mort de ses parents tués par une secte qui kiffe les serpents. Pourquoi j'ai pas la ref? Ah, il faut l'avoir. Si. Soit faire et peut-être qu'il ressemble un petit peu à Schwarzenegger. Pensez à un truc qui est... Schwarzenegger Predator? Non. Il faut qu'il y ait un jeu de mots avec Dolan. Ah, c'est pas genre. Vas-y, répète. Invisible Man. Vas-y, répète. C'est un barbare. Hein. Ah Conan. Le barbare. Xavier Conan. Xavier Conan. Conan. Et toi, t'as toujours pas compris. Je préfère dire les trucs avec Xavier. Alors. Et c'est pas facile. Hein. Là, c'est chaud de ouf. Hein. Alors, j'ai une anecdote sur un Xavier, là, je vous dis ça comme ça. Hein. Et vous pouvez jouer aussi, Fio. Jouer comme ça. Jouer chez vous, chez les comme ça. Vous pouvez gagner un dictionnaire. Je disais comme ça, je trouvais sur internet. Alors, c'est Xavier, il aurait fait un gosse avec une meuf qui kiffait son propre frère à la base, mais maintenant il a quelques problèmes relationnels avec son fils et il a un animal de compagnie un petit peu envahissant. Et c'est peut-être dans l'espace aussi. Ah, mais c'est pas Star Wars avec Chewbacca? Ouais, du coup. Bah, je sais pas avec Xavier Chewbacca. J'ai dit, il aurait fait un gosse avec une meuf qui kiffait son propre frère à la base, mais maintenant il a quelques problèmes relationnels avec son fils. Ah, c'est Xavier Anne. Ah non, oui! Comme Han Solo. Du coup, ça donne Xavier Han Solo. Xavier Han Solo. Non. Xavier Solan. Xavier Solan. Non. MC Solan. Non. Xavier Dolan, et du coup, il y a un mot après, forcément. Xavier Dolan Solo. Et voilà. Dolan. Ah putain! Tout à l'heure, je dis, je suis en mode, putain, ça a pas déjà été dit. Alors, j'ai une anecdote que j'ai trouvée comme ça. j'ai cherché sur le net. Alors, il y a un gars qui s'appelle Xavier. En fait, juste la fin du monde, à la base, ça va être un film apocalyptique avec une musique de Hans Zimmer et avec un scénario hyper déconstruit avec plusieurs timelines et pourquoi pas il fout Batman au milieu. Oula. Xavier Batman. Non. C'est un film de Nolan. Du coup. Xavier Nolan. Mais oui. Mais oui. Oh là là. C'est trop. C'est immonde. Moi ça me plaît, moi j'aime bien les jeux de mots, ils sont frais. Vas-y. Alors j'ai trouvé ça comme ça. Ouais. Xavier, il aurait tourné dans un film qui est basé sur un conte de Charles Perrault de 1694. Et dans le film, il y a Catherine Deneuve et c'est réalisé par Jacques Demy. Xavier Podane. Oui, oh oui. Il y a un mec qui s'appelle Xavier Podane. Oui, mais oui. Oh, t'es sûr qu'il y avait que du tabac? Ouais, ouais. C'est coupé, hein. Bon, je vais pas me faire que des amis, mais bon, je l'ai trouvé sur le net, donc c'est pas moi. Xavier Whitman. Non. Il a écrit un gros spectacle de merde sur une meuf qui est pas drôle. Bah, citer des comiques féminins pas drôles, peut-être que vous allez trouver. Anne Romanoff. Du coup, Xavier Romanoff. Xavier Anne. Oh putain, c'est pas dur, hein, vraiment. Xavier Romanoff. Putain, merci. Oh putain, j'ai oublié la blague en fait. Xavier Anne Romanoff. Bah non, du coup. Bah, Xavier Dolan Romanoff. Bien sûr. Je suis très content. C'est la 5ème, j'ai pas compris. Il y a une règle. J'ai compris, mais là, le fait de le faire, ça me. Bah, allez, vas-y, la prochaine, on est bon. Il n'y en a plus, c'est la dernière. Bon, celui-là, vous allez devoir chercher sur internet. Vas-y. Bon, j'ai trouvé un truc comme ça, mais. Enfin, vous me dites voilà, ce que vous en pensez. Il était maire de Paris de 2001 à 2014. Putain. Bah, chercher sur internet, toi, ça t'es un mort. Mais si, le maire PS. Mais c'est un joueur de foot, je crois. Oui. Xavier Delanoë. Oui. Bertrand Delanoë, putain. Marqué Xavier Bertrand Delanoë. Parce que c'est Xavier Bertrand Delanoë. Alors, un milliard de blagues. Toi, t'as bien suivi les cours. Hein. Attention, celui-là qu'il trouve. Celui qu'il trouve. Celui-là. Franchement, il est fort. Il y avait Xavier Dolaninalou. Dolaninalou. Je vais pas faire tous les prénoms avec. Ah non, du coup. Je préfère le contenter à Nourmanov. Ah, mais toi, tu regardes quoi, salope. Non, je suis pas en train de regarder. Alors, c'est bon, j'ai trouvé. Hein, c'est mais, comme ça. J'étais sur les trivias. Ouais, voilà. Y a un Xavier, il a réalisé un drame social sur un vieux monsieur que personne ne calcule tout au long de l'année. Sauf un jour. Il est totalement en marge de la société, tu vois. Il élève des gibiers. Et il y a personne qui a jamais cru en lui, tu vois. Alors qu'il se démène pour rendre les gens plus heureux au quotidien. Xavier Père Noël. Père de la Noël. Oui. Il est chaud maintenant. Le Père Noël, il élève du gibier. Bah les rennes. Bah les rennes, c'est du gibier. Mais on le mange, c'est du gibier. Bah les gibiers, c'est tout ce qui est lapin. Les enfants qui écoutent le podcast. Gibier, c'est pareil. Et c'est la maison, c'est pareil. Xavier Gibier. En fait, je suis bouché donc. Et je crois qu'il m'en reste un. Les vegans en sueur. Hein. Tu l'as trouvé sur internet celui-là aussi? Celui-là, je l'ai trouvé. T'es quoi, tu faisais avec Xavier? T'as regardé tout ce qui sortait? Non, j'ai créé deux jeux de mots en fait. Il y a toujours pas de. C'est pas les deux gens ces gens-là. C'est un truc. Handicap mental, j'en ai marre. Mais t'es vraiment bête, hein. C'est de nature. Hein. T'as dit, c'est des anecdotes sur les Xavier. Oh, l'enculé, Xavier! Oh, l'enculé, putain, j'en ai marre. Lui, s'il se touche la queue quand il me. Demain, je commence à 7h. C'est bien, t'as. Pour l'instant. Il est 1h. 6h de soirée. Et enfin, bon, allez, c'est le dernier. Non, je l'ai trouvé, hein. Je l'ai trouvé sur internet. Vous m'en dites ce que vous voulez. Il aurait le visage de Dumbledore sur le bras gauche. C'est un Xavier, je trouvais ça. Comme ça? Ouais, je trouvais comme ça. Du coup, c'est un vrai Xavier. Peut-être un vrai Xavier. Xavier de Harry Potter. Non. C'est peut-être pas un jeu de mots aussi. Ah. Ouais, je vous Charles dis. Xavier. Non. Oh merde. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait l'âge de Dumbledore sur parce que c'est. Les mêmes vieux. Attractivante. Voilà, bien avec Ian McKellen qui a. Ouais, qui lui a failli jouer. Bah non, en fait, c'était vraiment Xavier Dolan. Il a vraiment le. Dumbledore sur le bras gauche. C'est vraiment un con. Non, on le déteste. Et sachant que là, c'est pas de là que je déteste. Hein, et là, sachant il a tourné un film avec Michael Gambon, du coup. Le mec qui fait Dumbledore. Il a dit, au bout, il y a peut-être. Il doit avoir un petit malaise. J'ai quand même votre gueule sur le bras, quoi. Donc, Putain, mais le mec a dit, il est pédé, moi aussi. Attends, mais est-ce que je. C'est fou, enfin, c'est genre, Dumbledore qui est pédé, c'est Dumbledore, oui, mais l'acteur est pas, l'acteur je l'ai pas. Il est, c'est pas, genre, c'est Dumbledore oui, mais c'est en plus, ou c'est juste l'acteur. Ouais, je crois que c'est, bah, je peux chercher, mais je crois que c'était plus Dumbledore, parce que lui, il a doublé Harry Potter, ouais. Et il a doublé Ron Weasley. C'est un taré. Bon, il est un peu flippant. Si tu ne viens pas la semaine prochaine. Bah déjà, tu vas cuter la moitié de ses interventions. Moi, il y a un, à la mairie, bon, c'est bon, là, c'est pas là. À la mairie, il y a un mec, sur son bras, là, il a un écran de Mario Bros. Tatoué, mais genre même avec le fond bleu et tout. C'est avec Dumbledore en dessous. Là, c'était le dernier. Là, c'était. Ok. C'est pas beau. Ok, très bien. C'est dégueulasse. C'est pas beau. C'est dégueulasse, c'est aussi. Hein. Du coup, la chronique est terminée. Est-ce qu'on passerait pas à qui c'est le meilleur? Ben non, ah, d'abord, on a la chronique surprise. On a la chronique surprise, attention. La carte blanche, la carte blanche. Kylian qui revient à se coucher. Ok, on va partir. Est-ce qu'on aurait pas terminé là? Vous avez plus d'un mois là. Moi, je vais vous expliquer vite fait. Ma chronique, en fait, c'est quelque chose d'assez spécial qui va déterminer, qui va changer un peu la forme du podcast sur la fin. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Xavier Dolan là, aime particulièrement intégrer à ses films les hommes des musiques qui sont pas non, des musiques produites indépendamment de ses films, okay. Genre populaires ou non, afin d'ajouter ou d'amplifier le mimétisme des ambiances, je lis ce que j'ai écrit. Ouais, je m'autosus. Ou de culture de la. Non, d'ambiance ou de culture de la vie réelle propre à tous ces films. Ouais. Voilà. C'est logique, c'est comme ouais, c'est dans Mommy ou ce genre de choses. Ça fait partie du processus, en plus du documentaire dans ouais. Forme documentaire. Voilà. Cela lui permet, par le biais de notre mémoire auditive, de nous plonger dans les émotions. Je fais un truc tout ça pour un petit jeu, tu sais. De nous plonger dans les émotions. C'est compliqué de ressentir. Non, putain, je vais le tuer. Non, compliqué de ressentir ces personnages si proches de nous. Ouais. Ainsi, pour rendre hommage à son cinéma très musical, on va faire un petit blind test assez spécial. Ah. Et du coup. Shazam, oui, faut que ce soit festif. Faut que ce soit festif. Shazam. On adore la fête. Et du coup, les gars. C'est, du coup, c'est pas vraiment un blind test genre en tant que tel. En gros, faut trouver le film en rapport avec la chanson. En gros, je vais vous donner, je vais vous faire écouter des extraits de musique et vous allez me dire dans quel film. Enfin, d'abord, vous allez me citer un film dans lequel il est apparu, ça fait un point. Si vous me dites le titre de la musique et l'interprète, ça fait un deuxième point. Et si vous me dites un autre film dans lequel il est apparu, ça fait trois points. Ok. En gros, à chaque truc, tu gagnes un point. Ok, je vois. Voilà, vous pouvez gagner 3 points max. Et c'est facile de remonter du coup. Donc, d'emblée, vous avez compris du coup. On a compris. Vous avez compris les règles. Il est génial. Le premier qui me donne le meilleur titre pour cette rubrique. Parce le que meilleur j'ai titre ouais, pour cette une chanson. Non, pour cette rubrique, gagne un point parce que j'ai pas eu d'inspiration pour le titre. Ah là maintenant, personne. Blind test. Ok, bah Non, Kiki. Non. Kiki a la bonne musique. Ouais. Kiki, c'est la bonne musique. Kiki, c'est le meilleur Shazam. Kiki, c'est le meilleur Shazam. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Kiki, c'est le meilleur Shazam. Non, mais faut trouver un truc, on peut faire un jingle derrière. Où est-ce que je l'ai entendu ou un truc Ah. Là. Sur le sandwich, Shazam ou Pavo. Comme les graines de sésame ont les graines de pavot en fait. Et ça vous êtes pas forcément faire un jingle là, voilà. Hein. Bon bah du coup c'est parti pour Shazam ou pavot. C'est parti pour Shazam ou pavot. C'est parti Shazam ou pavot. Du sésame, la noirceur du pavot. Là, on va faire juste. Xavier Dolan, il a réalisé 8 films en tout avec Mathias et Maxime. 8 d'autres plus 2 clips. Il a fait Hello et le truc pour Indochine. Du coup, j'ai fait 8 chansons et 2 chansons bonus pour les 2 clips. Du coup, on sait déjà les chansons. Non, vous savez pas les chansons parce qu'en gros, j'ai fait 2 clips juste deux chansons bonus. Ok, pardon. Voilà. Ambiance musicale. Donc, je vous fais écouter la première et ça va être un peu en guise de test. C'est facile. Donc, Bohemian Rhapsody. J'ai dit Queen. Moi, j'ai dit Queen. En premier, faut donner le nom d'un film. Ah bah, Attendez. Il y a l'extrait audio. Mec, on sait tout ce que j'ai pensé en premier. Il y a l'extra audio et ensuite je vous la jouer. Ok. Suicide Squad. Alors c'est, lui il a commencé avec la musique qui est tournée. Moi j'ai Bohemian Rhapsody. Non mais je l'ai commencé. Suicide Squad, Bohemian Rhapsody, Queen. Non mais je l'ai dit avant. Ferme ta gueule, ça avait pas commencé. Suicide Squad. Bohemian Rhapsody. Queen. T'as dit Suicide Squad en premier? Non, j'ai pas dit Suicide Squad. Le but c'est que tu dis le titre du film dans lequel tu as entendu. Ensuite, si t'as réussi à ça, t'as accès à dire le. Mais pourquoi est-ce que c'est lui qui aurait la main? Il a dit Suicide Squad. Il a pas dit Suicide Squad du coup. Moi j'ai dit Bohemian Rhapsody. Bah allez vous faire foutre. Moi j'ai dit. Bah ça vaut. Nous deux en même temps? Bah non, on fait les équipes. On fait les équipes. Ah ok, bah nous on a choisi Bohemian Rhapsody. De toute façon on a dit Suicide Squad avant. Ouais. Ok donc. C'est bon, vous avez compris? C'est d'abord le titre du film. Et après, ça nous donne le droit à dire l'interprète. Voilà, c'est ça. Okay. Et ensuite, à la fin. Mais pas forcément Dolan. Ah non, c'est pas forcément Dolan. Ah bah là, okay. Toi, c'est une carte blanche. Voilà, c'est vraiment la carte blanche. Mmh, t'as raison. Mais du coup, en rapport avec l'univers musical. Ok. Donc, vas-y, t'as dit. C'est Squad. D'accord. L'interprète. Queen. La musique, c'est. Bohemian Rhapsody. Et est-ce que t'as un autre film dans lequel il apparaît? C'est facile. Pas le nom de la musique par exemple. Oh là là. J'ai pris une des plus simples. Le nom de la musique par exemple. Oh ouais. Par exemple Bohemian Rhapsody. Ouais. Ah ouais, le film. Ouais. Allez. Bon, ma chef, fallait pas le dire. Bah ouais. 2-1 pour nous, non? Sérieux, ouais, 2-1. Ça va. Je pense que vous pouvez aller niquer vos mères, non? Ouais, parce que vous n'aviez pas la main. Donc vous chuchotez, c'est votre problème. Je pense que j'y arriverai comme ça. Vous chuchotez, c'est votre problème. Par contre, juste. C'est comme un burger quiz, faut pas dire. Ouais, voilà, sinon t'es baisé. Sinon, juste. Ok, dans quoi d'autre sinon? Dans Wayne's World. Ah, c'est putain la meilleure scène en plus. Et vous avez le droit aussi de mettre des films dans lesquels ils ont été repris. Ouais, mais ça, hein. C'est pas forcément un bon film du coup. Voilà, mais Wayne's World, c'est un bon film. Ouais, bien sûr. Film, hein. Bah, dans Suicide Squad. Incontestable. Dans Suicide Squad, c'est pas la version de Queen, c'est la version de Panic! At the Disco. Voilà, on a droit de prendre. Non, mais voilà, après, voilà. Dans quoi? C'est la. Bah, dans Suicide Squad, c'est pas les reprises, on a droit aux reprises. Pardon, excusez-moi, les gars. Bon, et on. Panic! At the Disco qu'on a repris? Ouais, c'est horrible. Ça doit être nul à chier, non? Ouais. Putain, mais il vient se tripoter les seins. Bah mais du coup c'est parti pour la deuxième musique. C'est bon, vous êtes prêts? Life on Mars de David Bowie. Oui non mais t'en as Gucci maintenant. Non, la série là, la série avec le gars de Sherlock là, ça marche pas. Bah allez, pour faire un film. Non, Valérian, ouais, Valérian, ouais. Machin. Putain, mais bien joué, on ça marche pour Valérian. Bravo. Du coup, on se film avec le titre et l'interprète. Bah, c'est David Bowie. David Bowie. Il a quand même dit Life on Mars. Space Oddity. Oui, toi, t'es une merde. Par contre, t'es une sacrée merde. Space Oddity, David Bowie. Et du coup, un autre film où vous l'avez vu? Je sais pas, est-ce qu'il serait pas dans First Man, non? Non. Non. Il y a vraiment. Mais lui, il y a moi qui l'ai vu. Et toi aussi, il y a moi que tu l'as. Bah, toi aussi, en fait, il y a moi que tu l'as vu, et toi, je sais pas. Ah ouais, mais mec, je sais pas. Hein. C'est un film réalisé par. Putain, j'ai oublié son nom. Ah bah là, on est pas sorti de la merde. Ben Stiller. Oula. Walter Mitty. Ouais, Walter Mitty. Ouais. Putain, ouais, c'est vrai. Putain, je me suis absolument pas clé dans celui-là. Ouais, ouais, tu vous aides. Donc ça vous fait 5-0. Bande de merde. Début de petit. C'est bon, vous êtes prêts? Ouais. Attends, mais en plus, moi j'ai un point en plus, hein. Parce que j'ai trouvé le nom de l'émission. Oui, ça vous fait 5-0. Ah, tu as compté? Ok, ça. Ah oui, plus. Ah, vous savez 6. Eh oui, ça fait 6. Les gars, vous pouvez toujours vous rattraper. Je pense entre toi. Faire 3 points. Ok, c'est bon, vous êtes prêts? On va dire des conneries. Pense film. Attention. Shazam ou pas vous? Baby Driver. Oh, c'est court. Ouais. Ah, y'a pas dans Blue Velvet? Il est pas dans Orléans? Pardon, oh bon, c'est pas. Non, oui. Blue Velvet, t'es sûr? Je suis certain. Tu peux vérifier si tu veux. Mais vas-y. Bah, par contre, tu connais ni le titre ni le personnage. Ça va être Mister Sandman. Non. Oh, mec, tu vois bien qu'on voit pas là. Attends, on va faire trouver ici. Hein. Ça peut être dans une comédie musicale tout ça. Je vais mettre un gong. Donc je vais vous donner des indices. On peut dire le titre, le film ou quoi, n'importe il quoi. Est présent dans la salle. Film. Il est présent dans la salle. Un des films est présent dans la salle. Dans ce qu'on a fait ou... Non, non, dans la salle. Ok. Genre la salle. Non, non, mais c'est ultra simple en plus. Table, chaise, tabouret. 50 nuances degrés. Ouais. Non. Le complot de la Jamaïque. C'est impossible. Marshall, micro. Machin. Il y a dedans, il y a un gars qui a la Parkinson. Il y a une ligne verte ici. Non, oh, il y a pas de Parkinson. Non, mais l'acteur. Ah, Retour vers le futur, putain, c'est mon t-shirt. Non. Ah bon? Mais dans quelle scène? Dans lequel déjà? Non, mais c'est Michael D. Fox qui a Parkinson dans la vraie vie par contre. Bah, non, mais pas Parkinson, dans lequel? Il est dans le film. Oui, il est dans le film. Dans le premier? Bah oui, il est dans le premier. Ah ouais? Il y a Mr. Sandman. Voilà. Ah, du coup, il nous a donné la réponse. Ah, Mr. Sandman. Oui, des Chardettes. Ça, je savais pas. Voilà. Bah, par contre, lui, il avait dit Mr. Sandman. Donc, on a quoi? 2? 2 moins 1 vu qu'on l'a pas trouvé, non? Non, non, vous avez toujours 5. Enfin, 6. Non, 6. Ah, mais là, tu donnes des indices, on peut trouver. Sinon, ça sert plus à rien de jouer. Juste, on enlève un point, non? Là, un point pour le retour vers le futur. Ouais, voilà, on enlève juste un point. Là, tu donnes des indices, on est tous. Ouais, on a au moins trouvé Mr. Sandman. Donc, vous avez un point. En plus, donc ça vous fait. Donc, 7. Vous êtes prêts pour la suite ou pas? Pour les deux aussi. Alors, normalement, c'est un film que vous avez presque tous vu. Putain, je vais vous donner d'autres trucs. Il est dans Deadpool. De quoi la chanson d'avant, la chanson d'avant, c'est taré, tu viens de la chanson d'avant, c'est vrai qu'elle Sandman, il est dans Halloween, Retour vers le futur, il est dans Deadpool et il est dans Mister Nobody si vous l'avez vu. OK. Je l'ai vu ouais mais ça c'est le genre de musique oubliable. Hein. Mais on la voit partout, j'ai l'impression. Ouais, c'est la typique musique d'ascenseur. Bon, alors celle-là normalement c'est bon. Iron Man. 1, 2 ou 3, je dis les 3. 3. Oui, ça c'est Iron Man 3. Ouais. Du coup, l'interprète c'est Eiffel 65. Oui. Et I'm Blue. I'm Blue. Okay. Et entre parenthèses de Body de Buddha. C'est ça. J'adore cette chanson. Et du coup, au niveau de l'auteur, on est un peu dingue. Dans l'auteur. Et là, c'est vraiment. Bah, il a dit Eiffel. Vraiment le jeu de la. Non, mais un autre film. Ah. Oh, mais c'est pas possible. Il est pas dans Deadpool ou quoi, un truc à la con. Non, elle est dans un Dolan. C'est un indice. Sans déconner, sérieux. Elle est dans le Dolan le plus connu d'ailleurs. Mommy. Mommy. Bah du coup. Il fait. Il dit oui parce que elle est dans la scène où en gros t'as le gosse, la fin l'ado qui fait chier sa voisine, tu sais qu'il le garde. Mais au début, qui connaît. J'aurais jamais dit l'interprète. Quand il est pas encore pote avec elle et qu'il essaie de la pousser à bout. Ah ouais. Genre il fait, elle fait non moi j'accepte pas ça et tout, tu sais, il continue de la faire chier et tout. Ok, d'accord. Cool. Ok, bon la prochaine normalement. Du coup il y a combien là? Là du coup il y a on a gagné 3 points. Vous avez gagné 2 points. Bah pourquoi il a dit qu'il avait absolument gagné 2 points et eux ils ont gagné 1 point. T'as pas dit qu'il y avait 1 point pour le titre et 1 point pour l'interprète? Non, ça fait 2 points. C'est les deux en fait. Oui, mais on a trouvé le film. Ah mais on a le film. Film, interprète et chanson. Non, ça fait 2 points. Interprète et chanson, ça fait 2 points. Oui, voilà, c'est ça. Ah, nique sa mère. Donc, ça va, 8 ans, c'est bon. Ça vous fait 8 et vous, ça vous fait 1. 1 du coup. Pour mon ami, 8 ans. Putain, bah on va revenir. Là, je voulais chercher. C'est dans Pattaya. Ah, c'est pas dans Tueur, machin, là, le film avec Caris. Cherche bien. Ça te dit quelque chose? Oui, non, le... Ah, dans le monde est à toi? Ouais. Ah, putain, je me rappelle. Ah, je me rappelle, j'avais trop kiffé. Il met du panel, quoi. Bon, donc, du coup. Pour qui? Pour Roméo. Bon, ouais. Oui, donc elle est bien dans Le Monde est à toi, du coup, c'est la chanson. Bah, c'est PNL, déjà l'interprète. Ouais. Le Monde est à toi, c'est ça. Et donc, j'ai plus le nom. Hein, du... Ça s'appellerait pas Le Monde est à toi. C'est pas Mowgli. Je vous la laisse un peu encore, je vous la laisse encore pour le plaisir. Roméo. Putain, mais c'est déconnant. Généralement PNL, ouais, il faut que je suis loin. VC. Ouais, allô, genre. Ça va arriver, ce refrain. Petit frère par l'école. Dans ma bulle. Ouais. Dans ma bulle. La bulle. Ma bulle. Bulle. Je suis dans ma bulle. De toute façon, vous avez perdu le point là. Oui, bah oui, mais bon, c'est quoi dit le nous alors. C'est Le Monde ou rien. Ah, bah oui, carrément. Ok. Le Monde ou rien. Et un autre film. Du coup, c'est pas, du coup c'est pas dans le titre. Et enfin, c'est pas dans le titre. Ouais, ouais. Donc ça, ça ne fait qu'un point. Mais c'est pas dans d'autres films. Pour l'équipe rouge, non. 9 à 1. C'est la merde. 9 à 1. En même temps, c'est dur, tu mets des musiques vraiment dures. Ah ben le but c'est ça en fait, c'est que le jeu soit pas simple. J'ai mis des musiques simples. Il y en a des musiques simples mais qui se trouvent dans zéro film. Bohemian Rhapsody, Space Oddity. Bah oui, la première. Space Oddity elle est aussi dans la vie aquatique là. Tu sais, de Wes Anderson. Ouais bah non, pas vu. Mr. Sandman elle est dans plein de films, je vous l'ai dit. Mais oui, mais c'est des musiques que tu retiens pas genre. Ah ben quand même. Mr. Sandman genre. Non non, mais c'est pas ça. Genre Le Monde ou rien, dans Le Monde est à toi, tu la retiens quoi. Ah bah non, ça j'ai eu. Ah bah ça moi j'ai pas eu donc Sandman non plus. Allez, c'est parti, musique suivante, vous connaissez tous très bien le groupe, je pense. Donc c'est Simon Garfunkel mais non, attends, le film. Ah merde, quel point. Oh mais là il y a dans tous les montages C'est obligé, c'est dans un dernier bug. Django Unchained. Il y a plein de films que non, il y a Django Unchained. T'as entendu rien ou pas? Ah, mais y'a un film qui s'appelle Mrs. Robinson en plus, non? Y'a pas un film qui s'appelle comme ça? Non. Je suis sûr que ça fait un truc avec ton nom. Mais c'est facile parce que. Le majordome? Non. Forrest Gump? Oui, ah, putain, ouais, c'était chiant. Ça sentait le Tom Hanks, ça pue, genre. Bravo, bravo. Donc c'est. Le groupe c'est. Bah, il dit. Simon et Garfunkel. Oui, la chanson? Mrs. Robinson. D'accord, donc ça vous fait 2 points. Et un autre film, si vous pouvez trouver. Un autre film avec Tom, genre. La ligne verte. Non. Oh, la personne. Le black qui est en train de faire cramer le cerveau. Lucas, hey, la c'est toi, putain. Quand il écrase le rat et tout. C'est horrible, putain. Je déteste pas. C'est horrible. Il y a des mots qui pensent sur la gueule. Il est en train de serrer parce qu'il ferme, mais vraiment, tout à l'heure, il est en ah. Non, donc, j'ai pas un autre film dans lequel. Alors, je vais vous donner un indice. Simon et Garfunkel ont fait la BO de ce film. D'ailleurs, merci Ryan. La chanson la plus connue de Simon et Garfunkel est aussi dans ce film. Elle a été faite pour ce film. Ah, The Sound of Silence. Ouais, c'est ça, The Sound of Silence. Elle est dans Silence. The Sound of Silence. Non, non. C'était fait pour ce film. Elle a été, la BO a été faite pour ce film, ouais. Et du coup. The Sound of Silence, elle est faite pour le film. Oui, c'est pour Watchmen. Non. Enfin, c'est dans Watchmen. C'est dans Watchmen aussi, mais oui, c'est pas cette chanson qui est dans Watchmen. Dommage. Où est-ce qu'il y a une chanson qui parle d'un vieil ami un peu perdu, un peu triste, peut-être. C'est une intro de film. Watchmen. C'est une intro de film. C'est une intro de film d'ailleurs que qu'a repris Tarantino dans Jackie Brown. Watchmen. Là, je viens d'être en train de dire où là. Donc dans l'aéroport. C'est avant l'aéroport. C'est quand elle est dans l'aéroport. Du coup, c'est Tom Hanks qui est coincé dans l'aéroport. Là, comment ça s'appelle ce film ? Putain, quel enfer ce jeu. Mais du coup, ouais, voilà. Est-ce que vous voulez que je vous le donne ? Oui. Vas-y. Donne-moi tout. C'est le lauréat. Ça a été fait pour. Ça a été fait pour. C'est Simon et Garfunkel qui ont fait la BO. C'est quand même incroyable parce que c'est un tube planétaire. Ah oui, c'est un tube. Du coup, ça s'est devenu un album. Mais oui, Mrs. Robinson, c'est pour ça. Et oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je t'ai dit, il n'y avait pas un film qui s'appelle Mrs. Robinson parce que je pensais au lauréat. C'est la meuf qui veut le baiser. Oui, voilà, parce qu'elle est fille. Veut baiser. Non, mais c'est elle qui veut le baiser parce qu'elle a 50 ans, il en a 18, c'est horrible. Et si vous voulez savoir aussi, c'est dans American Pie et c'est dans le Loup de Wall Street. Et dans Wayne's World 2. Bah, tu vois, ça m'étonne pas. American Pie, ça doit être pareil, un montage genre il travaille. Genre, il y a un travelling quelque part, on sait ce qui se passe. Il y a un travelling. Bah, là, il y a écrit American Pie dans un passage mettant en scène un jeune homme, Paul. Post-caca Finch, une femme plus âgée, la mère de Stifler. La mère de Stifler, maman de Stifler. Comme dans la scène originale du lauréat. Oui, ouais, du coup, ça a grosse référence. Et il y a une reprise de Lemonhead du coup, dans Loup de Wall Street. Ok, ok. Voilà. Du coup, c'est parti pour. Oh la somme. Du coup, ça vous fait. Voilà, c'était pour le faire rien. Deux points plus, vous avez 10. Bah non, on avait 9. Bah du coup ça vous fait 11. Bon, 11 à 1, ouais. On a pas Lucas. Elle est gagnée Pocagne, hein. C'est plus compliqué. Tu perds de combien, Lucas? Vas-y, on le point. 10 points d'avance, c'est beaucoup. Hein. Ouais, moi je bon, basket, on appelle ça une tournée. J'ai vraiment la merde de perdre. Je crois que c'est une leçon de cinéma. Putain, on adore le Zikos. Les suivantes, ça va. Mais toujours, tu dis ça va et jamais on trouve. Non, la prochaine, c'est pour Lucas. Si franchement il a pas. Lucas, je vais Rolling Stone. Ne me mets pas du tout la pression, c'est cool. C'est parti. Ouais, donc c'est Ozone. Ouais, c'est Ozone. Ne le dis pas maintenant. Ah, mais oui, le groupe c'est Ozone, mais. Ah, c'est pas dans Very Bad Trip, genre ? Dans Brise de Nice. Oui. Dans Brise de Nice. Dis-le une quatrième fois. Dans Brise de Nice. Brise de Nice 2. C'est un Dolan. Il existe pas. Brise de Nice 3. Ah, oui, c'est vrai, il a cassé le 2. Est-ce que ce serait pas. Ah mais non, non c'est pas dans. Il est dans les amours imaginaires. Ah ouais. Tom machin là. Non c'est pas Tom à la ferme. Ah il est pas dans. John F. Donovan. John F. Donovan. Non mais moi je parle pas de Donovan justement mais dans 120 BPM il y est pas. Non. Je vais vous donner un indice. Dans la scène c'est un souvenir et en gros c'est une meuf qui étend une nappe pour un pique-nique. Dans Mommy. C'est dommage mais je sais pas vu. Tom à la ferme. Non, je l'ai dit. J'enlève parce que sinon ça va être un faire tenter. Non, moi je kiffe la remettre. Tu es mon père, ma mère. Ouais, je suis ma mère. Non, vous lancez votre langue au chat ou oui, partir. On lance. Sinon il a fait 8 films, hein, ça va aller très vite. Hein. Ouais. Elle apparaît dans Juste la fin du monde. Mais je l'ai dit, fils de pute. Non, tu l'as pas dit. Je l'ai dit, on reprend le micro. On reprend le micro, on est qui ? Non, reprend. Julien, la tête de ma mère. Tu l'as pas dit. Je vous jure, mec, je te jure, écoute juste les 5 minutes d'avant. Je te jure, la tête de ma mère que j'ai dit la fin du monde. Les auditeurs. J'envoie une photo de bite à ma daronne si je l'ai pas dit. Ah bah c'est noté. Par pitié, écoute. Au montage, au montage, je ferai une reprise. Non, non, écoute maintenant. Non, non, non, non, non, non, non, non, on n'a pas le temps, les gars. On va mettre ça sur YouTube. Je m'engage, au montage. Si Antoine l'a dit, je fais au montage un aparté, tu sais, un aparté où je dis que leur équipe a gagné. Alors, voici l'aparté. Leur équipe a bien gagné, voilà. Au revoir. Tu ne l'as pas dit, on va mettre ta bite sur YouTube. Parce que t'es content de ton pari. Parce que comme dans tous les jeux, il y a la dernière phase du jeu, vous savez, les dernières questions, on peut regagner des points. Ah bah oui, on peut regagner. Regarde-moi, c'est faux. On va perdre. J'espère que tu l'as dit assez fort. Mais bon, pourtant oui, je l'ai dit fort. Oh Ryan, tête de ma mère. Donc mec, attends, mais dans juste la fin. Non mais je jure. Et je jure que les 10. Parce que t'envoies un screen. En plus, c'était vers le début. T'envoies un screen de toi qui envoie une photo de bite à ta mère. Bien sûr. Voilà, bien. En bas les couilles, je suis tellement sûr de moi. En fait, t'es sûr, par exemple, je tape tout le monde. Oui, jure, t'es sûr, c'est pas la Corée qui font là. Enfin, que justement, avec volonté. Ah non, non, pas du tout. Avec volonté. Mec, il a dit ça, il est tombé par terre. C'est l'idée du village. Alors, avec volonté. Il a dit avec volonté. Avec volonté. C'est la blague. C'est comme c'est certes. Non, ta gueule. Tu viens d'inventer là. Bon. Ah non, c'est certes ou avec volonté. Alors, genre, c'est, normal, la dernière, c'est la dernière qui est classique et c'est après on va passer sur les bonus, d'accord. Oh putain. Alors j'hésite à passer celle-là en bonus. C'était dans quel film Juste la fin du monde, j'ai dit. Non, mais les autres par exemple. Il n'y en a pas d'autres. Sérieux? Pour celle-là. Bon, vas-y, c'est quoi c'est le truc? Je l'ai dit. Là, si on a le truc, on peut gagner. Du coup, on a 13 points. Cette question vaut 5 points parce que vous adorez la chanson. Oui. Mais vous n'allez pas trouver. Bah, dis ta mère. On a trouvé le film. Pourtant, il y en a beaucoup. Hein. Vous êtes prêts? Ouais, bah j'ai peur. Hein. Évidemment. Oula, putain, non, je sens que Julien il va être chaud sur ça. Ah, vas-y, mais. C'est parti. C'est parti. Ready Player One. Putain, enculé de ta race. C'est pourquoi? Parce que tu l'as vu tout à l'heure l'extrait, j'ai réfléchi. Oh putain, c'est pas du jeu. Putain, j'ai qu'à être en train de se barrer. Et pourtant, elle est dans plein de films. Hein. Ah ouais, ah ouais. Genre. Il y a pas dans. Pas tout l'or du monde, mais tu sais, le truc avec. Putain, je sais plus comment elle s'appelle, cette pute. Je l'ai dit ou pas là maintenant? Je le dis maintenant? Voilà, ouais, vas-y, vas-y. Elle est dans. Dans le grand jeu, non? Il y a pas. Elle est dans le flic de Beverly Hills. Le flic de Beverly Hills. Les tronches. Je connais pas. Et je vous dis pas ce que je connais pas du coup. Elle est dans The Breakfast Club. Mmh, elle est dans Bernard et Bianca au pays des kangourous. Okay. Putain, d'ailleurs, le Breakfast Club. Tu l'as vu ce film? Oui. Le Breakfast Club, je l'ai vu il y a quelques jours. Genre. Mais il est tellement mal vieilli. Il est cool. Moi, j'ai pas dit qu'il était nul, j'ai dit qu'il avait très mal vieilli. Ah non, t'as ouf. Ouais, quand même. Bon, leur style, c'est vrai que bon, voilà. Mais ah, classique. Non, non, non, mais même juste au niveau du cinéma, c'est parfois lourd à regarder. Hein. C'est hyper. Ah non, mais sans ce film, il n'y aurait pas eu vraiment énormément. J'ai pas dit qu'il était pas important. J'ai juste dit qu'il a mal vieilli, c'est tout. Elle est dans Independence. Tu l'as regardé il y a pas longtemps là? Non, mais je pense pas. Mec, je te jure, regarde, il y a pas longtemps, il y a des longueurs immondes et il y a un surjeu parfois un peu trop qui te sort vraiment du film. Eh mais les surjeux, c'est fait exprès. Oui, mais d'accord, mais il y a des trucs qui te sortent vraiment du film. Même des changements de comportement en fait qui sont parfois inexpliqués. Genre, il y a des trucs qui te sortent, ça m'a mis. Ils font des trucs hyper clichés pour définir l'écriture d'un personnage. Je sais très bien, mais parfois il y a des trucs. Non, mais il y a des clichés et il y a vraiment. Parfois des choses qui sont. Genre, cette sorte est en mode vraiment what the fuck. Genre. Après, je remonte. Ouais, je te conseille parce que c'est un truc ouf. Donc, du coup, elle était dans l'asile flic de Beverly Hills, The Breakfast Club, Bernard et Bianca au pays des kangourous. Y'a pas dans le grand jeu? Comment? Le grand jeu, y'a pas? Non, mais quand ça va te. Le grand, ça va te faire quelque chose. Elle est dans Independence Day. Oh putain, elle est dans le grand bain. Elle est dans le grand bain. Putain, oui. Elle est dans. Tous les garçons que j'ai aimés. C'est une comédie romantique, tu l'as vu? Non, je l'ai mis dans l'ensemble de parler. Elle est dans Bumblebee, pour ceux qui l'ont vu. C'est le truc qui sort sur Netflix, là, tu sais, ça fait... Ah oui, All the Boys, ouais. Elle est dans Pixel. Ça fait fureur, quoi. Elle est dans Pixel. Pixel, là, mais ça, j'ai oublié. Hein. Watchmen les Gardiens. Ah ouais. Elle est dans Hunger Games, l'embrasement. Bah ça, on a tous fait le choix de pas regarder. Hein. Sauf voilà. L'embrasement, c'est... C'est le voilà, c'est celui qui a pris le pire film du monde. Ouais. Et dans les séries, je vous dis pas, mais voilà, dans plein de séries. Pourquoi tu me dis pas? Malcolm, Billy, Mr. Robot, Riverdale. Ouais, voilà. Ok, dans beaucoup de trucs. Voilà, donc du coup, ça vous fait qu'un point en plus. Vous avez 12. Non. On avait 13 parce que j'ai raison et que j'ai dit juste la fin du monde. Du coup, on a 14. On verra ça. De toute façon, t'as gagné dans tous les là-bas, cas. Ah ouais, la barre, vérifiant. Et est-ce que les bonus là? Donc, maintenant les bonus qui valent 5 points. Il y a deux bonus, on peut pas revenir. Et en fait, je les ai mis en bonus parce que le dernier compte. Ceux-là, ils sont ultra hard. Ah, Julien, il est faisable le jeu. Oui. Ouais, il est pas si hard que ça. C'est simple. Le jeu, Shazam ou pas vous. Shazam ou pas vous. Pour la prochaine fois, travaillez vos musiques de films. Le jeu est parce simple. Parce que cette rubrique reviendra. C'est impossible, oui. C'est impossible de travailler des musiques de films. Ouais. Bah, si tu regardes tous les films de la Terre et retiens des films. Moi, j'avais plein de musiques de merde dans Twilight. Hein. Tu regardes les films. La seule bonne musique, elle est au début. Ça s'arrête là. C'est mais c'est pas vraiment une musique. C'est l'impression que c'était un compositeur. Je suis ah putain, ça aura une bonne musique. Plus jamais. La musique du gars. Plus jamais. Plus jadas. Plus jamais ça, comme dirait les autres. Alors là, si vous êtes vraiment des grosses icos du conservatoire, vous allez trouver. Ah bah évidemment, c'est ah bon. Des grosses icos du conservatoire. Non, mais il y en a que tu peux reconnaître. Y en oui, a oui bien sûr. Non, mais dans l'antre du roi de la montagne. Celle-là, par exemple, tu la reconnais quand tu l'écoutes. Bah, j'ai aucune idée de ce que c'est. Y'a que toi, Antoine. Ouais, mais moi j'avais 6 ans, donc là on est baisé. Hein. Et c'était à la flûte, hein, donc vraiment. Ah, mais il faut vraiment trouver le nom. Non, d'abord tu trouves le nom du film, ça te fait, ça te fait 5 points si tu trouves le film. Ok. Et c'est vraiment triste. Hein. Fantasia. Je l'ai tenté. Ah, et attends, mais ça a coupé. Vas-y, faut remettre. C'est pas Interstellar. La vie d'Adèle. Tu aurais pu. Ah avec handicapé, intouchable. Non, c'est pas celle-là. Non, absolument pas. C'est une musique qui a été faite exprès. Oui, mais c'est le même compositeur. Et ouais, putain de merde, quel con. Mais toi, mais putain, mais je suis con. T'en savais rien, fils de pute. Mais si, bien sûr, c'est le mec. Il te faut un nom de film. Ah mais c'est, probablement encore un. Intouchable, c'est le Requiem for a Dream. C'est un Toledo Nakash du coup. Comment? Si c'est le même gars d'Intouchable, ça veut dire que c'est un Toledo. Requiem for a Dream. Non. Mec, on n'en sait rien. Alors, ah, si, faut trouver. Mea culpa, j'accepte Intouchable. Ah voilà. Ah, merci, merci. On l'a dit en premier, on l'a dit. Non, je l'ai dit direct. J'ai dit vérifier. Non, si là j'avoue, c'est effectivement toi parce que moi je dis le mec handicapé. Et toi, t'as dit. Parce que le thème d'Intouchable, c'est en effet la même personne qui a fait ce truc. Le thème principal, c'est Una Mattina. Dans Intouchable, ouais, vous savez le truc. Una Mattina. En fait, il reprend, du coup, Eric Toledano reprend plusieurs titres, dont ce titre-là, mais il apparaît très rapidement en fait. Bah, il y est quand même. Genre, mais très succinctement, moi, mais il apparaît. Attendé, hein. Ouais. Mais par contre, c'est pas le titre. Et on habite. Arbitrage contestable. Il apparaît dans trouver l'autre film. Una Mattina. Attends. Elodie, mais genre. D'accord, c'est Elodie, t'as trouvé, mais. Alors, le nom du. Una Mattina, je connais Una Mattina et numéro 5, je sais pas quoi. Il est facile. Ah ouais. Le titre, il faut que je trouve le titre d'un. En plus, c'est une AMV Doctor Who. Hein. Bah, c'est bien, il y a que toi qui regarde. Mais c'est dans quoi d'autre comme film du coup Bah, après, on verra s'il trouve. Mais c'est dans plein de films. Non, mais on verra dans le double titre de la chanson là. Le pianiste. Ah, mais du coup, plus récent qu'un truc ou pas. Dans Le Pianiste. Oui, même plus récent. Même dans un Dolan. Mais non, mais faut trouver le titre de la chanson là. Mais t'es un ouf, Le Pianiste, c'est un type pendant la guerre ou. Bah, non, c'est comment il s'appelle le compositeur aussi. Bah, Elodie, je l'ai dit, mais genre. Vous avez 5 points. Dans le soliste. Comme c'est une question bonus, on peut sauter le titre. Le soliste avec Robert Downey Jr. Attends, est-ce que c'est un nom commun le titre. Attendez, les gars. Je vous donne. Paris. Écoutez. Non, c'est jamais le nom. Vous pouvez gagner 5 points à chaque titre de film que vous trouvez là. D'accord. Et à chaque fois que quelqu'un donne une réponse. Vous, genre, la main passe en gros. Okay. Voilà. Le soliste. Non. Non, pas dans non, le soliste. Non, c'est récent. Elodie, c'est récent. Dans quoi est-ce qu'il y a de la musique Le soliste, c'est récent aussi. Hein. Ah oui. Danny the Dog. Non, mais c'est pas récent. Ah bah, attends. Non, le... c'est non. Allez. Non, le film où il y a. Par contre, j'ai dit que c'était un Dolan, vous avez le droit de donner du coup qu'un seul Dolan. Le film où il y a Lambert Wilson qui apprend au petit jeune d'aller. Je peux prendre la main récent là. Non, il est pas. Dans juste la fin du monde, il y a. Non. Sans déconner. Non. Bah, je vais me tuer. Non, pas les amours imaginaires. Il aurait joué pour 5 points. Il est dans. F. Donovan. Non. Il est dans Mommy. Oui. C'était 1/2. C'était le récent. T'as pas vu sa gueule, frère? Il était en mode. Oui, et toi, t'as dit. Oh, je vais dire autre chose. Gros, ça tarde ta mère, va. Du coup, la cour de récré. Non, bah non, du coup, c'est. Bon, alors, attends. On a 14 plus 5, on a 19. On apprécie la musique. Bon, il est dans. Là, tout le monde se souvient. Il est dans Docteur Zhivago. Ah, bah, super, ouais. Mec, il est dans la mini-série. Il est aussi dans Nocturnal Animals. Ah, ok. Bon, bah du coup, j'accepte. J'accepte. J'accepte quoi? Du coup, on a 19 points et eux, ils en ont. Mais vous pouvez gagner encore des points sur la prochaine musique. Non, mais là, on peut dire que c'est bon. On peut jouer pour le sport. Allez, très connu. Ok. Dans Mother. Requiem for a Dream. Ouais, dans Amadeus. Non, mais t'es un ouf. Est-ce qu'elle joue dans, est-ce qu'elle dans, dans Requiem for a Dream? Mother. Absolument. Les gars, calmez-vous. Us. Répondez bien. Elle est dans Us, je crois. Dans le Prestige. Faut check, hein. Non, mais du coup, je check. Ah, hein. Le Redoutable. Non. Non, non, non, est elle est dans un film de Dolan. Juste ouais. La fin du monde. Laurent Anyways. F. Donovan. Les amours imaginaires. Momie. J'ai tué ma mère. Non, machin à la ferme. Calmez-vous. Thomas à la ferme. Ouais. Thomas à la ferme, c'est bon. Thomas à la ferme, j'ai dit. Non, non, je dis en premier, ferme ta gueule. J'ai dit machin à la ferme, j'ai dit Thomas à la ferme juste après. Et ben c'est pas la grosse. Ta grosse tête sur YouTube. Et non, c'est pas ça. Vous êtes battus pour rien. Allez-y. Il joue dans, ça joue dans un Dolan, ça. Genre, c'est pas dans Mother, je le redis une 4. Ah, mais c'est fois. Pas Les Amours Imaginaires. Non, mais tu l'as dit déjà. Vous l'avez vu le film, vous avez pas. Vous rendez un peu pas des musiques. Il y a des bonnes musiques dedans. Ah ouais, lourd. Twilight. C'est dans un film de Dolan. Quelqu'un a dit. T'as dit quoi, t'as dit 30 secondes Il y a 30 secondes vraiment. Ouais. Les Amours Imaginaires. Non. Du coup, juste la fin du monde, c'est catégorique. La favorite. J'ai tué ma mère. Ouais. La favorite, c'est possible. Ouais. Non, j'ai tué ma mère. Allez, on a 5 points. J'ai dit ta mère, la pute. Vas-y. Non, t'as dit juste la mère. Non, j'ai non c'est moi qui ai dit juste la mère. En fait, lui, j'ai tué les a presque tout cité. Ouais, voilà, ouais. D'accord. Bah, t'es couille sur YouTube alors. Ok. Tu dis donc. Mais putain, toi, je t'aime. On fait une équipe de choc, vous avez pas mal. Mais attends, mais il y a plein d'autres films de merde. Genre, c'est pas dans un. Celui qui a fait Mother et Requiem. Non, dans Le Brio, non. Darren Aronofsky. Le Brio. C'est trop une musique à vérifier ça. Dans Noé. Fou, Non, dans Le Brio, à mon avis, je pense qu'il est. Est-ce que ça serait pas la dernière pour la gagne? Bah non, ça serait pas pour ça. La gagne, vu qu'on a 10 points d'avance. T'as peur de perdre, c'est ça? Allez, on y va, vas-y, balance. Celle-là. Attends, tu peux citer les autres films? Toi, tu sais, là, on va se faire défoncer, Lucas. Hein, je peux citer les autres films, j'ai pas trop. Non, vas-y, continue. C'est juste qu'elle était dans J'ai tué ma mère, parce que genre j'ai vu récemment. Du coup, ça se trouve, on a dit des trucs où il y avait vraiment et tu savais pas. Oui, genre dans Mother, je pense. Non, dans Mother, mais ça pue le Darren Aronofsky. J'adore Mother. Bah, on va vérifier. Non, mais. Ah, il va aller se coucher. C'est subtil en plus comme film Mother. Les gars, je veux que vous soyez rapides pour celui-là parce que vous pouvez vraiment gagner des points. D'accord. 1000. Non, non, points. Pas 1000 points. 10 si tu veux. 10 si tu veux. Alors, et ça change quoi avec ils nous battent notre cœur hein. Bah non, 10 non. Bah si, je pense. Oui, on bat. On a 6. Bah 6, ah, on a 19. Ouais, c'est bon, ah, okay. C'est bon. Bah 15 points. Allez, pour 1000 points, c'est bon. Pour 1000 points, vous voulez. Pour 1000 points. Vous êtes prêts à parier. Je te jure que là, je vais aller me coucher avec le seum, là. Comme quand, j'ai, perdu... là, comme quand j'ai perdu 15 euros, là. Hein. Dis-toi qu'on a gagné, et là, c'est pour rigoler. Voilà, si tu veux. Est-ce que vous êtes prêts à jouer 1000 points? Ouais, ouais, ouais. Bah les couilles. Elle y est pas dans Mother. Comme ça, ils auront l'impression. Les gars, celle-là, du coup, je la tape parce que j'ai pas prévu. Oula. Putain, là, tu parles de ta il femme. Il a une idée comme ça. Ouais, j'ai une idée. celle-là, je sais qu'elle a parlé dans un milliard de films. Son gosse. Et vous êtes. C'est interdit de Mother. Dire. Mother. Les Gardiens de la Galaxie, d'accord c'est, c'est interdit. Pipipi. Je peux dire le titre ou pas? Sex Pistols, non. Je peux dire le titre du. Tu diras après si eux. Tu trouves pas le titre. Baby Driver. Non, parce qu'il y a aucune chose. Driver, par contre, peut-être. Allez, Iron Man. Je veux Driver. Iron Man 2. Il est pas dans le dernier. Dans Logan Iron Man 2. Il a dit. T'as dit Iron Man 2 Elle a dit Iron Man. J'ai dit Iron Man. C'est dans le 2 avec. Comment il s'appelle déjà? Son ennemi. C'est le. Non, pas le mec électrique. C'est toi qui as dit Iron Man 2. C'est pas dans le 2, c'est pas le. Shaolin, là, je sais pas quoi. Non, non, c'est le riche, c'est pas le mandarin. Ah, ok. Dites-moi quand je peux dire le titre et l'interprète. Ah oui, c'est le riche qui. Oui, c'est pas en Pim. Il y a dans quoi d'autre? Non, c'est pas en Pim. Non, pas Pim. Il y a dans quoi d'autre? Il est aussi dans. La bio de ZZ Top. Non, non, il est dans. Dans Watchmen, je crois. Hein? Pourquoi t'as pas dit? Parce que vous l'avez dit avant. Et puisque c'est ZZ Top. Alors, je vais vous dire, il est dans quel film? Oh putain, il est dans beaucoup de trucs. Il est dans le biopic du groupe? Alors, il est dans The Sandlot. Ouais, mais c'est un film ou un. Ouais, non plus. By Name is Joe. Ouais. The Guardian, The Guardian Galaxy, mais ça vous avez pas le droit. En plus, je savais même pas qu'elle était dedans. Elle est dans Apollo 13. Sa mère. Elle est jouée par Ron Howard. Elle est dans Ninja Turtles 2, toi qui as bien aimé. C'était excellent. Avec Megan Fox, non, c'est une blague. Pour Megan Fox. Elle est dans Suicide Squad. Encore. Voilà. Et elle est dans des séries. Ils ont dit qu'un, musique rock bien connue. Mais Suicide Squad aussi, c'est une BO de mariage de merde. Ils ont mis n'importe quoi. Voilà, et elle est dans le générique de fin de Life. Tu sais, le film qu'ils ont fait juste pour l'argent, la Ryan Reynolds et. Et Jack Gyllenhaal, je crois que c'est ça. C'est... Oh oui, il est nul celui-là. Alors que... Non, c'est pas Jack Gyllenhaal. C'est ça, c'est Jack Gyllenhaal, Ryan Reynolds, ouais, là je suis sur la page. Alors que Crucified, oui, là, de Army of Lovers, ça, level. Moi, je peux, Bon, du coup, c'est bon, vous êtes bien là Bah, vous avez perdu. Il peut me tuer. Bah, du coup, on a gagné. D'accord, donc ouais, ouais, ça sera cette équipe qui choisira la chanson de fin, du coup. Voilà. Quoi ? Nous ? Et oui, en fait, en gros, la règle... C'est que la personne qui gagne ce jeu, la carte blanche musique choisit la musique du podcast. Voilà. Et du coup, on vient de gagner. Non, il vient de gagner. Il t'a gagné, oui. Oui, c'est bien, Kylian. Tu as la médaille du gagnant. 19 à 6, frère. 19 à 1006. C'était serré pourtant. Bah, du coup, on passe à qui c'est le meilleur. Bah, du coup. Qui c'est le meilleur. Qui c'est le meilleur. Bah, c'est moi. Enfin, non, c'est moi qui dois dire. Allez, fin du podcast. C'est moi qui dois dire, alors. Les amours imaginaires ou Twilight, partie 5. Et les amours imaginaires, tu détermines lequel de nous deux. Ouais, les amours imaginaires de Lucas, de Kylian. Je suis pas dit que ceux qui avaient gagné, hein. Ça se trouve, y a pas de dilemme à se poser. Non, mais attends, déjà. Déjà, y a un suspense, parce que ça va être la musique de Kiwi Fist Million, du coup, faut créer un suspense pour qu'elle soit un peu là. Ok, c'est parti. C'est pas toi qui. C'est pour que nous, on soit dans l'ambiance. Fait tous les bruitages du monde. Il faut qu'on soit dans l'ambiance, non? Vas-y, réfléchis un peu. Réfléchis bien et réfléchis un peu. Prends ton temps. On réfléchit pour quoi là ? Non, oui, bah c'est le meilleur. Attends, attends, attends. C'est le meilleur. Gagnant. Attends. Julien, tu es Jean-Pierre Foucault ce soir. Jingle Jean-Pierre Foucault. Okay. Vas-y, vas-y. De quoi ? Fais un Nikos, fais un Nikos. Fais un Nikos. Attention, je vais vous sortir mon plus beau Nikos. Donc, jingle Nikos. Logiquement, Dja porte numéro 3 ce soir. Vous l'avez chanté à la maison ? Voici Yaka. Bon alors Antoine. Antoine, écoute-nous. J'adore la feta. La salade à la grecque. Antoine, dis-nous. Oh, mais merde, mais la froisse. Oh, tu m'as craché dessus. Qui de trois? Qui des trois? Oh là là. A la meilleure voix. La meilleure voix? Parce que ah putain. J'anime, j'anime évidemment The Voice tous les samedis. Oh là là, une perforation de ta gueule. On va monter cette émission. Un plaisir. Là, en fait, là, il y a 2h02 et puis il y a 1h avant. Il y a 1h02 avant. Là, 2h02, il y a mes 1h de moi. Après, c'est bon, alors c'est simple. C'est simple. De toute façon, on va pas passer par 4000 chemins. J'en ai rajouté 1000 de plus comme bon point que vous n'avez pas. Ça va pas être Julien. Parce que Twilight, c'est de la merde. Mais t'as pas. Non. Je suis désolé, mais parce que eux, au moins, on avait. Ça a établi quelque chose d'intéressant, on a pu dialoguer et tout. Voilà, ça a l'air intéressant, je le regarderai sûrement après. Faut que tu fasses un gagnant, un perdant, vraiment. Oui. Bon, quoi qu'il en soit, la passion de Lucas pour Dolan était assez touchante. Voilà, non, puis Kylian. Allez, t'as gagné, Lucas. Non. Ça fait du 2-0, hein, les gars. Je veux. Mais pas du tout, 2-0. Qu'est-ce que. Il a gagné l'émission suivante avec Peggy Sue s'est mariée d'ailleurs. Mais c'est pourquoi c'est lui qui a fait comment Peggy Sue s'est mariée. Ah, c'est le perdant qui a fait. Attendez. Ah non, pardon, j'ai disqualifié Kylian parce que je croyais que c'est lui qui avait gagné la dernière fois. Non. Bah autant pour. On va refaire. Attendez, je veux dire que Peggy Sue était aussi bon des yaourts à la grecque. Moi. Putain. Non, pour moi, Kylian, je pouvais pas le faire gagner parce qu'il avait déjà gagné la dernière fois. Mais t'inquiète, de toute façon, je fais l'intro là. Non, mais de toute façon, on bat les couilles. Non, c'est plutôt. Mais au niveau, non, mais juste au niveau argument, pourquoi tu me choisirais moi? Oui, j'irais plutôt Kylian parce que c'est avec tes réflexions à toi qu'on a abouti à plus de discussions. D'accord. Et puis, toi, t'avais peut-être un côté trop positif. Voilà, alors qu'avec Kylian, on a vu vraiment les vrais, potentiels défauts. On verra s'il y avait celui du somme pas. Mais regarde-le et ouais, en vrai, je le regarderai peut-être ce soir, genre un truc comme ça, parce que ça a l'air sympa, je sais pas. Donc, ouais, voilà, j'ai bien aimé cette opposition. Donc, gagnant et le perdant, faut que tu établisses le perdant. Le perdant, non, je vais pas mettre Lucas, mais ça va être Julien du coup. Ou Julien ? L'audace ne plaît pas. Quoi, attendez, retourne à mon situation. Quoique, c'est vrai que ton une heure de monologue pour le film. Il y a un jingle perdant, sachez-le. Alors, il y a déjà eu un jingle gagnant. Oui, et il y a aussi un gage perdant, et tu le connais, je l'ai dit au début de l'émission. J'ai oublié, ça fait vite. Ah, maintenant, il y a un gage perdant ? Ouais, en gros, c'est que... Il fait l'intro, il monte sa bite, il envoie son adresse sur Instagram, il y a vraiment tous les gages pour être perdant. Cette semaine, c'est pour moi. Ok, cool. Le gage perdant, c'est que le prochain thème, tu choisis pour toi le pire film, genre vraiment le film que tu détesteras sur le thème. Ouais, mais après, on va plus jamais gagner. En vrai, c'est bâtard, oui, parce que... C'est bâtard parce que moi j'ai pris un film de merde mais on décide de me faire peur. Non, mais j'ai pas dit que t'avais perdu. Non, mais c'est moi, ça va être pour ma gueule. Je sais pas, parce que c'est bâtard, parce que... ouais, toi, bah oui. C'était trop bien ce que t'as fait sur toilette. Bon, on s'est emmerdé pendant une heure, mais au moins t'as fait l'effort. J'étais au fond du gouffre. Lucas, je peux pas non plus te faire perdre parce que c'était bien ce que t'as fait aussi. Enfin, t'as parlé du film avec passion, machin, mais c'est pour ça, c'est impossible. Du coup, la pièce, la canette de bière. Mais on a j'ai terminé. T'as perdu. Mais non, mais c'est vrai, sérieux, t'es un connard. Hein. Non, c'est ça le truc, là, t'es un connard. Ah oui, non. C'était fait, Calis. Ah, j'étais fait. Oh, j'étais fait. Ouais, c'était fait. Oh, ouais, c'était fait. Totalement arbitraire, il y avait zéro truc. Il y a tout choisi. Meilleur invité, meilleur. Vous êtes tous perdus. Mais rassurez-vous, cher auditeur, Antoine ne reviendra plus dans le podcast. Mais... Et salut les potes. Bien sûr, il reviendra. Ouais. Non, je pense qu'il reviendra. De fou. C'est cool. De fait, quand vous aurez plus d'amis, de toute façon. Mention honorable. Des films de Xavier Dolan. Bah tout. Ou alors dans lesquels il y a des films qu'il a doublés et que vous aimez particulièrement. Moi j'en ai pas. Ouais, mais pas les Harry Potter parce que voilà, mais sinon moi j'ai rien vu d'autre que les. Moi je dois dire que. Il a fait le doublage d'un film qui s'appelle Shark Boy Lava Girl. Ah oui, ça j'ai vu. Un film de Robert Rodriguez. J'avais vu, ouais. Donc le mec qui a fait Sin City. Et pour ses premiers films en 2002-2003, il a fait ses films de merde avec Taylor Lautner justement et doublé déjà David Dolan, Taylor Lautner dans Twilight. Moi je dois dire, j'ai une mention honorable très spéciale qui me tient à cœur. Parce que ce serait pour juste la fin du monde, parce que c'est le premier film de Dolan que j'ai vu. Ouais. Et c'était un moment très particulier pour moi, parce que j'étais avec ma marraine au cinéma. Et c'était un moment fort intense. Le film, c'est par de la famille. Voilà, moi aussi. Et voilà, c'était très émouvant et j'ai adoré découvrir sa cinématographie avec ce film. Moi j'ai une mention honorable aussi pour la vie de John Donovan. Dans le sens où c'est le synopsis qui m'a le plus plu. J'aurais voulu le voir, non, mais j'aurais voulu le voir. Le commentaire critique le mieux noté. J'ai vu le synopsis et ça m'a plu et je me suis dit je pourrais être intéressé par ce film. Moi aussi, il m'a plu. J'ai pas pu le voir. J'ai pas pu le voir. La bande annonce, c'est pas mal. Ça vaut ce que ça vaut. C'est lui après, il a sorti un autre commentaire en mode j'aurais bien aimé le voir. Non, mais il fait premier commentaire, j'aime le titre. De toute façon, Kylian, là je viens de lire un truc sur Dolan. Quoi que tu dises, il a dit aujourd'hui je ne lis plus les critiques. Lui il va devenir Godard jusqu'au fond. Hein. Mention déshonorable à Ah ouais, quoi, tu aimes pas? J'ai détesté, je me suis fait. C'est comme si je me suis fait violer par Xavier Dolan. Alors attends, ça. Non, on va peut-être se calmer. Peut-être que tu refais pas ça. C'est avec Hollywood, donc il n'y a rien qui va faire ton problème. Non, oh là là. Toi, je te jure. Alors, et pas que ce podcast, on l'a vu. Et du coup, mention honorable à Hello de Adèle, il a réalisé. Okay. Très bonne chance. Mais non, c'est le clip de Hello de Adèle. Ouais. C'est pas, elle est juste sur un piano en noir et blanc. Bah oui, il est super cool. C'est génial. Je sais pas ce que pas fait. Ah non, Hello, non, je c'est le truc en noir et blanc, tu sais, un peu avec du blanc. Ah oui. Ok. Et du coup, tu fais le profil du. C'est un peu ça, je suis pas le son, mais c'est un peu ça. Hello bon, on connaît. Hello, c'est ça. Hello, Jingle. Machin. Non, mais on a. On regardera, les gars, moi. Tu sais, la musique est la plus écoutée en 2016. Voilà. C'est tout pour le morceau. Ok. Bon, et du coup, maintenant, on fait quoi? Bah, du coup, maintenant, faut définir le thème de la semaine prochaine. Bah, je donne trois trucs, on fait la roue et... Tu dis un acteur, un thème, thème de film. Comme c'était père et fils la dernière fois, et une année. Et une année de sortie, ok. Très vite. En type de film, les... je sais pas, film... tu sais, genre, mais non, mais films musicaux par t'as exemple. Pas réfléchir, hein. Comédie musicale. Non, pas comédie musicale, les films musicaux. Ah, juste film musical. C'est-à-dire que le thème principal, c'est la musique? Non, Amadeus, film musicaux, le film soliste, musicaux. Le voilà, pianiste. C'est musicaux, en fait. Non, dis pas. Genre, Bohemian Rhapsody, c'est un film musical, c'est pas une comédie musicale. Ouais. Ouais, mais les comédies musicales inclus ou quoi? Quand? Bah oui, comédie musicale inclus. C'est juste que la musique fait partie intégrante du film finalement. Comédie musicale. Oh non, parle pas de La La Land. Non, faut arrêter. Non, moi je prends. Bah, vas-y, c'est bon, je j'adore la langue. Mais attends, c'est pas sûr que ce soit ça. Jamais ça. Donc, ne ça. Jamais ça. Alors, une année, je vais prendre 2009. 2009 okay. Ouais. Oula. Ouais. Et L'acteur. L'acteur, je vais prendre. L'acteur ou autre chose, hein, je sais pas. Ou un chien. Ah, décidez-vous, vous parlez de meuf à gros nichons, mais décidez-vous. Non, mais je dis prends une femme, ça fait deux. C'est vrai qu'on tombe pas sur une femme, ouais. Parité est respectée. Hein. On est 5 mecs autour de la table. Maïté, tu vois. Pas le film. Je tuerai le derrière. Non, une femme. Meryl Streep. Franchement Meryl Streep. Merde. Portman. Non, celle de Pirates des Caraïbes. Tu veux pas faire un réalisateur à un moment? Ben non, on l'a fait. Soit acteur, soit. Pirates des Caraïbes. Penelope Cruz. Non. Ben non. Keira Knightley. Non. Ceci dit, Penelope Cruz, ça aurait été bien parce qu'elle a joué dans des trucs un peu sombres aussi. Quoi? Penelope Cruz, ça aurait été bien parce qu'elle a joué dans des trucs un peu sombres aussi. Enfin, genre des trucs pas trop connus parfois. Eva Green. Non, pas elle, pas elle. Ah oui, elle fait des cartons, mais. Eva Green. Eva Green. Ça aurait été intéressant. Eva Green, mais c'est une meuf de cul. Vas-y, mec. Quoi? Eva Green. Non, putain, non, je le confonds avec comment ça s'appelle. Bah, on refait le truc, Eva Green. Je cherche la femme. Oh, Michto! Voilà, merci. Eva Green. Tu vois, moi, vraiment, je connais pas. Elle a joué avec Garel, d'ailleurs, dans Spell, qui joue dans The Dreamers. Je sais qu'elle joue de bas, elle est française, donc. En vrai, Penelope Cruz, ça aurait été trop bien. Elle est française, sans déconner. On parle bien de la meuf qui a joué dans 302. Heureusement qu'on a écouté en cours d'espagnol, comme ça on aurait pu comprendre les films en VO. Oh, c'est Bi, elle est française. Eh ouais. Voilà. Elle joue dans plein de films français. Ouais. Everybody Knows, c'est trop bien. Ouais, c'est trop cool. Je me suis... Bah, mec... Javier Bardem. Ouais, c'est trop bien. Je vais pas mettre Javier Bardem, je m'en bats les couilles. Non. Mec, j'en ai. Non, il y a des milliards d'actrices, des actrices tout court. Anna Hathaway. Oh, c'est trop bien. Elle a des... Oh, allez. Oh, faites Interstellar. On que trop. Il y en a qui fait Interstellar. Non. Attention, qui c'est qui a gagné la roue magique? C'est 2009. C'est 2009. Ah bah c'est intéressant ça. Ouais, ça c'est intéressant. Ah, ça c'est bien. Je vais pouvoir vous mettre des musiques de 2009. Oh, je Ouais, de ouf. Et toi, je dois prendre. Moi, je dois prendre le pire film de 2009. Film, série, ça passe. Oh, le... me faire péter les couilles. Oh là là. Mais il y a déjà 30 trucs trop bien en 2009. C'est de la grosse merde. Hein. Ouais, bon. Quand même, non. Bon, attendez, stop. Non, ça va. Ah oui, bah oui. Les gars, le mois de la fin. Là, tout le monde est content, tout le monde est en train de se casser, mais... j'avais sorti un truc horrible en plus. D'ailleurs, vous êtes content d'avoir fait ce premier truc, enfin ce second épisode justement? Bah ouais, franchement, c'était très bien. C'était trop cool. Est-ce que ma rubrique vous a plu? On garde. On garde pour la prochaine. Il va se travailler. S'il te plaît, envoie-moi une petite playlist la veille. Ce serait cool. C'était très bien. Franchement, c'était cool. Et puis les débats étaient vraiment cool parce qu'on a vraiment pu dire ce qu'on pensait des films et pas juste vanner. La bite. Après, peut-être que le fait que vous ayez perdu, ça vous met un peu une goutte. Non, mais franchement, moi je vous dis honnêtement, j'ai la mort d'avoir perdu sur un film que j'aime et que tu détestes, franchement. Du coup, donc le mot de la fin, on le donne à l'invité. Non, mais déjà, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, ce serait bien. Parce qu'on a 3 écoutes. Donner des retours, des notes sur iTunes, parce que visiblement le monde ne tourne qu'autour d'iTunes. Donc laissez des 5 étoiles. Voilà, donc. Et puis on remercie notre sponsor Naughty America. Cette blague est toujours pas drôle. Ouais, je crois. S'ils veulent vraiment nous sponsor Naughty America, on non. Non, mais. Bien sûr que si, on prend. Mais ferme ta gueule, mais, qu'est-ce mais quoi déjà, on leur a jamais. Déjà, vous êtes des abrutis. Voilà. C'est tout ce que j'aurais dit. Non, mais rejoignez Twitter, @EDApodcast. Renouager, bah oui. Bah, j'inverse les lettres, il est 2h du matin. Instagram, Facebook, c'est pareil, j'imagine. On n'a pas d'Instagram, on n'a pas de Facebook. Rejoignez le YouTube, laissez un like, laissez un commentaire, genre le table. On est sur PodCloud, le meilleur service d'hébergement de podcast, donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Sur Spotify et Deezer. Et surtout, parlez-en à vos amis. Hein, bah, voilà, de cinéma, vous savez très bien comment ça marche. Fête de cinéma et pas spécialement parce que finalement. Ta gueule, toi. N'oublie pas que ça marche par le bouche à oreille, les trucs qui fonctionnent, donc parlez-en à vos amis, s'il vous plaît, à la cour de récré, quand vous échangez vos billes, faites des trucs. Par pitié, on a besoin d'écoute. Et ça meurt bien, on veut pas nous sponsoriser tant qu'on n'a pas des écoutes, donc... Par pitié, parlez de nous. Allez, on termine là-dessus, sur le mot de la fin, le mot de la allez, fin. Allez, un mot de la fin, j'en veux un seul. Dis un mot. On revient. C'est deux mots, les règles sont simples. C'est comme le jeu du Xavier Dolan. À partir de maintenant, celui qui dit pas un mot, il se prend des malus. Pour la prochaine fois. Non, moi je vais pas me retrouver dans son équipe, je vais pas perdre encore. Mais on changera les équipes. Yes. Allez. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Merci. Waouh, ok, Lucas. Nordal, pour Nordal le lendemain. Ouais, on a RF, gros malade. Feta. Ok. Ok, Antoine, essaye pas de dire non. Une maladie quelconque. Grégory. Et moi, je vais finir par petit. Hein, parce que voilà. Allez, applaudissements, c'est la fin. Au montage, tu inverses les deux. C'est une musique. C'est une musique, Antoine. Parce que regarde comment ça se lance, la musique que t'es en train de citer là. Alors, une musique, c'est bien pour la fin, ouais. Ok, pas mal. Regarde l'intro. Ferme ta gueule. Okay, une musique, c'est bien pour la fin pour conclure. Elle est pas mal là. Vous avez bien. Ouais. Antoine va la citer dans quelques secondes. C'est très bien parce que là, ça a commencé à parler. Ta gueule. Il y a les paroles qui commencent. J'ai une musique que t'écouterais sur le radio. Ouais, non, mais une musique de fin. Bah voilà, Crucified de Army of Lovers. Bah voilà, c'est parfait. Allez, bisous à tous. First of reciter, I saw eternal light. mais vous voyez dans ce foyer, arrête, spoil pas. Mais non, mais ils sont vivants, on fait voir ça. Julien, tu me dis ça sature ou pas? Non, prochain. Dis-moi si ça sature ou pas quand on parle. Parce que j'ai augmenté le volume. C'est où que tu vois que ça sature par exemple? Bah, quand ça devient rouge après la barre. Ah! Bah, ça va, ça devient jamais rouge. Ouais, tu veux pas regarder le toit? Ça va ou pas les potes? Non, mais là c'est bien. Non, là c'est bien. Bah, remets-le droit parce que sinon là ça coupe le son. Non, c'est pas que ça coupe, mais ça prend. Bah, ça fait pas juste comme ça. Étant donné que je gueule, le téléphone en silencieux. Ouais, tous les téléphones en silencieux. Pardon. Sans vibreur, bien ralasse. Putain, nous on a bien mangé. Trop peut-être. Est-ce qu'on fait les dédicaces à la fin de. Dédicace à ma maman. Qui est Kevin de Badaki. Il y a du SoundCloud ou pas? Et Kevin des Rois. Mais je peux le faire dans la. Ouais, t'as compris. Bah, dédicace à Culturisme qui va voter pour nous. À Culturisme. Et à Nokia America parce qu'on est sponsor. Ah, putain. J'attends que ça dort bien, on va voir un message. Faut dire à Manuel Ferrat. Ah ouais, je suis sûr. Ah, ils sont sous déjà. Quoi? Manuel Ferrat. Eh ben. Bah, je pense que ça serait trop bien, j'ai envie d'inviter. Mais bon, il viendra jamais. Mais pas accessible. Là, dans ici. Manuel là, Ferrat ici, qui est à Donavissus, faut savoir. Ouais, c'est vrai. Il ressemble vraiment beaucoup. Ouais. Mais non, arrête. C'est la version musclée de. Bah oui, en beaucoup plus musclé, mais. Manuel Ferrat. Si, mais l'autre, c'est Azanavicius. Oh là là, OSS, la classe américaine. Non, si, Azanavicius, non, mais je vais te montrer sa gueule. Il a fait le redoutable. Oui, oh, le redoutable, c'est vraiment génial. Ouais. Ça rime pas, c'est dommage. C'est sur Godard. Dans Look. Sur OSS aussi, je crois. C'est ce mec, c'est Manuel Ferrat. Sur OSS aussi. Putain, oui, grave. Tu lui rases la barre, c'est Ferrara. J'ai besoin de comprendre. Tu vois Ryan. C'est lui, hein? Oui, c'est lui. Je crois qu'en plus qu'il est que sur mal. Mais là, il est en train de baiser Angela. Ouais. Ah ouais? Je crois. Je croyais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chier sur le balcon. Il va chier dans mes. Non, non, j'ai juste. Ah, il est où le chat, Ryan? Pourquoi t'as mis ça? Ah, mais il y a pas de chat, Putain, ça fait 10 ans que t'es mort. Il est pas mort, Il est parti, de lui-même. Ça fait 10 ans qu'il est mort. J'ai envie de te péter. Il est pas mort, il est juste en bas là. Il est juste chez la voisine maintenant. Il dort un peu quoi. Il dort. Mais je crois qu'il est mort en vrai. Je pense que ça. Tu crois? Damso il a fait sonner son verre. Ça commence? Ouais, c'est quoi? Ça, c'est lui. Non, là, arrête, allez, tous les liquides. Moi j'attends, c'est bon? Tous les liquides, c'est fini. Ouais, c'est fini. Mais regarde pas ton passage. Quoi, faut que tu le découvres? Oui. En même temps. C'est quelle page? Si t'as des problèmes de diction, ça va être un peu con. C'est à gauche ou à droite? Ouais, j'aime bien à gauche. Je sais pas, tu lis de gauche à droite? C'est parti. T'as déjà 2 minutes 50 de rien du tout. Ouais. T'as mis la roue qui tourne. Ah ouais, mais au début c'est pas grave, au début. La roue, putain. Magique. La roue. Oh, bah, allez, si vous voulez, je commence. Toi, tu personnalises tout, n'importe quoi. J'adore ça. Moi, je suis plus internet. Nathan, t'as des Maxi Man sur ce. Mais déjà que je suis en train de stresser pour ma truc. Mais il y a mon PV. Non, mais t'inquiète, ça. Tu sais que je suis en panique, moi, sur mon truc. Quoi? Bah là, personne t'écoute. En disant ça, forcément, ça. C'est malin de ta part. Trop, mais on se bat les couilles. Et toi, ouais, tu le refais plusieurs fois. Et... Bon, c'est bon? Vous êtes prêts? Attends. Je suis pas là. Allô? Ça marche. Vas-y, parle, Kian, pour. Je sais pas, on m'entend bien là? Ouais, ça va. Non, mais c'est bon, tout le monde est au même. C'est bon? Tout le parfait. Voilà. Mais faut rester vraiment à cette distance là ou on peut reculer ou avancer? Bah regardez. Non, vas-y, recule. Parle à un débit normal et recule, genre. Là? C'est pareil, c'est mais dans tous les cas, on a fait ça à la bite la dernière fois, il y a tout qui est parfait. Ouais. Ouais, j'avoue. Là, j'ai juste augmenté le t'as un homme marié. Pardon, désolé. Attends, faut juste être si c'est la bonne roue magique ou pas. J'ai envie de crever. Oh, j'ai trop mal au ventre. Ça vous est déjà arrivé, genre quand vous. C'est la bonne. Tais-toi. Ça vous est déjà arrivé quand vous vous levez trop vite d'avoir un espèce de blackout, genre? Essaye, recommence avec cette théorie. Non, bah d'ailleurs, attends, avant que ça enregistre. T'es jamais genre levé trop vite, oui, et du coup, vraiment. Ouais, mais tout le monde ça m'est arrivé ça. Et du coup, j'ai convulsé et tout, j'ai tout pété dans la salle. Non, bah en fait, quelle tellement vous remercie. Oui, vous êtes particulièrement chauffé sur le bondage. Et Julien, tu t'es grave chauffé pour faire la pub du truc et contacter les trucs. Ah non, j'ai perdu la page. C'est pour ça qu'avant le podcast, on voulait vous dire ça. On voulait vraiment, enfin, vous remercier. Lancer un big up à vous. Vas-y. Bah franchement gros big up, mais à la fin on lâcherait un gros big up à vous pour tout le montage, tout ça, hein, c'est sûr et certain. Mais ça c'est sûr, ça. Que nous, hein, c'est tout le monde, tout le monde. Bah ouais, non, mais ça fait l'émission, mais en soi, faites tout le genre de décor. Je me suis pas démerdé pour avoir PodCloud, tout ça. Genre, ouais, ah oui, c'est lui. Interdit le liquide, toi. Ça, c'est lui qui a fait toutes les démarches. Mais c'est chelou, que ce soit l'écart en une 10h ou quoi. Bah prends-le, il est dans le. J'arrive pas, non. C'est bon, je te l'aime, je te l'aime. Si vous voulez, t'as ouvert, je relance ma truc. Mais c'est interdit. Non, toi, les liquides, c'est derrière, toi. Mais mec, la dernière fois, t'as fait nimp et tout, là. Mais jamais. C'est quand j'ai début. Non, c'est quand j'ai on l'entend dans le podcast en plus, on a la preuve à la fin. Et en plus, il est bon. Il veut absolument que son truc soit bon. Merci. Bah, c'est du chardonnay en même temps. Non, mec, depuis là, je lis des livres sur les vins et tout. Franchement, je suis devenu monologue. Ou alcoolique. Ouais, voilà, il a t'as niqué sa manne. Ouais, de ouf. Parce que moi, il me l'a fait, j'ai pas répondu, il a fait ou alcoolique, c'est peut-être ça de moi. Bah, allez, vous êtes prêts? Très dégueulasse. On fait un silence. Vas-y. C'est parti. Vas-y, vas-y. Ça sera enlevé, ça sera la fin du podcast. Les bloopers. Déjà, à la fin du premier, il y a des bloopers. Hein. D'ailleurs, on dit un petit big up à tous. Ferme ta gueule. Oh là là. Allez, silence. Stop. La twittosphère. On fait ça. Fanzouz. Culturel. Fanzouz. Aux chaises VG, je sais pas quoi. VG. Oui, oh. Toujours mes petites fiches. Oui, oui, moi je me chauffe là. C'est bon? On fait silence? Oh, regarde pas, regarde les écrans. Le roi du silence.